Merci pour cette belle soirée encore avec vous là. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. On en saura un peu plus sur les fantasmes de Karima. Promis, promis, soyez là hein, dès demain sur Fun Radio. Un des fantasmes ce soir a été réalisé hein, c'est que j'ai vu Karima être sur une barre de pool dance. Voilà. Ah c'était chaud, t'as pris des photos, des vidéos. Mais bien sûr. Je veux qu'on m'apprenne moi, c'est un de mes, je rêve d'apprendre à bien, faire écoute, ça. Normalement il y a une auditrice gogo danseuse qui va débarquer et qui va donner des cours à Tov, donc t'as qu'à rester. Comme ça on vous réinstalle la barre de pool dance demain dans Love in Fun. Ouais. Et le doc. Ah j'aimerais bien mais j'ai une grosse journée demain. Oh genre l'excuse bidon. Ça veut dire elle va aller voir son mec. Ouais. Non je vais voir Jason Derulo. Elle a un mec. Non, elle a pas de mec, c'est moi le mec. Parce qu'aux dernières nouvelles, on cherche après. T'es cocu là, c'est toi le mec. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non déjà mon amour est inconditionnel pour Toff, je le rappelle. Ouais, c'est à part, sinon Polo et Mickaël, je les aime beaucoup, mais pas de la même manière. Ah d'accord, ok, très bien. Mais je suis prête à refaire un cours de pole dance avec vous. Bon, bah écoute, on va apprendre et puis on t'apprendra, j'allais dire derrière, mais ça allait être mal interprété. Ah oui, ça c'est certain. Surtout avec toi, oui. Ouais, c'est clair. Bon, bah bonne soirée à vous. Bisous, à demain. Allez, c'est parti. Nous on est là, bah c'est parti aussi jusqu'à 2h du mat. Ciao. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit, No Limit, Mickaël, sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On vous l'avait dit hier, ce matin, c'était le jour du bulletin. Et bah, comme quand j'étais petit à l'école, hein, il y a marqué sur mon bulletin, Mickaël est bon élève, mais peut mieux faire. Hein. Souvent à la tête dans les nuages. S'il se mettait moins près du radiateur. Ouais. Ah, pour le coup, je suis à côté de la clim et à côté du chauffage, hein, donc je suis pas mal là quand même. Il manque la fenêtre, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc voilà, donc on a eu les sondages radio, et donc effectivement, c'est peut mieux faire, être très gentil, mais n'est pas toujours bon attentif, camarade. Camarade, à la langue bien pendue. Pour le coup, ouais. Dites-nous d'ailleurs, tiens, si vous avez des petites phrases comme ça de prof, avec des expressions, enfin pas des expressions, mais tu sais, des phrases à la con sur les bulletins, dans les journaux, etc. Là, qu'est-ce que t'as déjà eu, Sandro? Toi, t'as eu des merdes, non? Ouais. Préfère. Ah, c'est pas mal ça. Non, mais c'est le meilleur, celui-là. Préfère la vie des 17 que l'histoire de France. Ah, oui, à l'époque, oui. Et Toff, s'il pouvait regarder un peu moins souvent sous ma jupe. Non, oui, et plus dans son bouquin. Non, oui, c'était ça. C'était doit plus s'intéresser aux cours qu'aux filles ou un truc comme ça. Ah, ouais, bah, tiens. Et t'es Polo? Non, j'ai passé bavardage. Et trop violent, agressif. Agressif, petit camarade. Pour qui se prend il et le mot préféré, c'est à gâcher son année par manque de travail à la maison. Alors j'en avais rien à foutre en fait. Bah ouais. Bon, voilà. Dites-nous vous si vous avez eu des petites phrases comme ça. Tiens, on peut en parler ce soir, on en parlera jusqu'à 2h du mat. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait bien plaisir. Merci à vous, mais c'est pas encore assez nombreux. Alors je compte sur vous pour continuer à dire autour de vous qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et bah ça se passe sur Fun Radio 23h, 2h du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. Je compte sur vous. Voilà, t'as prévenu tes potes toi que tu passes à la radio, Logan? Ouais. T'as prévenu ta pote. Bah t'en as qu'une, donc toi t'es. Oui, il n'a qu'un ami, c'est déjà pas mal. C'est ça, tu n'as qu'un seul ami? Non, j'ai plein d'amis, ils m'écoutent en ce moment. Très bien, bon on les embrasse alors. Est-ce que t'as déjà eu des petites phrases sympas de tes profs, genre sur les bulletins en fin d'année? Non, le seul truc qu'on m'a dit c'est il faut que tu te ressaisisses, sinon tu files du mauvais coton. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça je l'avais aussi, ouais. Ah, ouais. Truc, j'avais eu. Attends. Viens user inutilement ses pantalons sur les bancs de l'école. C'est pas mal. Non mais sinon il y avait aussi a les capacités mais ne fais rien, ou il manque le déclic, enfin tu sais les trucs, t'as toujours toutes les capacités mais en fait non. Bon bah du coup Logan, on va parler de quoi avec toi ce soir? Ben en fait c'était pour expliquer ma petite histoire en primaire au fait. La toute première fois qu'on m'a appris comment niquer au fait. Ah très bien, bah alors on va en parler dans quelques minutes, Logan, 19 ans de Charleroi, la bouge pas de la Logan. La dernière fois qu'on a eu un Carolo, il nous a parlé du fait qu'il avait des deux esclaves, hein, et qu'il avait un donjon, c'était la semaine dernière. Oh là là, était bien ce jour-là. Ah bah on était plutôt et bien installés là. Des esclaves sexuels. Hein. Oui, ah bah bien sûr, esclaves sexuels, bien et sûr. Et en apéritif, il se faisait. Il se faisait fister en fait tout simplement. Car on ne peut pas fister si on n'a pas été fisté. Exactement. Merci. C'était d'ailleurs ce que notre ami Carlo nous avait dit. Tu n'as pas un donjon toi Logan, hein? Non. Donc, mais il a réfléchi quand même. Mais hein. Il a réfléchi quand même pour être sûr. Bon, bah, Logan, reste avec nous pour venir parler justement avec nous, pour venir prendre le contrôle de Fun. N'hésitez pas, un seul numéro, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, un seul numéro aussi, 02 851 4 x 0. Et vous tomberez sur Sandro qui a aussi d'ailleurs effectivement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Bah oui, t'es arrivé dans le bureau, t'as fait que j'ai ça. Oh la gueule! Bon, ça c'était évidemment avant qu'elle se bouffe une gaufre à la machine. Non, pas du tout. Ah, c'est le stagiaire qui m'a dit ça. N'importe quoi. Ah bon, d'accord, tu je pensais. Tu mets une claque dans ta gueule. Vous avez vu la bonne ambiance au standard. Faux bon, stagiaire. Donc, alors, combien de kilos est-ce que tu as perdu? Non, j'ai pas perdu en kilos, hein, malheureusement. J'ai perdu 800 grammes en 5 jours. 5 jours? Ouais. Ah mais ça, c'est parce que c'est parti aux chiottes. C'est presque 1 kilo. Non, même pas. Ah ouais? Non, non, franchement, mais je crois c'est normal. Hein, parce ah, que c'est je, normal. Oui, je suis désolée pour ceux qui sont. Ouais, vous avez fini de manger. C'est réglé. Ouais. Ah, je suis en zone okay. rouge, donc normalement ça devrait baisser plus à la fin. Ah d'accord, et après elle va tout reprendre, tu vas voir, ça va être non, en folie arrête, totale. Tu portes pas la poisse. Non, bah, je porte pas la poisse, mais bon. Bon, alors bah, voilà, donc bravo. D'ailleurs, le public réapplaudit, bien sûr. Merci, ça fait plaisir. Un peu de soutien. Bravo. Voilà, allez. Et deux bonnes nouvelles également dans la même journée, hein. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Bah tiens, dis donc. Bon, et Toff qui a aussi une bonne nouvelle, non? Non. Ah bon, pardon, alors non, désolé. Bah, c'est pas grave. Bon, j'aurais bien voulu, mais non. Bah, le principal, c'est que tes amis soient là. Allez, ah oui. Voilà. Pas de faire foutre, pauvre connard. Ouais, il y avait même celui-là, attention. Tu veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con? Voilà, tu veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con? C'était un nouvel ami que nous avons rencontré hier soir. Ah oui. Très sympathique au demeurant, évidemment. Et puis ce soir, Polo qui est heureux. Ah. Car il devrait, je dis bien devrait, parce que il y a Déborah, une auditrice gogo danseuse qui doit venir, j'espère, parce qu'on a quand même installé la barre de Boudin, oui. Ce bordel là. Voilà, Polo est heureux parce qu'il réalise enfin son rêve, faire l'émission avec une barre de striptease dans le studio. On dirait une lance, tu sais, dans, ouais. de chevalier. Exactement. Afin de chasser la femelle. Voilà, la barre de striptease, la barre de pool dance est installée. Nous n'attendons plus que Déborah qui nous avait promis de venir. J'espère qu'elle viendra. Ce soir, on aura aussi évidemment du son dance floor avec le son de New World Sound. Ce sera The Flute. Je vous cadrerai aussi le son de Martin Garrix. Ah, ce sera Wizard. Il y aura aussi Pharrell Williams. Je vous calerai aussi un son que vous avez découvert hier pour la première fois sur Fun Radio, Shakira et Rihanna le nouveau. Voilà, ce sera à découvrir tout à l'heure sur Fun Radio. Et pour réagir également à l'émission, bah vous avez le hashtag Mickaël que vous pouvez mettre dans vos messages sur Twitter. On fera bien évidemment le top tweetos à la fin de l'émission. Pour y participer, c'est super simple, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission justement. Hier soir, on a battu le record de l'émission encore une fois. Ça fait plaisir de voir d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission. N'hésitez pas d'ailleurs à passer le message à vos amis. Vous mettez hashtag Mickaël pour parler. Vous m'ajoutez également en tapant Mickaël officiel sur Facebook et sur Twitter. Il y a Émilie qui dit j'aimerais faire une dédicace à mon chouchou que j'aime et je lui fais de gros bisous et continue à nous faire rire, je vous adore, merci Émilie. Florent qui dit 800 grammes en 5 jours, ça doit faire mal au cul. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Non mais faut rester motivé, hein. Oui, c'est mais vrai, oui, Camille qui dit bravo Sandro. Il y a Nico qui dit j'ai eu connais les 4 saisons par cœur. Les 4 saisons par rapport au prof, hein, les petits mots dans les bulletins. Il y a Melvin qui dit pose son cul et ne pas travailler, profite de la clim. C'est parti pour 3 heures de délire avec vous, vous me faites délirer tous les soirs au taf, changez pas, vous êtes les meilleurs, la meilleure équipe de toutes les radios au passage. Bisous sur les fesses de Toff, c'est Ada qui avait envoyé le message. Mignon. Bah très bien. Et Antoine qui dit moi c'était rabaisse les profs et pense plus aux filles qu'aux cours. Ah, c'était les mêmes profs que Toff a priori. Hein. A priori ouais. Bon, si vous avez des petites phrases comme ça, bah, venez nous en parler, n'hésitez pas. Logan, on va le récupérer dans quelques minutes. Et puis il y a Thomas également là. Thomas qui est avec nous, t'es là et il va couper sa radio, Thomas. Thomas. Ouais. Ah voilà, avec la radio coupée c'est mieux. Quoique. Bon Thomas, sois le bienvenu, tu as t'appelles Devry toi, c'est ça? C'est ça. Très bien, et donc nous allons faire la colle pour que tu puisses repartir peut-être avec l'iPad mini que j'ai à ta disposition, d'accord? Ouais, t'es sûr, hein, parce que sinon si on veut pas directement regarde, à quelqu'un, hein, après tu me dis. Bon, le but c'est que tu vas devoir évidemment poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu ne gagnes pas évidemment l'iPad mini et c'est l'auditeur qui gagnera. Si personne ne trouve ou que personne ne décroche quand on l'appelle à minuit, tu gagnes, vas-y. On t'écoute. Alors, la nuit je me cache, le jour je me cache, la nuit je m'illumine. Qui suis-je? Voilà, donc le jour je me cache, mais la nuit je m'illumine, qui suis-je, c'est ça? Ouais. Très bien. Si vous avez la bonne réponse, du moins si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien allez-y maintenant. Vous envoyez Mickaël, suivi de votre réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22 et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Je viens de vous mettre la colle maintenant, comme ça vous allez pouvoir voir l'iPad mini, puis en plus de ça vous allez pouvoir lire la colle et du coup bah fatalement y répondre. facebook.com/mickaël officiel, n'hésitez pas. Alors répète encore un coup la colle s'il te plaît Thomas. Le jour je me cache, la nuit je m'illumine, qui suis-je? Voilà, le jour je me cache, la nuit je m'illumine, qui suis-je? On donne la réponse avant minuit et peut-être que tu seras le repropriétaire d'un iPad mini Thomas, je te le souhaite en tout cas. Ah ouais ouais ouais. Bon bah j'espère. J'espère Thomas. Je devais galérer pour l'avoir là si je l'ai. Ah ouais bah écoute, ce sera peut-être gratuit, t'imagines, ce serait quand même plutôt sympa. Bon bah Thomas, reste avec nous, on donne la réponse avant minuit, on te récupérera également. Et puis il y a plein de messages, il y a Valentin qui dit quand il ne dort pas en cours, il écoute sa musique. C'est vrai. Léo également qui dit les pires appréciations des profs ont été s'il n'était pas là, ça n'aurait rien changé. Crois que les cours sont le club med. N'arrête pas de parler, même quand il est tout seul, il trouve le moyen de parler. On a que des bons élèves qui nous écoutent. Ah bah que des bons élèves, ouais. Quelle horreur les bulletins, j'ai toujours eu bavardage sur les miens. D'ailleurs à l'époque je vous écoutais déjà le soir, vous êtes au top. Gros bisous, c'est Solène, ben merci Solène. Et Hugo Réo aussi qui dit moi je fais une dédicace à toute l'équipe Big Up. Et Abdel qui dit mon premier bulletin c'était énorme pavé. Deuxième bulletin, elle avait tellement la flemme de retaper, elle a juste mis voir remarque bulletin 1. elle avait vraiment la flemme, effectivement, je confirme. Bon, on va récupérer également Logan avant d'écouter le son de New World Sound avec The Flute. Et d'ailleurs je rappelle également que nous sommes au cœur d'une heure sans pub et ça c'est la bonne nouvelle. Bon, alors, Logan? Ouais ouais je suis là. Pas trop dur le prénom quand même rapport à la voiture. Non non. Ah ouais bah la Dacia Logan à côté de moi elle est rien du tout hein. Ah ouais carrément tu te la ramènes un peu toi, non il me semble. Ouais. Un petit peu, hein, il me semblait bien aussi, ouais. Bon alors Logan, qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu nous disais que t'avais quelques anecdotes à raconter. Ouais, bah en fait, j'explique mon histoire là tout de suite. Ah bah vas-y, oui. Non, temps, tu là. Peux revenir demain si non, tu veux. Bah c'est quoi, bah on va d'abord mettre New World Sound alors. C'est mieux comme ça, hein. Ah ouais. Bah comme ça, t'es tranquille. T'aimes bien ou pas? Ouais, j'ai kiffé. Bon, bah très bien. Alors bouge pas de là. New World Sound maintenant, c'est The Flute sur Fun Radio. On aura le jeu de la rupture également. Ce sera d'ici une bonne demi-heure. Si vous voulez jouer avec nous, il y a des consoles Nintendo. Oui, à gagner. Bah vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 au cœur d'une heure sans pub. New World Sound. Au cœur d'une heure sans pub, New World Sound sur Fun Radio, c'était The Flute. On fera également tout à l'heure le jeu de la rupture. Si vous voulez tenter votre chance, si vous voulez repartir avec une console de jeu, la Nintendo Wii U et la Wii Mini Rouge également qu'on vous offre, eh bien vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Le principe est simple, eh bien vous allez vous affronter. Deux auditeurs s'affrontent, on appelle des gens au hasard. Et donc le but c'est d'arriver à tenir le plus longtemps possible face à l'autre auditeur, évidemment avec une conversation de rupture. Donc ne pas appeler quelqu'un en disant ah va y avoir une rupture. Non, c'est comme si vous étiez un bon lâche et que vous cassiez avec votre copain ou votre copine par téléphone. Voilà, donc on appelle quelqu'un au hasard et il faut avoir cette conversation de rupture. Voilà, comme ça vous savez tout. Et si vous voulez jouer, eh bien vous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a John Lars aussi, il y a Manon sur le Twitter qui dit moi mon prof d'anglais a mis pareil à toute la classe, très bien à tous égards, mort de rire. Il y a Dorian aussi qui dit je salue depuis septembre, je vous écoute, un petit message de bienvenue s'il vous plaît. Avec plaisir. Père foot, pauvre connard. Voilà. Hervé qui dit ça retourne de temps en temps là pour se retourne de temps en temps pour regarder le tableau. Et William, moi la pire appréciation était n'écoute pas ce que je lui dis et dit ouvertement qu'il s'en fout complètement. Ouais, bah là il y a un problème à mon avis. Et Angelina qui dit salut toute l'équipe, je sens que je vais encore passer une super soirée grâce à vous. Bon, en tout cas on fera tout pour. Et Jack Daniel, comme phrase de mes profs, se retourne de temps en temps pour regarder le tableau encore une fois. Et puis moi c'était arrête de dormir en cours et évite de crier faisant l'amour tout nu sur un bananier. C'est Ada. Ah toi tu fais des trucs comme ça toi, c'est bizarre. Ada, pardon. Il y a des acteurs qui ont des pratiques bizarres. Ah, oui, complètement c'est lui qui parle hein. Oui, c'est ça, c'est voilà. L'hôpital qui se fout de la charité. Sur une croix dans une cave humide. Et véridique, je rappelle. Battu, sodomisé, puis là, il nous parle de ce genre de truc. Tout à fait, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je rappelle que Toff est un. Oh, espèce de connard. Voilà. Bon, alors, Logan, donc, toi, tu nous appelais de Charleroi, tu nous appelles toujours ouais. D'ailleurs de Charleroi, et tu avais des anecdotes. Alors, on t'écoute, quelle anecdote, à quel sujet, dis-nous tout. Voilà, alors, on m'a appris comment niquer, au fait, en comment primaire, ça, on t'a appris comment niquer? T'avais quel âge? Je sais pas, j'étais en 5e ou 6e primaire. Donc, alors en Belgique, ça fait 11 ans. Je sais pas ce que ça fait ici. Un peu plus, un truc dans le genre. En fait, j'étais en classe comme ça. Ouais, bon, t'as fait 11 ans, t'étais à l'école. Bref, on va pas chipoter dans le détail. On va pas commencer avec les conversions entre la Belgique et la France parce que on va pas s'en sortir. Déjà, moi, je m'en sors pas. Donc, voilà. Okay. Bon, alors, mon vas-y, on t'écoute. Mon pote à côté de moi me dit, le gars, tu sais ce que ça veut dire, niquer. Moi, je lui fais, bah non, tout ça. Bah, niquer, au fait, ça veut dire, toi, mettre ta bite dans le vagin de ta partenaire. Oh là là. Ouais. Bah, jusque-là, dans l'absolu, il avait pas tort. Hein. C'était effectivement la bonne définition. Ouais, j'étais pas très avancé là-dedans, moi. Après, je fais quoi? Et après, il me fait, bah, je vais te montrer. Après, il se lève, tout ça, et il se met sur le bord de son banc, et il se fait aller sur le pied de son banc. Et donc, moi, je fais, ah ouais, cool. Qu'est-ce que c'est que ce psycho? Et le soir, en rentrant, quand ma mère est venue me rechercher à la garderie, donc vers 6h, tout ça, moi, je suis rentré, tout ça, et je fais, maman, on m'a appris comment niquer. Et après, elle me fait, ah bon? Dernière surprise. Je fais, ben ouais, et ma mère, comme ça, un petit peu, tu vois... Et montre-moi, on sait comment, ok. Et hop, j'ai abaissé mon pantalon, je me suis fait aller sur la cheminée, quoi, en fait. Non, mais t'es pas sérieux, attends, Logan. Oh, c'est bon. Logan, t'es pas sérieux quand tu racontes ça à la scie? Et il y a qu'en Belgique. Non, si. Sur la vie de ma mère, je suis sérieux. Et mon père, il a rigolé et tout ça. Ah bah, bravo, mon fils. Bravo. Ta mère. Et félicitations, mon fils. Bravo, tout le monde applaudit, la famille était là au taquet, bien entendu. Un spectacle. Mon père a rigolé, ma mère, elle a fait, ben moi, je rigole pas avec ça. Le lendemain matin, on était à l'école, chez la directrice, et on lui a expliqué tout ça. Et la directrice a été trouver l'enfant en question qui m'avait appris comment faire ça. Et on a convoqué ses parents, quoi. Ah oui, carrément, ouais. Ah ouais, ouais, bah oui, parce que pour la directrice, c'était une faute grave. Hein. Bon, une faute grave, ça va, et il t'a pas, il a pas fait un meurtre, il a pas fait une catastrophe non plus. Non, mais bon, je remercie quand même mon pote à l'époque parce que... Oui. Bah dites-nous, tiens, comment est-ce que vous avez appris la première fois ce que c'était de niquer comment s'est passé, Toff? Ben moi c'était avec le doc. Avec le... Ah oui. Ah ouais, avec le doc, ouais. C'était avec le doc et donc il expliquait, c'était un mec qui expliquait qu'il arrivait pas à rentrer et tout, et c'est comme ça que le doc il a expliqué et que j'ai compris comment ça marche. C'est bon ça. Très bien. Bah dis tous les autres, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Incroyable l'histoire, Logan. Et depuis ça va, il y a plus de problème. Ah non, t'as non, t'as compris depuis, comment ça fonctionnait, etc. Bah depuis j'ai perdu mon petit chapeau, hein, comme on dit. Ah bah voilà, c'est ça, le petit chapeau. Bon bref, t'as trouvé le vrai chemin, quoi. Ouais, voilà, très bien. Au calme, au calme. Eh ben écoute, tant mieux, je suis fier de toi, c'est bien. Bon bah merci Logan d'être passé, tu reviens quand tu veux. Si, je peux faire une dédicace? Ah bah vas-y, une seule personne, alors choisis-la bien. Ok, une seule personne. Bah, une alors, seule personne. La dédicace à mon pote Jérémy qui m'écoute. Hein, très bien. Et voilà quoi. Et ben voilà, très bien. Jacques Michel et Marc Dorcel. Dis donc, voilà. Hein, tu t'es un peu emballé là, Logan. Hein, on te propose un petit truc et toi tu t'emballes directement là, c'est dingue. Hein? C'était une personne. Ah, j'ai cru un groupe de personnes. Ah non. Genre après, c'est. Oui, excusez-moi, pardon. Bon, allez, Logan, passe une bonne soirée. On embrasse tout le monde à Charleroi. Ouais. Salut. Merci toi, tiens. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, on va prendre Maëva également qui est avec nous là. Salut Maëva. Salut l'équipe. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah écoute, plutôt pas mal, tranquillement, là ça se passe plutôt bien. Maëva, tu appelles de... T'appelles d'où toi? De Toulon? Oui. Très bien, et qu'est-ce qui se passe Maëva? En fait, ma sœur et ma mère se sont pris la tête. Qui ça, ton frère et ta mère? Non, ma sœur et ma mère. Ouais. Parce que ma mère a trouvé un code de la chambre à ma sœur. Offert par... passagedudésir.fr. Voilà. Est-ce que c'était un code gagné chez nous ou pas? Non. Ah bon, d'accord, ok. Alors il n'était pas offert par passagedudésir.fr. Voilà. Bon, donc du coup, quel âge est là ta sœur? 19 ans. Passagedudésir.fr. Bah non, c'est bon, la voix là. Donc, 19 ans, ça va, pourquoi la gueuler? Il était où le god? Dans sa chambre. Et il était planqué? Non, mais il était genre bien planqué ou elle l'avait mis sur la table de nuit? Non, en fait, elle bouffonne. Ben en fait, le soir, ils avaient niqué et tout. Ouais. Et le lendemain, ben, elle a posé par terre. Elle est partie en cours, ma mère en faisant le ménage, ben, elle a vu. Bah oui, mais mets-toi à la place de ta mère aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit ta mère? Ben elle a pris ses clics et ses claques, elle s'est barrée. Ta mère? Ben ouais. J'abandonne la famille complète. Je vous laisse comme casse. Ça, démerdez-vous, hein. Bande de dégueulasses. Non mais quoi, donc ta mère, elle est partie de la maison pour ça? Ouais, parce qu'en fait ma soeur elle vit pas avec ma mère. Et en fait ma mère elle était venue 2 semaines. Et donc du coup elle est restée 1 semaine et elle s'est barrée. Ah d'accord, ok. Oh, dis donc, il faut qu'elle redescende un peu ta mère aussi, hein. Il faut qu'elle se décoince un minimum quand même, hein. Ouais, parce que si ma mère était partie chaque fois qu'elle a découvert des trucs dans ma chambre. Ah bah je peux te dire qu'elle a dû voir des trucs pas très catholiques. Ah oui non, ça y a. Ça c'est sûr. Ouh là là. Bon, et donc du coup Maëva, c'était juste pour raconter l'histoire ou tu veux qu'on te file un coup de main pour quelque chose? pour essayer d'arranger un coup. Ah bah si tu veux, bien sûr. Attends, avec ta sœur, avec plaisir. Ouais, combien mesure-t-elle? Elle a 19 ans, donc pourquoi pas. Non bah attends. Ta sœur, elle est dans quel état d'esprit là? Elle veut reparler à ta mère ou pas? Parce qu'elle est un peu dégoûtée. D'accord, et ta mère? Non. Elle veut plus reparler à ta... Non mais elle a un problème ta mère, hein. C'est quand même exceptionnel de plus parler à sa fille pour ça là. On va lui offrir un god avec... Bah voilà, on va lui offrir un sextoy à faire part. Offert par passagedudésir.fr. Voilà. Bon, écoute, tu veux qu'on appelle qui? Ta mère ou ta sœur? Bah ta sœur, c'est pas la peine puisqu'elle est ouverte à rediscuter avec avec ta mère, donc c'est plutôt ta mère qu'il faudra appeler. Là, ils dorment. Ah, elles dorment toutes les deux là? Ouais. Ah bah ça va pas être facile de les joindre alors, hein. La télépathie, on peut essayer, tu sais, dans on leur peut sommeil. Essayer, ouais. On ouais. se touche tous les petits doigts et puis on essaye. On peut essayer. Non mais comment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Bah, je sais pas, donnez-moi Un A? Je dirais un B. Non mais bon, c'est vrai, à part leur dire qu'ils vont se reparler à un moment ou à un autre, si on peut pas les appeler, à moins que tu veux, on peut les appeler un dimanche, comme ça c'est plus tôt, à partir de 8h. Ouais, dimanche, on va voir. Bon, ben on peut faire ça. Dites-nous, tiens, d'ailleurs, si vous êtes fait griller par vos parents alors que vous aviez laissé, peut-être, je sais pas, des capotes usagées, un sextoy qui était mal rangé, etc. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Appelez-moi maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, ben Maëva, du coup, on te récupère dimanche, d'accord? Ok. Je t'embrasse Maëva, à bientôt. Allez, bisous. Salut Maëva, on va se faire le jeu de la rupture aussi avec Romain et avec Anthony dans quelques minutes. Et puis, je viens de lire un article qui va rassurer Toff et Polo. Ah. Bah, Polo un peu moins, mais Toff quand même. Hein. Les hommes avec un peu de bide. Oui. Serait de bien meilleurs coups au lit que ceux qui n'en ont pas. Mais j'ai un énorme bide. Oui, sachez-le, mesdames. Il est totalement gros. Voilà. Donc, je suis énorme. Voilà. Donc les filles, si vous avez déjà essayé, bah, venez nous donner vos avis, hein, justement. Est-ce que vous avez... D'ailleurs, on a deux filles, ça tombe bien. On va commencer par Camille. Camille, est-ce que t'as déjà essayé avec un mec avec un petit bide? Non, pas du tout. Et avec un gros bide? Non, pas du tout. Et, bah, pas de bide du tout? Non. C'est-à-dire complètement plat? Ouais. D'accord. Enfin, okay. Avec des muscles, mais. Oh, j'en reste la ramène. Ouais, moi, je me chocolat, tape que des beaux gosses. Moi, je me tape que des mecs de ouf. Du bide. Vous avez de la graisse. Elle s'est mise à côté de moi. Bah, elle a pas de choix, elle a plus de place. Enfin, si, il en reste une, mais à côté de Toff. Donc, bon, tu vois. C'est-à-dire que le choix a probablement été relativement vite fait. Et alors, Cécile, qui a déjà essayé avec des mecs avec un peu de bide ou pas? Un petit peu, ouais. Mais un peu comment? Un peu comme Toff ou un peu comme. Attends, je juge. Attends, elle va. Ouais, un peu comme Toff. Un peu comme Toff, donc un peu gras. Un peu. Et alors, le milieu. Mais t'as déjà essayé aussi avec des mecs sveltes? Ouais, heureusement. Et alors, lesquels des deux sont les meilleurs? Bah, le mec, je sais pas si c'était dû au fait qu'ils soient un peu ronds ou pas, mais il était nul. Ah, le rond était nul? Ah, il était nul. Ah, t'as essayé avec Toff? C'est ça? Non, parce que les deux trucs qui se rejoignent comme ça, je me suis dit qu'il devait peut-être y avoir un rapport, non? Non, non, pas de rapport. Ah, pas de rapport. Donc, c'était pas avec Toff? Non, non, c'était pas avec Toff. Jure? Je jure. Regarde dans mes yeux et dis, je le jure. Je le jure. Attention. T'as jamais couché avec Toff? Jamais. C'est, bon. c'est un rêve? Même pas en rêve. C'est un rêve ou pas? C'est un rêve ou pas? Un vrai fantasme. Oh, oh quelle horreur! Il faut que ça reste un fantasme. Oh, on peut pas ah y bah plus ouais, loin. Bah je confirme, effectivement, tu mérites un coup de pelle. Voilà, c'est ce que tu mérites. Bon, alors dites-nous donc du coup, bah vous, hein, est-ce que vous avez déjà couché les filles avec un mec qui avait le ventre un petit peu rond? Et est-ce que vous avez préféré coucher avec des mecs avec un peu de bide? Est-ce qu'ils étaient meilleurs au lit? Donc du coup, bah Toff, je propose qu'on appelle des gens. Mais allons-y. Voilà, donc on va faire ça dans quelques minutes. Si vous avez des numéros à proposer, n'hésitez pas à les envoyer à Toff là maintenant. Hein, ça se passe sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et on les appelle juste après le son de Martin Garrix qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Wizard. Juste après, on se fait le jeu de la rupture avec Romain et avec Anthony. On aura la colle également pour gagner l'iPad mini. D'ailleurs, si vous voulez gagner l'iPad mini, rencard sur le Facebook maintenant, facebook.com/mikl officiel. Bonne soirée, on est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mikl No Limit jusqu'à 2h. Martin Garrix sur Fun Radio, c'était Wizard. Bienvenue si vous venez d'arriver, c'est Mikl No Limit. On est au cœur d'une heure sans pub avec dans quelques minutes le jeu de la rupture. Et ce sera avec Romain et avec Anthony. Bonsoir tous les deux. Ouais, salut tout le monde, ça va? Comment ça va les gars? Ah bah tranquille et vous? Bah bien. tranquille. Romain, 17 ans, de La Rochelle, et Anthony, 16 ans, de Clermont-Ferrand, c'est ça? C'est ça. On va faire le jeu de la rupture dans quelques minutes, mais avant de le faire, on va d'abord faire un petit appel avec Toff, évidemment, hein. Oui, ah, allons-y. Est-ce que vous avez un peu de bide? Moi un peu, ouais. Ah, toi un peu, très bien. Romain, ah bah 17 ans, t'as déjà du bide, mec. Ah bah ouais, mec. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Plus tard, je vais faire de la muscu. Ah oui, bah comme tout le monde, c'est les bonnes résolutions que personne ne fait jamais, hein, ouais. Muscu. Hein. Si, tu prends ton abonnement et tu vas jamais. Voilà, tu prends l'abonnement, tu vas une fois, deux fois, et puis tu dis, ah oh, mais cette semaine je peux pas parce que tu t'inventes des trucs. Et c'est mort. Et puis après, bah tu vas plus, en fait, c'est fini. Hein. Bon, et toi, Anthony, t'as un peu de bide ou pas? Non. D'accord, ok. Bon, avec Toff, on appelle donc maintenant pour voir si les gens, parce qu'on est tombé sur une étude qui disait que les mecs avec un peu de bide étaient des meilleurs coups que ceux sans. C'est ce qui se dit. Maintenant, faut vérifier. Bah voilà, donc on va appeler des gens maintenant, des gens que vous nous avez, enfin vous nous avez envoyé des numéros de téléphone sur le mail de Toff, de gens encore debout à cette heure-ci et qui sont plutôt du style un peu nerveux. Et d'ailleurs, on aime bien ça. Donc, vous n'hésitez pas encore pour les autres. On est là jusqu'à 2h, donc profitez-en bien. Vous allez vous envoyer vos mails maintenant sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On fait le premier là. Allons-y. Très bien. Bon, attendez, Romain et Anthony, hein, bougez pas, on vous reprend juste après, d'accord? Pas de problème. Allez, c'est parti. On fait le premier appel maintenant avec Toff. Merci pour les numéros que vous avez envoyés. D'ailleurs hein, sur le mail toph@funradio.fr. Allez hop, c'est parti. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait je voulais savoir si votre mari avait un peu de bide. Un peu de bide? Oui, il a du ventre. Ok, ça se me suit. Moi je m'appelle Toff madame. Comment? Non, je m'appelle Toff. Vous êtes Toff alors? Voilà. Et donc votre mari, alors il a du bide ou pas? Bah non, je vais écouter. C'est une blague. Ah bah elle a raccroché, oui. C'est une blague, hein, Totof? Ah oui, complètement, mais faut la rappeler. Complètement. Oui, on va, bien sûr qu'on va la rappeler. En attendant, il y a un message qui est arrivé de Mystique qui dit qu'il ait du ventre ou pas, le tout est qu'il sache se servir de ses attributs, mais j'avoue quand même qu'il y a des limites. Oui, c'est vrai, et avant de rappeler, il y a Dorian qui dit « Vous pouvez passer une dédicace au collège Joseph Ray ». Eh ben voilà, le message est passé, on y va, on rappelle la petite famille, là, c'est parti. Alors qu'elle dirait directement « Oui, il a du bide, point ». Ou « Non, il a pas de bide ». Oui, c'est tout ce qu'on lui demande. Ben voilà. Allô ? Oui, excusez-moi madame, on a été coupé. Oui. Oui, donc du coup, vous m'avez pas dit si votre mari il avait du bide ou pas. Mon mari, s'il avait du bide, mais monsieur, qui êtes-vous? Ben, je m'appelle Toff, madame. Toff quoi? Ben, Toff comme Toff. Non, mais on vous connaît ou pas? Ah non, on se connaît pas, madame. Ben, pourquoi que vous me parlez de ça? Attendez, je vous le passe. Ben, oui. Mais parce qu'on... Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, en fait, je demandais à votre femme si vous aviez du bide. Mais quel bide? Ben, est-ce que vous avez du ventre? Mais non. Ah, vous n'avez pas de ventre? Non. Et bah du coup votre femme, elle trouve que vous êtes un bon ou un mauvais coup? Écoutez, monsieur. Oui. Je crois que vous n'avez pas l'âge. Bah, il vous faut un tout petit peu d'intelligence. Bah oui, mais attendez, monsieur, parce que moi, en fait, je veux juste savoir si votre femme. Non, mais je vois que vous êtes bête, vous comprenez pas ce que je veux vous dire. Bah si, mais vous comprenez pas ma question, monsieur. Oui, la question, il faudrait peut-être y aller la prendre au marché aux puces. Non mais en fait moi je veux juste savoir si votre femme elle trouve que vous êtes un bon coup ou pas. Écoutez hein, oui. Sincèrement. Oui. Vous êtes un idiot. Mais pas du tout monsieur enfin. Mais si je vous dis vous êtes un bourricot. Bah non monsieur non pas un bourricot. Écoutez, si vous n'étiez pas un bourricot, vous me diriez votre nom, votre numéro. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappelle. Ben pourquoi vous voulez me rappeler parce qu'on est déjà en ligne monsieur. Non mais moi je vous rappelle juste pour voir si vous êtes bien un bourricot ou un imbécile. Alors mon numéro c'est 01 oui. 42 oui. 48 oui. 50 oui. 00. Eh ben vous êtes un gros menteur. Mais pourquoi c'est vous vrai. Ça monsieur. Oui parce que j'ai votre numéro qui s'affiche là. Ben oui. Eh ben c'est pas du tout le même. Bah non monsieur, vous pouvez pas me dire ça. Eh ben si je vous le dis. Ah non monsieur. Je vous dis, vous êtes un grand menteur. Ah non monsieur, c'est mon numéro. Si vous m'appelez... Le numéro qui s'affiche dans mon appareil, alors vous allez pas raconter des conneries comme ça. Mais enfin monsieur, il s'affiche quoi comme numéro dans votre appareil je pense... Allez-y, vous pouvez avoir ailleurs. Ah bah il est parti, bah très bien. Bon bah on rappelle encore un coup pour le sport ou on arrête là? Oh, allez, on va aller, oui. Un petit coup. Petite dernière là, avec un peu de bol, on va retomber sur madame. Un bourricot. Oui. Oui, excusez-moi monsieur, mais pourquoi est-ce que vous le prenez comme ça? Ah bah ça valait bien la peine. Bon bah très bien, bah voilà, Bourrico s'est fait raccrocher au dé, hein. On rappellera évidemment tout à l'heure si vous avez d'autres numéros de téléphone à proposer, n'hésitez pas sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On se fait rapidement, on a un petit peu de temps, la colle avec Thomas avant de faire le jeu de la rupture, la colle le retour, Thomas. Ouais. Très bien, allez, les retours, c'est magnifique. Thomas fait péter la colle, je rappelle qu'il y a toujours un iPad mini à gagner si vous avez la bonne réponse à la colle de Thomas. On t'écoute Thomas. Le jour, je me cache, la nuit, je m'illumine. Qui suis-je ? Le jour, je me cache, mais la nuit, je m'illumine. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël, suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Orga non, c'est Paul qui dit c'est la lune. Non. Il y a Loïc qui proposait un lampadaire. Non. Bon, il y a Coralie qui dit le soleil. Non. Ou la lune et après l'étoile. Non, Coralie, c'est une seule réponse et en plus, non. Je pense qu'il n'y en a aucune qui est bonne. Alors attends, il y a la chauve-souris, c'est Erwan. Non. Non, bon, bah très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Pierre qui proposait un phare. Non. Non, d'accord, ok, très bien. Bon, bah tant pis. Hein. Et puis facebook.com/mikaelofficiel, vous pouvez jouer aussi directement sur le Facebook de l'émission. Voilà, c'est gratuit du coup. Et en plus de ça, eh bien, vous avez la possibilité de lire la colle. Il y en a certains qui, en lisant la colle, bon, peut-être plus de facilité que d'autres. Donc voilà, facebook.com/mikaelofficiel. On donne la réponse avant minuit. Je répète encore une fois, le jour je me cache, mais la nuit je m'illumine. Qui suis-je ? Thomas, on te récupère avant minuit et on verra si tu repars avec l'iPad mini, si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il était appelé en direct à l'antenne. Eh bien c'est lui qui gagne. Si personne ne trouve la bonne réponse, Thomas, c'est toi qui gagne, d'accord? Ok, Bourrico. Allez, et c'est pas moi Bourrico, c'est toi Bourrico. Dis donc. Et un peu de respect sinon hein. Tu sais ce qui t'attend. Ça va bien. Oui, bah bien. Une seconde, j'ai même le coup de pelle aussi hein, que je peux te mettre en pleine tronche. Bon, Thomas, à tout de suite. Il se la ramène, Thomas, vous avez vu? Grave. Il se la ramène, il se la ramène. Il fera moins le malin quand il aura perdu. Ah bah, il fera moins le malin, je le confirme. Bon, il y a Orgagasmi qui dit: je viens d'arriver, un coup de pelle pour moi. Bah, je te confirme, t'es à 36 minutes de retard. Orgagasmique là. Bon, il y a mec qui dit aussi: ah ben j'en ai eu un avec vous, un peu de bide. Ah non, c'est quoi? J'en ai eu un avec un peu de bide, pardon. Et franchement, je me suis jamais autant fait chier au pieu. Ah bah comme quoi. Et Timothée qui dit: il est pas si moche Toff, personnellement ça va. Ah bah bien sûr, évidemment, la Libra, il adore Toff. Didine également qui dit: Mickaël, trop de vendre, c'est pas top. Et Erwan qui dit: mon bulletin en philo, en terminale, un vrai touriste aurait au moins pris des photos. ça c'est pas mal. Bon, allez, jeu de la rupture maintenant. Romain, Anthony, vous êtes là tous les deux? Ouais. Très bien. Allez, c'est parti, on va se faire le jeu de la rupture maintenant. Le principe est très simple. Vous allez donc appeler chacun à votre tour quelqu'un au hasard, avoir une discussion de rupture. Okay. Donc vous appelez si vous appelez votre copain ou votre copine, en l'occurrence là votre copine, pour lui dire: voilà, écoute, c'est fini entre nous, je peux plus, machin, etc. Bon bref, tu vois, un truc de rupture. Donc ne pas arriver comme on nous l'a déjà fait en disant: oui bonjour, je vous appelle parce qu'il y a une rupture d'eau. Ouais, j'avais entendu. Qui ne veut rien dire, bien sûr. Et soyez meilleur que la semaine dernière. La semaine dernière vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très mauvais. Je tenais à le préciser. Bon, allez, qui veut commencer, Romain ou Anthony? Romain, allez, c'est parti, Anthony, on y va. Premier appel, c'est pour toi. T'es prêt? Ouais, pas de problème. Allez, on y va, c'est parti. Bonne chance. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô. D'accord. Vas-y, c'est parti. Et parfois, il y a des gens qui décrochent et qui ne disent pas allô, ce qui forcément laisse un blanc. Vas-y, Anthony, on y croit. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment t'as pu me faire ça? Comment quoi? Bah je t'ai vu. Tu m'as vu? Pourquoi tu m'as trompé? Mais de quoi tu me parles là? Bah je te parle, je t'ai vu avec l'autre fille. Ouais d'accord, allez, salut. Non mais attends, oh, attends. Pas mal, dis donc, tu nous as fait un bon 24 secondes, hein. Top. Ouais. Ah ouais, un grand talent là, Anthony, hein, c'est pas mal. Bon, Romain? Ouais, ça tu vois, t'as bien fait de pas commencer, hein. Attends, ça va venir. Bon, Anthony, 24 secondes, ce n'était pas terrible. On y va donc, mais il y aura une deuxième manche, hein, je te rassure Anthony. On va donc rappeler maintenant quelqu'un d'autre, Romain. Même principe, donc discussion de rupture. Il faut donc faire mieux que 24 secondes. C'est parti, okay. Romain, dès que tu entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Allô? Ouais, allô. Oui. Oui, j'en ai marre là. Je prends mes clics et mes claques et je me casse. Ah bah casse-toi. D'accord. Tu m'entends? Oh, tu me provoques? Tu veux qu'on se traite? Tu veux qu'on se traite? T'as pas compris que je suis en train de rompre avec toi là? Écoute-moi bien là. Hop là! Oh, il a fait pire! 21 ouais. secondes! Oh, bon, Romain et Anthony, comment vous expliquer que vous n'avez pas été très bon, hein? Le mec il a pas décroché deux mots. Hein. Ah bah oui, mais ça après c'est à vous de gérer le bordel, hein. C'est à vous de gérer. Tant que le gars, même s'il ne dit rien mais qu'il reste au téléphone, vous parlez, vous faites une discussion de rupture, ça marche aussi, hein. Bon, c'est pas grave. Romain, Anthony, on se met la pub juste après, on vous reprend et on fait la deuxième manche, ok? Ouais, pas de problème. Bon, allez, restez bien là. On va reprendre de Thomas également pour la colle. Et puis on parlera également de choses qui énervent. Je vous dis ça, c'est on a besoin des nerveux dans quelques instants là. Donc restez bien à côté de votre téléphone. Mes on appels, en parle. Ça compte ou pas? Non, pas tes appels, pas tes appels. On écoutera aussi le son de Lady Gaga. Voilà, ce sera Do What You Want. Ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio avant minuit. Et puis il y a la nuit sans pub qui débarque juste après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël nos limites, 23h, 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio, en direct dans toute la France comme tous les soirs. Si vous voulez taper la discute avec nous, eh ben n'hésitez pas, on est là de 23h à 2h du mat juste après Love in Fun. Vous balancez comme d'habitude vos messages au 01 42 48 5000. Vous envoyez aussi vos messages en tapant et Mickaël suivi du message au 64 900. Il y a Valentin qui dit moi sont les connards qui savent pas conduire qui m'énervent. Ouais, il y a Félicia qui dit moi ce qui m'énerve c'est de me prendre des coins de porte ou de placard dans la tête, ça me rend complètement hystérique. Et Ray Dugo qui dit Mickaël on le respecte. C'est pas un bourricot. Fais gaffe, je suis un fou quand on insulte de boss. C'est bien Red Hugo, ça fait un peu garde du corps comme ça, c'est cool. Oui, puisque c'est tough hein, qu'on a traité de bourricot, je tiens à le rappeler il y a quelques minutes. Oui, c'est triste. Oui, c'est très triste. On va également s'écouter tout à l'heure sur Fun Radio. Eh bien, le son de Lady Gaga, je vous l'avais promis, évidemment qu'on va se le mettre. Voilà le son de Lady Gaga qu'on vous parlera, qu'on vous cassera. Merde, on vous calera. Ça va aller, hein, vous allez voir, ça va bien se passer, y a pas de problème. Qu'on vous calera donc tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis là, il n'y a plus de pub sur Fun. C'est jusqu'à la fin de l'émission qu'on est pépère. Jusque tout à l'heure, à l'arrivée, évidemment, de Bruno sur Fun Radio. Eh bah oui. Bon, on va également récupérer notre ami Romain et Anthony dans quelques minutes. Avant ça, on se refait un coup de colle. Vous êtes là, tu es là, Thomas? Ouais, très bien. Un coup de colle vite fait, hein, puisqu'on donne la réponse dans un quart d'heure pour gagner l'iPad mini. Vas-y, Thomas, on écoute la colle. Le jour, je me cache, la nuit, je m'illumine. Qui suis-je ? Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Coralie qui proposait un avion. Non. La tour Eiffel. Non. Une boule de disco. Non. On proposait mon pénis. Bon, c'est pas le mien, hein, mais... Non, le vampire. Non. Les yeux d'un chat. Non. Coralie qui proposait la tour Eiffel ou une ampoule. Non. Non, et alors Younes qui dit la réponse est l'étoile polaire. Non. Non, bon bah très bien, hein. Si vous avez la bonne réponse, c'est plutôt bien parti pour toi cela dit au passage. Hein. Vous envoyez la réponse et il y a Lolita qui proposait la lune. De quoi ? On proposait la lune. Non. Non plus. Bon bah si vous avez la bonne réponse, et Mickaël suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique et vous pouvez aussi jouer d'ailleurs sur le Facebook de l'émission facebook.com/mikl officiel. Venez nous rejoindre au tir au sort dans un quart d'heure. Je répète, le jour je me cache mais la nuit je m'illumine. Qui suis-je ? Ça ne peut pas être la lune puisque la lune est parfois visible en pleine journée. Ah oui, c'est vrai. Et oui, donc méfiez-vous, faites attention et réfléchissez. Thomas, on te récupère dans moins d'un quart d'heure pour donner la réponse et pour offrir l'iPad mini. À tout de suite. Ok. Ça marche, Thomas, reste avec nous. Et puis on va parler également des nerveux, là. Je vous l'avais dit qu'on allait parler des nerveux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent au point de vous donner des envies de meurtre ? Ouais, plein. Genre ? Moi ce qui m'énerve le plus c'est quand tu prends l'avion, quand tu prends le train ou n'importe, et que les gens ils s'obstinent à voyager avec leur gosse et qu'ils savent qu'il va hurler tout le voyage. Ah oui, ça c'est assez énervant, ça je suis d'accord. Et alors le pire c'est quand t'as le siège juste derrière ou juste devant, là c'est juste tu pourrais tuer tout le monde quoi. C'est vrai. Moi c'est plutôt le voisin ce matin qui comme. Enfin ça fait une semaine maintenant. Hein. C'est-à-dire que la semaine dernière en fait il avait décidé de disquer un truc dans son mur. Hein, donc ça. Ah bah 8h, hein, tu sais, parce qu'il peut pas le faire plus tard. Hein. Donc 8h, aujourd'hui c'était le marteau, la semaine dernière c'était la perceuse. Enfin, c'est bien, il fait les travaux, hein, ça c'est. Mais toujours entre 8h30 et 9h. Le mec il essaye toute sa trousse à outils chez toi. Ouais, c'est ça, ouais, toute sa trousse à outils, il essaye. Polo, qu'est-ce qui t'énerve le plus Tout. Ouais, je suis con, c'est une question. Le mec qui est dans le cinéma qui est derrière toi qui tape dans ta chaise. Eh bah ça tombe bien parce que tu parles du cinéma. Non, je vous demande ça parce que dans un ciné aux États-Unis, il y a un mec qui était saoulé par un type qui passait son temps en fait à envoyer des SMS pendant que le film était diffusé évidemment. Que du coup, il l'a buté. Non, En plein cinéma devant tout le monde. Donc venez nous raconter justement ce qui vous. Ça, c'est énorme. Ah ouais, mais c'est ça. Ce qui vous mais casse il les couilles. Buté. Il l'a buté, il est mort là. Il est à la morgue, hein. Et c'est fini. Et au cinéma, le mec sort son flingue, il tire dedans. Voilà, mais c'est aux États-Unis. Hein. Pour peu que ce soit au Texas où t'as le port d'armes est autorisé, le mec il s'énerve, il tire. Ah oui, mais quand même, tu bah, pas un mec pour un SMS. Bah, je suis d'accord, mais ah, lui, apparemment, il l'a fait. C'est chaud. Ah, ça dépend, ouais. Et le respect du 7ème art. Ah oui, bah enfin bon. Le mec, c'est écrit dans le film, c'est, il a fait, ouais, bon, vas-y. C'est ça, non, je plaisante bien sûr. Bon, dites-nous, tiens, si vous avez des trucs comme ça qui peuvent vous casser les couilles, et qu'est-ce que vous avez déjà fait tellement vous étiez énervé. Vous m'appelez maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Il y a Magda sur le Twitter qui dit, eh ben moi, ce qui m'énerve sont les enfants de ma belle-mère. Par moments, j'ai envie de les tuer. Il y a Ging aussi qui dit, perso, tout ce qui me gêne ou se met à travers dans mon chemin, ça m'énerve. Et Dédé qui dit, ce qui m'énerve, c'est tous les cons qui savent pas rouler sur la route. Je pourrais régulièrement tuer des mecs. Et Orgasmic qui dit, quand un enfant pleure dans le bus le matin, j'aimerais étouffer le gosse avec son doudou. Oh la violence. Oh. Ah oui, ça c'est violent. Hein. Il y a aussi Héroïne qui dit les gens qui reniflent pendant les contrôles. Ah oui, alors il y a les gens qui reniflent et puis il y a les gens comme Polo. Et puis il y a les gens comme Polo. Mais pas plus tard que tout à l'heure, on était en train mais de bouffer. C'est faux. Alors vous savez, quand vous mangez du riz. Interne. Attends. Romain et Anthony, vous allez me dire si, ouais. Si peut-être que j'exagère ou pas, je sais pas. Hein, mais bon, quand vous avez quelqu'un qui mange du riz ou qui mange des petits pois comme tout à l'heure ou des pâtes, enfin bref, peu importe. En général, vous mettez soit dans la cuillère, soit vous mettez dans la fourchette, vous ouvrez la bouche, vous déposez la fourchette, enfin vous mettez la fourchette dans la bouche, vous refermez, vous tirez la fourchette. Ouais. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, pas chez Polo. Chez Polo, en fait, il met la fourchette devant la bouche et tel un aspirateur, il fait... Et hop, tout part. Ça me rend ouf. Je ne peux plus. Mais c'est parce que t'as une hypersensibilité de l'oreille. Mais t'as une hypersensibilité possible. De la bouche, mec, c'est pas possible. Et tu t'y mets, les filles te le diraient. Bah, elles peuvent pas savoir, tu fais pas de cunis. C'est vrai. Bah mais j'embrasse j'embrasse bien. Il embrasse comme un demi-dieu. Ah ouais, bah c'est ça, ouais, c'est ça. Il fait tourner la langue. Bah essaye avec Toff pour voir si t'embrasses bien, il va donner son avis lui. Oh, mais quelle horreur. Rien que d'y penser. Mais non, mais parce qu'en fait, je n'aime pas faire semblant. Moi il faut que je mange, tu vois. Et donc j'aime enfin, pas. Moi aussi je mange, c'est quoi cette excuse? Tu manges, t'es obligé de faire un bruit de ouf. Je sais pas. En fait j'aime pas manger avec des fourchettes. Et ouais, des couverts, j'aime bien manger avec des baguettes. Fou, ça fera moins de bruit, c'est pas grave. Et alors tu sais, c'est comme les mecs qui boivent leur soupe ou la. C'est chaud, bah attends que ça refroidisse. Ça s'aspire. Mais non, ça s'aspire pas, c'est dingue. Voilà, donc ça c'est ce qui m'énerve. Il y a effectivement les gosses, bah quand ils sont, quand ils braillent dans l'avion, dans le train, dans enfin n'importe où, même dans le chez le voisin, dans l'absolu, c'est un peu ça. Donc bah venez nous en parler. Qu'est-ce qui vous énerve au point de péter un plomb? Alors vous n'êtes pas passé à l'acte. Enfin j'espère en tout cas, comme l'américain là, qui a tué un mec parce qu'il a envoyé des SMS pendant les pendant son film au cinéma. Ah il y a un truc qui m'énerve aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais ça arrive comme ça au fur et à mesure. Ouais. T'es dans un endroit où, en l'occurrence, c'est la salle d'attente chez un médecin, et puis t'as les gens qui chuchotent. C'est parce que t'es une hypersensibilité. Mais non, c'est pas une hypersensibilité. Mais oui, les gens, ils font ça parce que voilà, ils veulent pas te déranger. Eh ben, qu'ils se taisent, là, ils me dérangeront pas. Ah bah oui, bah enfin bon, laisse-les vivre aussi. Ouais. Non, mais je préfère encore qu'ils parlent normalement que. Tu sais, c'est les. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui me rendent dingue. Ah, je déteste ça. Le truc, c'est quand les autres sont ensemble et que toi, t'es tout seul et t'as rien à faire et donc t'aimerais bien suivre au minimum la conversation, mais tu comprends pas parce qu'il y a juste des. Ah non, des mais moi, petits je m'en sons fous. Qui passent. Moi, c'est juste les. Qui me rendent dingue. Oh là là. C'est dingue. C'est un tout truc... t'énerve, toi. Mais non, alors, dis donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Il y a Jojo78 qui dit aussi, moi, ce qui m'énerve, c'est les faux culs. Ah les faux culs, d'accord, ok, parce que c'était F-O-C-U, je me dis les faux culs, peut-être la Ford, non bah non c'est les faux culs. Angela qui dit moi ce qui m'énerve c'est. De quoi tu dis? Moi ce qui m'énerve c'est ceux qui savent pas écrire en français en fait. Ah bah comment te dire que là il y en a beaucoup hein. Et c'est comment ils font les Anglais? Oui, mais c'est trucidé avec des dictionnaires, je pense. Ouais. Non, mais il y en a parfois, c'est des fautes quand même grosses comme des maisons. Tu sais, encore avant, t'avais l'excuse du ouais, mais j'enlève des lettres parce que c'est plus court, parce que le SMS était payant, etc. Maintenant que c'est open bar et qu'en plus t'as le dictionnaire qui gère tout, normalement tu dois plus faire de fautes. Et encore, encore pire, t'as des gens comme ma nièce que je ne citerai pas, qui parfois fait des trucs, elle écrit mal et elle dit ouais, mais c'est pour gagner du temps. Ouais, sauf que t'as mis deux lettres de plus là. Ouais. Donc t'as gagné du temps. Mais c'est pour gagner du temps. Ouais, pour gagner rien du tout, ouais. Enfin, en plus, je lui prends la tête derrière, donc elle en perd encore plus du temps. Bon, enfin, souhaite. Bon, du coup, Romain et Anthony, donc on va parler, comme vous avez pu le remarquer, de choses qui énervent. D'ailleurs, je me suis mis tellement mis dans le personnage, là, que là, il est prêt à en mettre une à Polo, là. Je te sens bien énervé. Ah ouais, mais je l'entends encore faire... Mais tu as une hypersensibilité. Je n'ai pas d'hypersensibilité. Oh mon dieu, j'ai oublié. Ce qui m'énerve aussi, c'est les ronfleurs. Oh, oh mais c'est bon. Oh le mec il fait... Alors qu'avec Polo, on ne ronfle pas. Mais on n'a jamais ronflé de notre vie. On n'a jamais ronflé de notre vie. Non mais vous êtes sérieux? Ah bah excusez-nous, on raconte encore notre life. On est parti à Braga 3 par. On a été forcé de dormir dans la même chambre. Dieu merci, j'avais pas dans le même lit. Heureusement, je l'avais à d'autres côtés de la pièce. Et qu'est-ce que j'entends? Et alors, il s'étouffe. Et tu pries pour qu'il s'étouffe vraiment. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Non, mais c'est vrai. Mais on est. Eh, mais je suis désolé. Un homme, ça ronfle. Ça non, pète. Ça ronfle pas. Et donc, le pire, c'est comme j'ai effectivement le réveil. Enfin, le sommeil assez léger. C'est que t'en entends, c'est quand t'entends. Il hurle. Et puis tout d'un coup. Merde. Ça, c'est top. Oh, c'est la spécialité de Polo, ça. Ah, mais moi, je pète. Le matin, je pète. Le matin, le. Mais quelle horreur! Si tu veux savoir si Polo est réveillé, c'est en fait, t'attends un peu, et là Polo va se tourner, il va se mettre 2-3 quarts, et va lâcher une de ses caisses! Voilà! Un truc de dingue, et après il se lève. Polo, tu dois avoir tellement de succès au réveil. Oh bah putain, mais pas qu'au réveil, hein, je peux te le dire! Hein. Oh là là! Tu pars en vacances avec des gens que tu t'imagines être tes potes, et pas qu'ils vont te balancer comme ça! Mais c'est pas le problème! Mais je pète pas tout le temps! Oh bah non, bah. Tous les matins! Pas, non, c'est ton rituel au réveil! Mais c'est ça! Tu pètes 3 quarts, tu pètes, et après tu te lèves! Mais bien sûr, attends! De quoi? Après on s'étonne du réchauffement climatique. Mais exactement. Oui, je suis responsable. Mais oui, t'es responsable, bon, mec. Bah d'accord. Si, si. Le trou dans la couche de voilà. Ça c'est lui, ça. C'est quoi ça? Ça c'est lui, attends. Voilà, ça c'est quand il déchire le fut. Voilà, ça c'est quand il est malade. Ça c'est off. Ouais, moi c'est plus. C'est sans côté. J'avoue, je me lâche des fois, mais. C'est quand même les plus vicieux, les petits. Hein. Que celui, pour paraphraser une personne célèbre, très célèbre, que celui qui n'a jamais pété me lance le premier pet. Eh ben, je te le lance. Ah bon, bah d'accord. Eh ben, d'accord. Mais non, mais c'est comme les rots, on peut le faire d'une manière discrète. Oui, mais parce que t'as pas la technique pour le faire. Mais non, mais moi quand je rote, je fais. Ouais, bon, c'est vrai que. Désolé, excusez-moi. C'est une technique. Non, mais je fais pas bleh, un truc où t'as tout qui tremble. C'est la technique. T'as mais pas technique la technique de quoi? Mais je la veux pas, cette technique. C'est les gros porcs. Et là, la technique de Polo aussi, c'est genre on est dans un endroit, il va roter comme un porc. Et après, il va faire tof. Non, c'est ça. En pensant qu'il est tout seul, puis voir qu'il y a quelqu'un, alors c'est ouais, tof. J'ai fait pire. Ouais, voilà. Bah ça m'étonne pas. Ouais. Ah oui, j'ai fait pire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des moments, il faut quand même pas déconner, quoi. Est-ce que tu rotes aussi, toi, violemment comme ça ou pas, toi, Romain et Anthony? Est-ce que vous rotez plutôt? Ah bah non, moi je rote pas, moi je suis un gentleman. Ah toi t'es un gentleman, d'accord, ok. Bon bah très bien. Bon bah dites-nous alors les autres, hein. Si est-ce qu'il y a des trucs qui vous énervent, je pense que je peux faire un monologue jusqu'à 2 heures en fait. Avec tout ce qui m'énerve. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, et vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, alors du coup, on va se mettre les dégâts et on va se faire le jeu de la rupture, la finale juste après, Romain et Anthony. En même temps, c'est pas comme s'il y avait un putain de suspense, vous êtes tous les deux mauvais, donc hein. Il y en a un des deux qui le sera un peu moins que l'autre, mais on va voir quoi. On verra ça. Ouais, bah ouais. Attends, il y a DJ Roms qui dit moi ce qui m'énerve, c'est tout simplement ma belle-mère. Il n'y a rien de plus énervant que sa belle noche. Il y a Didine qui dit tout le monde pète, c'est un signe de bonne santé. Mais je n'ai pas dit que je ne pétais pas, Didine. C'est juste que je le fais discrètement, ce qui n'est pas pareil. Black Dragon aussi qui dit ce qui m'énerve, c'est quand je vais au ciné, le gamin derrière toi qui arrête pas de bouger, les sièges ou de gueuler. Ouais, alors ce qui peut m'énerver aussi, parce qu'il y a encore un truc, c'est quand t'es au ciné. C'est pas moi encore là. Non, quoique. C'est quand t'es au ciné que t'as le mec qui a acheté son paquet de chips ou n'importe quoi, ouais. Et c'est là. Et t'as le bruit du paquet qui craque, etc. Moi en fait j'aime bien aller au ciné mais tout seul. Non mais c'est mieux, t'es tranquille quoi. D'ailleurs c'est pour ça qu'il loue généralement toute la salle. Il prend les 200 places, il les prend. Exactement, ouais. Bon allez, on parle de tout ça dans quelques minutes. Je vais prendre un calmant. Hein, je pense que ça ira mieux là. Et puis on va revenir avec Prozac, ouais. Romain et Anthony avec la suite. Avec vous et vos messages, hein. Si les trucs qui vous énervent, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 et Facebook et Twitter, tapez Mickaël officiel pour me rejoindre. Bonne nuit tout le monde. Lady Gaga à l'instant sur Fun Radio avec Do What You Want. Et puis restez bien là aussi, hein, dans quelques minutes je vous cale le nouveau son d'Avicii avec Addicted To You. Et puis il y aura aussi Pharrell Williams. Je vous cale aussi Eminem et Rihanna. Et puis le nouveau Shakira et Rihanna également, que vous avez découvert hier sur Fun Radio en exclu total. Voilà, et Et si vous voulez écouter des sons en particulier, n'hésitez pas, bien sûr, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous m'ajoutez également sur Twitter, hein. Si vous me suivez, je vous suivrai aussi. Tapez Mickaël _, c'est le petit tiret en bas, officiel. Et vous pouvez bien sûr aussi télécharger l'application Mickaël No Limit sur iTunes, c'est gratuit. Vous pourrez comme ça suivre tout ce qui se passe dans l'émission, écouter l'émission en live, écouter les podcasts, participer à l'émission. Bref, vous ferez tout ce que vous voulez. En plus, l'application est gratuite, donc profitez-en bien. Il y a Olivier qui dit, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je discute d'un truc dont je suis sûr que la personne en face persiste à dire le contraire. Oui, c'est vrai. Cindy qui dit, ce qui m'énerve, c'est ma belle-mère qui s'empiffre comme si c'était la dernière fois de sa vie qu'il allait manger. Et pour couronner le tout, la bouche grande ouverte. Oh là là, elle pourrait s'entendre avec Polo, tiens. Il y a Camille aussi qui dit, mort de rire, merde, je suis comme Polo, ça m'inquiète. Il y a petit Kiwi, dans la vie, il faut péter, sinon après, on a des idées de merde. Le prince Nadia qui dit, c'est bon pour la santé de râler, ne pas l'oublier. Et c'est vrai, je suis d'ailleurs en très bonne santé, comme vous pouvez le remarquer. Maëva qui dit, venez à Toulon, s'il vous plaît, la famille Mickaël, top, je vous kiffe, mais surtout Mickaël, car c'est le plus beau. Merci Maëva, enfin quelqu'un qui a bon goût. Et puis je rappelle effectivement qu'on va faire l'émission en direct de chez vous. Je vous le rappelle, si vous voulez nous accueillir, on fera ça chez vous. Mais quand je dis chez vous, c'est on vient pas dans votre ville, on vient vraiment chez vous à la maison. On fait l'émission en direct de chez vous à la maison. Et si vous voulez nous accueillir, n'hésitez pas. Alors pour l'instant, dans les inscrits, il y a, si mes souvenirs sont bons, Chalon Champagne. Oui. Il y a Reims. Non, il y a plus. Ah, il n'y a plus Reims. Bah, c'était notre charmante demoiselle. C'était notre gogo danseuse qui devait venir. On s'est fait chier à louer une barre de strip et tout le bordel qui nous a coûté un bras. C'est ça qu'on l'a fait installer et tout. Non, Déborah, minute. Ça se fait pas. Plus de, respect dans ce monde. De quoi tu dis, Romain? De toute façon, il n'y a plus de respect dans ce monde. Bah oui, mais elle aurait pu prévenir, Déborah. Après, on lui aurait demandé. C'est elle qui était gogo danseuse qui a dit je viens vous faire une démo. On lui aurait demandé. Et donc là, on arrange tout le bordel et puis elle vient pas, Déborah. Ça se fait pas. Et s'il y a une stripteaseuse qui va aller bosser ou qui veut nous faire. Ouais, qui veut passer à la radio. C'est le mec en bas. Ouais, Polo met du billet. Enfin, il met 10 euros quoi. Ouais, il a 10 eux. Non, très bien. Et toi, on a 100. Allez. Allez, moi je mets 10 eux aussi. Oh, bah, et on, je qu'elle vais vienne, dire 100, qu'elle là. Vienne. Allez, si une stripteaseuse qui nous entend, viens, ma chérie. 20 rue Bayer, 75-00, oui, Paris, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. C'est à l'entrée RTL qu'il faut aller. Ne pas aller à l'entrée fun parce que c'est fermé, mais à l'autre entrée, voilà, chez allez, les grandes allez. Sœurs. Bon, on vous attend donc. Et donc, je disais, donc, bah, hier, du coup, il n'y a plus Reims. On avait proposé également Cannes, Nice, il y avait Toulouse dans le sud toujours, il y avait Bordeaux hier également, on avait proposé Lille. Tourcoing, et il y avait Charleville-Mézières également qu'on a eu hier. C'est ça. Voilà, donc du coup, si vous voulez qu'on vienne chez vous, bah n'hésitez pas. Hein. On avait Nancy et Metz, j'avais oublié également, et Besançon. Voilà, je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. Et il y avait Charleroi aussi, la friterie Alba. Ah oui, la fameuse friterie Alba. Exactement. On a voilà, je veux faire des frites. Je pense que tout est dit. Donc, si vous voulez nous accueillir, je vais chez manger vous, surtout. Eh ben, n'hésitez pas. On fera ça le dimanche 9 février. Vous appelez Sandro maintenant au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 si vous voulez. Eh bien, venir, nous accueillir plutôt. On vient avec tout le matos. Rassurez-vous, on peut venir avec un studio complet, hein. Juste le minimum syndical pour faire l'émission en direct de chez vous. Je vous remercie d'avance. Voilà, on sera là sans problème. Bon, Romain et Anthony. Ouais. On va se faire la suite du jeu de la rupture maintenant, hein. Romain donc de La Rochelle, Anthony de Clermont-Ferrand. Romain qui avait fait 22 secondes, Anthony qui avait fait 24 secondes. Et le but donc, appeler des gens au hasard et leur faire un discours, pas un discours, hein, c'est pas vraiment ça que j'aurais dû dire. Une déclaration de rupture en fait, finalement c'est un peu ça. Ouais. C'est comme si c'était votre copain ou votre copine et vous lui dites que c'est terminé par téléphone. Le but tenu. Il y a du suspense quand même. Hein, ouais, il y a un peu de suspense parce que c'est vrai que les scores sont serrés, mais c'est tellement bas. Donc, c'est des scores médiocres. Ah bah ouais. Bon, ouais. Alors, Anthony qui a fait 24 secondes, on va recommencer par toi. C'est parti, tu es prêt? Ouais. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô. Et le but, donc, faire mieux que 24 secondes, hein, pour tenter d'avoir un maximum de chances de gagner. Je rappelle qu'il y a Nintendo. Oui, Mini Rouge a gagné. Allez, c'est parti, Anthony. Allô? Allô? Ouais. Salut. Ouais. Je comprends pas. Comment tu m'as fait ça? Allô? Oui, allô. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as fait ça? Vous êtes qui? Bah, je suis ton copain. Non, je crois pas. S'il te plaît, bah si, mais réponds-moi, s'il te plaît. Donne-moi une explication. Je pense que vous avez fait une erreur de numéro. Mais non, j'ai pas fait d'erreur de numéro, s'il te plaît, mais réponds-moi, mais... J'ai passé d'erreur de numéro, mais je te jure. Je suis pas bête à ce point, quand même. Vous avez fait une erreur de numéro, donc... Non, j'ai pas fait d'erreur de numéro. Bah... Ouais, je suis pas bête. Ah, si. Explique-moi, s'il te plaît. Vous êtes qui? Aïe, bah, ça va, il donne un peu de chance. Hein. Enfin, maintenant, je suis plus votre petit copain, parce que vous m'avez trompé. Pourquoi vous m'avez fait ça? Il la vous voit. Pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Je vous connais pas et je pense que vous trompez. Non mais réponds-moi s'il te plaît. Ah ben là, il a tout. C'est une blague, je vous demanderai de pas rappeler parce que j'ai deux petites filles qui dorment, donc j'aimerais bien ne pas les réveiller. Merci. Mais c'est pas une blague. Au revoir. Allô. Hop là. 1 minute 14. Alors avec Anthony, lui en fait quand il quitte sa meuf, c'est un jour il l'avoue, c'est un moment écoute ça finit c'est fini comme ça maintenant et l'autre moment c'est écoutez s'il vous plaît, écoutez-moi madame. Ouais, c'est stress. Ouais, mais c'est rien Anthony, t'inquiète. Bon, t'as fait 1 minute 2 secondes. C'est pas mal. C'est quand même 3 fois mieux que l'autre. 1 minute 2 secondes. D'accord. C'est pas mal. Bon, Romain. Ouais. Le score à battre 1 minute 02, on appelle quelqu'un au hasard, conversation de rupture. Et si tu fais mieux, à toi la Nintendo Wii Mini Rouge, d'accord Romain? Ça va. Allez go, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. On aura le chéri, je peux te faire cocu aussi tout à l'heure. Bon, et je rappelle que dès que tu n'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô. Oui. Allô? Ouais, allô. Oui. Il est un mec. Bon, écoute, faut que je te dise un truc parce que... Là, c'est un peu grave, donc tu t'es assis, là? C'est qui? Bon, attends, s'il te plaît, me coupe pas, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Pas mal, et pas mal. Voilà, quoi, j'aimerais pas que tu m'interromps, donc je suis désolé, mais j'ai fait une grosse connerie, en fait. Je crois que je suis allé voir ailleurs. Je crois. Et, donc, ouais, il est pas bien sûr, pas certain. Je crois que c'est plus possible entre nous. Ah ouais? Tu penses? Ouais, je pense que... Malheureusement, on va devoir se quitter. Mais... Ah ok, bon bah, c'est dommage alors. Mais pourtant, ça avait bien commencé entre nous. Franchement, tu vois, je me disais que t'étais celui qui me ferait rêver, celui qui me. Mais après, voilà, ça, toi-même, tu sais, notre relation est devenue ambiguë et voilà quoi. Et puis, tu connais l'intérêt que j'ai pour Gertrude, donc. Bon, voilà, si vous pouviez éviter d'appeler à minuit. Pourquoi tu me vois c'est bon, je sais qu'on se quitte, mais t'es pas obligé de me vouvoyer. Hein. On va encore se voir demain, donc voilà, j'ai envie de te dire. Hein. Mais voilà, je vais juste te dire que c'est fini, je suis désolé. Et que, voilà. T'en penses quoi? Ok. Bon, bah je vous laisse, j'ai des partiels à réviser. Hein. Mais pourquoi tu me vois là? C'est quoi ce délire? Ah, il est parti. Anthony, Romain. Ouais. Bon, résultat final. Je crois que j'ai perdu. Hein. Eh ben, effectivement, Romain fait 1 minute 32. Ouais. Eh ben ouais, 1 minute 32 du coup. Hein. Romain, félicitations. La Wii Mini Rouge pour toi. Et Anthony, tu repars avec la queue entre les jambes. Ouais. Ah bah oui. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que tu veux? Oui, Romain. Malheureusement. Je dirais plutôt la quenelle. Ah oui, la quenelle entre les jambes, oui. Bon, bah Romain, quoi qu'il en soit, tu repars avec la console et Anthony repart avec rien, hein, quoi qu'il en soit. Ouais. Ah bah oui. Bon, bah tant pis, Anthony, hein, tu repasses quand même une bonne nuit. Ouais, merci. Bon, salut à vous deux, à bientôt les mecs. Allez, salut. On peut passer une petite dédicace? Oui, bah alors, petite justement, hein, une seule personne, vas-y. Alors, petite, la TES1 du lycée Merleau-Ponty à Cassandra Rapina et on va la remettre au fond. On va leur mettre profond, très bien. Eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à vous deux, à bientôt. Allez, ciao. Ciao Romain, ciao Anthony. On va faire la colle également avec Thomas. Du coup, je suis un petit peu à la bourre là, c'est pas grave. Thomas donc qui va du coup en profiter pour répéter la colle une toute dernière fois. Et juste après le son d'Avicii, on donne la réponse. Vas-y. On t'écoute Thomas. Le jour, je me cache. La nuit, je m'illumine. Qui suis-je? Voilà, on répète. Donc le jour je me cache, mais la nuit je m'illumine. Qui suis-je? Si vous avez la réponse, et Mickaël est la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez bien entendu aussi vous connecter sur le Facebook de l'émission. Hein. Tapez et Mickaël officiel pour m'ajouter. Et vous verrez, comme ça, vous pourrez lire la colle et y répondre également. On fait un tirage au sort parmi les envois SMS ou parmi ceux qui sont sur le Facebook. Le jour je me cache, mais la nuit je m'illumine. Qui suis-je? On donne la réponse. Juste après le son d'Avicii avec Addicted to You. Tu restes avec nous Thomas? Ouais. Très bien, et puis on va prendre Xavier et Joshua également dans quelques instants. Vous êtes à tous les deux? Ouais, très bien. On va parler des mecs énervés dans quelques minutes, c'est ça? Oui, évidemment. Enfin des mecs, des énervements, hein. Qu'est-ce qui peut vous énerver? Joshua et Xavier, restez avec nous. On parle de ça dans quelques instants. Et il y a encore un truc qui m'énerve. Non mais c'est vrai, parce qu'il faut le savoir. C'est quand Polo? Non, c'est quand tu dors avec quelqu'un et que la personne respire trop fort. Non mais sérieux. Enfin, faut un moment, faut qu'elle vive. Non mais je sais. Non mais regarde. Non mais. En fait, Miguel, il veut vivre, il veut dormir, mais juste avec des cadavres à côté de lui. Non mais non. Si tu veux, en fait, j'ai pas de problème. J'ai enlevé la musique comme ça. Tu sais, t'as les gens normaux comme moi. Quand on respire, ça fait ça. Tu vois, ça ne s'entend pas. Et puis il y a des gens qui respirent, c'est. Oh putain. Je peux péter un plomb. Non mais sérieux hein. Non mais oui. Mais je dois avoir un psy, je sais, mais Non, c'est pas psy, c'est que je pense que c'est un problème d'oreille interne. Tu dois avoir une sensibilité. Un ORL. Je pense que tu dois avoir un problème de sensibilité de Mais non, de l'oreille. Pas du tout, moi j'y vais très bien. Et comment tu dors? Et alors moi je dors. Alors moi tu peux tout faire, tu peux faire exploser. Non mais je sais, maison, mais ouais, je sais, mais je dors par terre, je dors la tête contre le mur. Là, je sais bien. N'arrive pas comment un souffle peut te réveiller. Ah mais un souffle bien sûr. Il y a une mouche au bout de la pièce, je suis réveillé. Ça fait juste. Alors je dis c'est mort. Ah il faut que je la bute. Ah bah non, il faut que je la bute ou que je la sorte, mais sinon c'est impossible. Ah ouais, c'est une plaie hein. Ah ouais, je vous le dis. Bon allez, Avicii, on écoute ça maintenant, Addicted to You, et on en reparle juste après sur Fun Radio, c'est la nuit sans pub, bienvenue. I don't know just how it happened. Avicii sur Fun Radio, Addicted to You, on est tous les soirs sur Fun Radio, il est minuit 15. On est en direct jusqu'à 2h tous les soirs de la semaine, ça se passe du lundi au jeudi, on est là de 20h à minuit et tous les dimanches de 23h à 2h et tous les dimanches de 20h à minuit. Il y a Louis qui dit moi aussi je suis comme toi, je te soutiens, pour moi c'est insupportable aussi, t'inquiète pas. Ah bah ça me rassure. Meg également qui dit les caissières qui mettent 3 plombes alors qu'il y a une file de ouf, ça aussi ça m'énerve. Il y a Gilla Verde qui dit ceux qui m'énervent, qui envoie un message depuis l'application Mickaël No Limite, dispo gratos sur iTunes. Ce qui m'énerve c'est que l'ex de mon copain habite au-dessus de chez moi, je me la tape comme voisine. Ah ouais putain ça c'est dur hein, par contre hein. Si t'es un peu jaloux et tout, c'est clair. Cindy aussi, ce qui m'énerve c'est quand quelqu'un me dit quelque chose et qu'il le fait pas. Par exemple mon message d'anniversaire Mickaël. Ah non Cindy, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai certainement pas dit que je vais te le souhaiter d'un anniversaire. Je t'ai dit rappelle-le-moi ce que tu as fait. Je peux par conséquent maintenant te mettre la musique d'anniversaire avec grand plaisir. Voilà. Voilà Cindy, tu vois. Et jusqu'au bout, hein, parce que je suis bon prince. Voilà, eh ben voilà Cindy, tu vois, il suffisait de demander. Orgagasmi qui dit je veux que Toff s'essaye au pole dance en petite tenue, ce serait con d'avoir loué la barre pour rien. C'est je suis assez cochonne. D'accord. Bah ouais mais Toff il va essayer, on va se mettre en tenue sexy. Mais évidemment je vais filmer ça. Beau. Bah oui, Mathieu qui dit je vous attends à Cannes là, ce serait top. Bah oui, tu m'étonnes. Et Franck qui dit ce qui m'énerve c'est quand tu passes 30 minutes à te coiffer et quand tu sors t'as un putain de vent à 90 km/h, voilà la tête que tu tires. Oui c'est sûr. Et petit que oui encore, mon père pète à longueur de journée, ça me rend dingue. Clément aussi qui dit moi ce qui m'énerve c'est qu'à chaque fois que je prends mon téléphone avec moi pour bouger de place chez moi ou chez les amis, je le pose, je le cherche à chaque fois, ça me rend fou alors qu'il y a 2 minutes je l'avais. Mets-le dans une poche et toujours dans la même poche. Ça t'évitera de chercher pendant 107 ans. C'est peut-être mieux ça justement. Bon, on donne la réponse à la colle maintenant. Je l'avais promis juste après le son d'Avicii. C'est parti, on y va. Thomas, est-ce que tu es là? Ouais. Très bien, allez, c'est parti. Thomas, on y va. La colle, on appelle maintenant quelqu'un, le gagnant, la gagnante. On verra bien en tout cas la personne qui va décrocher maintenant. Si elle a la bonne réponse et qu'elle décroche évidemment, elle repart avec l'iPad mini. Si la réponse n'est pas bonne ou qu'elle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Thomas. Allez. Ouais. Croisons les doigts, c'est bien que tout va se jouer, Thomas. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Benoît. Salut Benoît, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, ça va bien Ben? Ouais. Bon, Benoît, il y a Thomas. Oui, on va bien, ouais, merci de le poser la question. Il y a Thomas qui a une colle à te poser, Benoît. Vas-y Thomas. Le jour, je me cache, la nuit, je m'illumine. Qui suis-je? Un luciole. Non. Ah ben oui ou non? Non, oui, c'est ça. Ah ben voilà, ouais. Le malin. Ah oui. Eh ben bravo Benoît, là, l'iPad mini il est pour toi. Merci. Ah bah je t'en. Eh, cache ta joie surtout, hein, sinon je le reprends. Hein. Tu veux que je t'envoie une tablette de merde? Hein, pour voir. Du chocolat? Tu veux, tu me le donnes, hein, franchement. Ouais, bah c'est ça, hein, si tu le veux pas, Benoît. Bourrico. Ah, c'est Laurent. Laurent, excuse-moi, j'ai dit de la merde depuis tout à l'heure. Hein, si tu veux pas l'iPad mini, Laurent, y'a pas de problème, nous on le garde, hein. Non mais c'est pas ça, mais c'est que j'étais un petit peu endormi, c'est pour ça. Ah, eh ben il va se réveiller là. Hein, il va se réveiller. Ah ouais, bah oui, bien il est réveillé. Bon, il est réveillé ou il veut un coup de pelle? Bon, un coup de pelle, vas-y. Voilà, comme ça tu l'as eu aussi, tiens. Bon, bah Laurent, bravo à toi, l'iPad mini est pour toi. Et puis Thomas, bah merci d'avoir passé une petite partie de la soirée avec nous, hein. Ok. Et tu reviens quand tu veux. D'accord. Salut à vous deux. Merci. Ah bah avec plaisir. Et bonne soirée à vous aussi. Tiens, salut Laurent, ciao à toi. Bon, il y a Joshua également qui est avec nous là, 17 ans de Fontainebleau. T'es là Josh? Ouais. Comment ça va? Ça va, tranquillement, super bien même. Il est minuit 18, on est là, il y a pas de pub pendant toute la nuit, on est pépère. Bon. Oseille. Eh ben oui. Alors, tiens, il y a Lolita qui voulait ça, qui disait qu'elle était la meilleure, elle avait trouvé la réponse. Non, tu n'es pas la meilleure, si tu avais été la meilleure, tu serais passé à l'antenne. C'est vrai. C'est vrai. Et t'aurais gagné comme Laurent. Laurent qui était le best pour le coup, hein. Parce qu'il a gagné l'iPad mini lui directement. Bon, alors, Joshua. Ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui t'énerve? Ben, c'est les touristes sur Paris. Ah bon, okay, ça, comment ça les touristes sur... Ah, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais tu sais, le genre de touristes, c'est les paumés. Tu sais, les gens, genre, t'es dans une queue, ils durent 3 ans, où les gens, ils savent pas leur chemin, du coup, ils viennent t'embêter à te demander tout le temps. Bah attends, mais c'est bien, à la limite, tu devrais être content, oui. Ils viennent visiter ta ville, tu devrais être fier de leur montrer, en disant, bah ouais, je vais vous montrer et tout, c'est cool. Ouais, mais à la longue... C'est énervant. Bah, la longue, ça va, tu bosses pas l'office du tourisme non plus, hein. Tout le monde vient pas te demander des questions à toi, non, tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, mais c'est un peu chiant parce que c'est lassant au bout d'un moment. En plus, tu demandes. En plus, t'habites à Fontainebleau, t'habites pas à Paris? Ouais. Y'a rien à Fontainebleau. Bah, je viens à Paris, tu crois quoi, moi? Eh bah, t'es un touriste aussi alors? Bah, non. Sinon, tu demandes ton chemin. T'es un touriste. Les touristes, quand je dis touristes, c'est les gens qui sont paumés dans Paris, tu vois. Bah oui, mais ça arrive. Si tu vas dans une autre ville, tu serais bien content que quelqu'un vienne t'aider. Oh, moi je m'en fous, je me débrouille, hein. Oui. Non mais après, il y en a qui sont pas débrouillards, hein. Il y a Gaëtan qui dit, moi ce qui me saoule, ce sont les gens qui puent les pieds. Ah ouais, c'est vrai. Ça, j'aime pas non plus les pieds, moi. Je vais pas dire que ça m'énerve, mais j'aime pas. Il y a Steph aussi qui dit, tu as oublié le 95 pour les invitations. Oui, c'est vrai, Steph, qui nous avait invité également dans le 9-5. Il y a Léa également qui dit, les bruits de popcorn au cinéma pendant le film et les gens qui parlent pendant, bah évidemment. Et Sarah aussi qui dit, Mickaël, moi j'ai horreur quand je suis à côté de quelqu'un qui mange et que sa mâchoire claque quand il mange. Ah ouais, c'est vrai. Il y a le bruit des chips aussi. Tu sais, quand tu manges un truc de croquant, c'est. Hey, c'était qui cette teuf qui mangeait avec nous? On aurait dit qu'il mangeait du gravier une fois. Tellement il craque. Exactement, ouais. Angela qui dit, moi ce qui m'énerve sont les profs qui ne connaissent pas le chewing-gum. Du coup, bah ils puent de la gueule. C'est pas faux. Et Nicolas qui dit, ce qui m'énerve, ce sont les gens qui puent dans le métro. Ah ouais, il y en a parfois, tu sais, dès le grand matin, ça fouette sa race. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée, hein? Ça doit être d'une violence. Ben merci Joshua d'être passé. Ouais, c'était aussi pour dire une anecdote sur Paris. Vas-y. Bah genre, si tu veux, je me balade et tout. Ouais. Je vais pour prendre le RERA. Ouais. Et donc là, je suis dans le truc. Et puis là, il y a un groupe de Chinois qui viennent me voir. Ils me disent, c'est où? Du coup, je leur explique. Donc je m'en vais pour pouvoir prendre le RER. Et puis là, ils reviennent me voir. Ils font, c'est où? Du coup, je leur re-explique, tu vois, après je ressors, je leur montre un peu, sans passer les barres, sinon tu peux pas repasser ton ticket, je leur explique. Et puis je revas pour... tu revas donc, hein, mais tu devrais re-aller à l'école encore un petit peu, hein. Je revas. T'es un vrai touriste, toi. Ouais. Et genre, je repars pour prendre mon RR, et puis là, ils reviennent me voir. Du coup, ça m'énerve. Et là, ils me donnent la carte pour que je leur remontre. Et donc moi, comme un réflexe, j'ai pris la carte, j'ai déchiré, je fais « Oh, it's snowing !» et après je me suis barré. It's snowing. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a neigé? Ouais, oh, mais snowing. Je sais pas parler anglais. Ah oui, bah ça s'entend. Marqué, là. C'est peut-être pour ça qu'il revenait te voir à chaque fois. Et donc, alors, mais quand t'as dit « it's snowing », t'as voulu dire quoi? Bah, il neige. Mais après, je me suis barré. Mais quel est le rapport avec le ticket? Bah, genre, j'ai déchiré et je l'ai jeté en l'air. Ah, it's snowing. Oh. Ah ouais, c'est it's very funny. Ah oui, it's very funny, of course. Bien entendu. Ouais. Bon, et eh ben merci Joshua pour cette magnifique anecdote. Je peux faire une dédicace? Non, tu n'as pas mérité là. S'il te plaît. Non, là t'as pas mérité. Ah bah si, avec ces pauvres petits Chinois là qui venaient demander leur chemin là et tout. Non, mais j'ai rien contre les Chinois. Au contraire, j'aime bien. Moi-même, j'ai jamais Chinois. Je n'ai aucun problème avec eux. Voyons, il y a pas de problème. Bon, non. Allez, d'accord, mais à une seule personne. Ok, alors, dédicace à... Ah. Très bien. À mes potos. Barf, d'accord, ok. Et puis, allez voir ma chaîne. Eh ben, très bien, parfait. Parfait. Vas-y, donne l'adresse. C'est X. Ouais. En majuscule. Okay. D'accord, bah alors, il faut bien l'écrire en majuscule. Tout en majuscule, hein. Ouais, ok. Ouais. Tout en majuscule, très bien. Eh ben, écoute, y'a pas de problème. Ça marche, salut Joshua. Merci, vous êtes les bêtes. Ah bah toi aussi, merci beaucoup Joshua. Salut, ciao, salut. Ciao. Oui. Ouais, ciao, ciao. Ah, je suis quand même un enculé. Je vais m'en donner une à moi-même. Pas bien. Voilà. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Je suis désolé, ça se fait pas. Bon, on va parler de teubés de la télé également, maintenant sur Fun Radio. Puisque dans Tout le monde veut prendre sa place, eh bien, il y a une candidate qui nous parle de son chat. Et son chat qui s'appelle Nagui. Je fais quoi ? La dernière fois, mon Nagui était sur la fenêtre. Ouais. Il était debout sur la fenêtre et donc je lui ai caressé le bas du dos. Et vous savez ce que fait un chat quand on lui caresse le bas du dos ? Il ronronne. Non, il lève la queue. Ah bah Nagui, il met dans tous ses états évidemment. Et puis dans L'amour et dans le pré également, il y a Karine Lemarchand qui nous parle de ses expériences avec les mecs. Et en fait, quand le lapin a fait sa petite affaire, il tombe sur le côté. Tout à fait. Comme mort. Oui. C'est un peu comme les garçons. Je rigole. Ah mais c'est vrai après, hein. il y en a qui arrivent plus après, ils dorment. Et puis sur Canal également, il y a Pierre Berger qui revient sur une phrase qu'il avait dit un peu plus jeune. Vous dites à l'envie que vous avez construit la maison Saint-Laurent autour de votre bite. Vous confirmez ? Je confirme pas. La phrase. Je ne suis pas sûr que ce soit autour. Ouais, pas sûr que ce soit autour a priori. Bon, minuit 25 sur Fun Radio, bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limite, on va faire des appels avec Tov dans quelques minutes. Puisque je le rappelle, nous sommes tombés sur une enquête qui dit que apparemment les hommes avec un peu de bide seraient meilleurs au lit que les hommes sans bide. Il semblerait, mais on n'a toujours pas la réponse. Eh ben on n'a toujours pas la réponse, mais rassurez-vous, on va continuer à enquêter dans quelques minutes. On va reprendre Xavier, Jean-Marie également qui vont nous parler des mecs énervés. Puisque je le rappelle aussi, aux États-Unis il y a un mec qui était dans un cinéma et en fait il a buté un mec parce qu'il envoie les SMS pendant qu'il était en train de regarder le film. Normal. Ce qui est quand même relativement bien énervé, hein. Ça c'est une certitude également. Et puis on va prendre David aussi de Nancy. Salut David. Allô. Allô, salut David, ça va bien? Oui, ça va. Bon David, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Moi c'est parce que j'ai eu un problème avec une amie, Julie, elle s'appelle Alexandra. Ouais. Elle expliquait son téléphone portable et puis ses chargeurs de son portable et puis sa télécommande. Et puis la télécommande de quoi? De son portable. Elle est descendue chez moi. Non, j'ai eu peur, c'est descendu coup, très bien. Je l'ai pour réclamer ses affaires, quoi, son téléphone portable et puis son chargeur et sa télécommande. Ça fait beaucoup de choses là quand même, hein. Ah oui, puis du coup, je l'ai bousculé, puis elle est tombée en lui claquant la porte au nez, quoi. Puis elle a une petite à elle qui a pleuré. Qui a pleuré? Sa petite, je crois que c'est Malina Okelia qui a pleuré. Ah, elle a un enfant, une petite fille, quoi. Oui, puis je tiens à m'excuser auprès d'elle, quoi. Oui, là, on l'a pas encore au téléphone, mais tu veux qu'on l'appelle? Oui. Ah d'accord. Est-ce que tu pourras acheter des points et des virgules? Oui oui, points virgule. Des points d'exclamation, des points d'interrogation, tout ça quoi. Oui. Et par contre, je voudrais que vous lui disiez avant de me la passer que le David il tient. Ouais, attends, ne t'emballe pas. Écris ce que tu veux qu'on dise, on va gérer ça après. D'accord. On va plutôt faire ça à ce moment-là. Majuscule, David. Virgule et point. Bon, reste avec nous, David de Nancy. Ça va bien se passer. On va encore faire des appels avec Toff dans quelques minutes. On va te faire enculer, Denis. Connard. Voilà, c'est ce qu'on va avoir dans quelques instants. On va te faire enculer, gros pédé. Voilà, bon, dans quelques minutes, ça va arriver. Et puis, toujours en direct, bien entendu, jusqu'à 2h du mat. C'est Mickaël No Limite. Merci à tous les messages aussi. Enfin, à tous les auditeurs qui envoient des messages sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour venir me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. On vous attend nombreux. Et puis, on s'écoute le son maintenant. De Pharrell Williams, c'est le son de Happy sur Fun Radio. It might seem crazy what I'm about to say. Pharrell Williams sur Fun Radio, à l'instant c'était Happy. On vous cale aussi le son d'Eminem. Eminem et Rihanna avec The Monster dans quelques minutes. Il y aura aussi le son de Tony Junior. Il y aura Fatboy Slim, le nouveau. Et puis bien entendu, le son de Shakira et Rihanna que vous avez découvert hier sur Fun Radio. Voilà, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Can't remember to forget you. C'est ce qui va débarquer sur Fun. Bon, on va faire les appels avec Toff également. Je rappelle que nous sommes tombés sur une petite enquête qui disait que apparemment, les mecs avec un peu de bide seraient meilleurs au lit que les mecs sans bide. Semblerait. Moi, je serais assez d'accord avec cette étude. Oui, parce qu'elle t'arrange bien. Et donc, oui, du coup, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, on va appeler quelqu'un maintenant au hasard. Hein, Quel est le lien entre le bide et la performance sexuelle? Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est parce que du coup, ça rebondit? Ça rebondit mieux. Et donc, le mouvement est accentué. C'est un petit peu comme l'airbag. Ah, sauf qu'il se dégonfle pas. Moi je vois que ça comme raison, tu vois. Enfin, j'essaye de trouver moi après, je ne sais pas non plus. Hein, je n'ai pas la science infuse. Peut-être qu'ils se sentent obligés d'être meilleurs que les autres, c'est un complexe. Ouais, peut-être, peut-être. Ah. Bon, bah, du coup, envoyez les numéros de téléphone de gens qu'on peut encore appeler à cette heure-ci sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis, bah, on continue à appeler les gens, bien entendu. C'est parti, on y va afin de vérifier s'ils ont ou pas un. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari avait du bide. Pardon ? Mais est-ce que votre mari a du ventre ? Excusez-moi. Oui. Ah oui, donc là, la minette est à fond de balle. Hein. C'est moi ou l'écoute Jean-Pierre Sauzer ? Non, ça m'aurait tilté là. Attends, on la rappelle. Retour chez madame. Oui, excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Mais non, mais ça se fait pas, madame, enfin. Bah non, ça se fait pas, mais elle te l'a dit quand même. Oh. Bah ouais, mais ça bon, se fait pas. On rappelle. Allez, quelle invitation. Ah ouais, ouais, ouais. Allez. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé. C'est pourquoi. Mais en fait, je voulais savoir si vous aviez du bide, monsieur. Non, mais j'ai des grosses couilles pour t'emmerder, me botte dans ta gueule quand je te verrai, connard. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Parce que tu casses tes couilles. Mais enfin, monsieur, pas du tout. Pas du tout. Non, mais... allez, va te faire foutre. Mais monsieur... Eh ben, va te faire foutre, Tof. C'était simple et direct. Ah, ouais. Ah ben, simple et direct et très agréable. J'ai beaucoup aimé, j'ai des grosses couilles pour te les mettre sur la gueule. Bah, et on avait ça aussi hier. Nique ta race. Eh oui. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà, et puis il y avait aussi celui-là. Va te faire foutre, pauvre connard. Voilà aussi. Tellement agréable, les appels de Tof. C'est toujours un vrai plaisir. Oh oui. On apprend des nouvelles insultes comme ça, c'est tellement cool, c'est vraiment bien. Bon, minuit 34, on est toujours en direct avec vous, évidemment. Plein de messages qui sont arrivés, Orgagasmic notamment sur le Twitter. Non, c'est faux, je suis sorti avec un gars qui avait du bide et c'était une merde. Et j'ai toujours pris mon pied avec les minces. Il y a Mystique qui dit franchement, Mickaël, j'ai déjà essayé les deux et c'est vrai qu'il y a une différence entre les minces et les personnes un peu rondes. Hugo qui a envoyé son message depuis l'application iPhone Mickaël No Limit que vous pouvez télécharger gratos bien sûr sur iTunes en tapant Mickaël No Limit. Salut toute l'équipe, c'est l'anniversaire d'un de mes potes qui écoute la radio depuis vos débuts. Vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il s'appelle Hugo, il vient d'Alsace dans le Haut-Rhin. Et ben bon anniversaire à toi, Hugo. Et puis merci d'être là aussi tous les soirs. Olivier qui dit David, c'est Ribéry numéro 2. Pas compris. David qu'on a. Ah oui, pardon, toi pour moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le petit homme qui dit moi j'ai du bide. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu une femme s'en plaindre. C'est Cyril. Et enfin, mec qui dit les gens qui envoient des invitations pour jouer à des jeux Facebook, ça c'est des trucs qui peuvent relativement beaucoup m'énerver. C'est vrai. Bon, allez, on va prendre Xavier puisqu'on parlait des énervements. Hein, on demandait qu'est-ce qui peut vous énerver, comme le mec aux États-Unis qui a décidé de tuer un mec. Parce que ils étaient dans la même salle de ciné, sauf que le gars était en train d'écrire des SMS, ça l'a énervé, il a pris son flingue, il l'a buté. Voilà. Comme quoi, vous voyez que ça a des trucs, il y a des trucs qui peuvent m'énerver, mais c'est quand même moins violent. Oui, c'est moins. Enfin, tu nous as pas tué encore dans notre sommeil avec Polo, et c'est super vrai. Gentil, Mickaël. Par contre, j'ai déjà lancé une paire de chaussures sur la gueule de. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ben si on était au Portugal ensemble, c'est pas sur toi que je suis tombé. Ah oui, c'est ça, j'allais dire c'était sur nous. Mais et ça ronflait, j'arrêtais pas, je fais ah, j'aurais gueulé, je commence, c'est en ouf. À un moment, ça m'a tellement énervé, j'ai pris ma chaussure, je lui ai envoyé sur sa gueule. Elle fait mais qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien, tu ronfles. Ah oui, mais il fallait le dire. Bah oui, mais ça fait 10 fois. Donc voilà, c'est des bruits comme ça qui peuvent m'énerver. Et toi, Xavier d'Auxerre, bonsoir à toi. Bonsoir, Mickaël. Comment vas-tu ? Ça va. Bon, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui t'énerve, toi, dis-moi, Xav ? Ah, moi, c'est les gens qui envoient des SMS et qui y a des fautes. Ah, bah oui, mais ça, pas malheureusement... Bah oui, mais genre, ouais, mais parce que ça, après, ça peut arriver, tu vois. Moi aussi, je fais attention quand j'écris, mais ça peut m'arriver de faire des fautes. Oui, mais après. J'écris mes SMS en français, moi. Non, mais d'accord aussi. Ah, mais tu parles pas. Attends, tu parles pas de fautes d'orthographe. Genre, par exemple, ceux qui font une erreur, une faute d'orthographe, d'inattention, on va dire ça plutôt comme ça. Tu parles vraiment de ceux qui n'arrivent pas à écrire ou qui écrivent avec des lettres improbables, même si à l'écoute, ça donne bien. Oui, mais on comprend rien des fois. Voilà, par exemple Romain qui vient d'envoyer un message. Moi perso, P-E-R-C-C-D-O. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais c'est comme ça qu'il a écrit. Moi perso, ce que je déteste le plus, ce sont les gens. Ah bah par exemple là il a dit c'est les gens. Alors au lieu de dire ce sont les gens, car il y a plusieurs personnes, n'est-il pas? Qui mangent la bouche ouverte. Ah Polo, tiens. Le bruit que ça fait, c'est une horreur, ça me rend ouf. Bah pareil, moi aussi ça me rend dingue. Mais c'est vrai, y a que toi en fait. Mais non, la preuve, regarde Romain qui vient d'envoyer un message. Mais Romain, ouais, mais Romain il dit ça pour se faire plaisir, Mickaël. Bah oui, mais c'est ouais. ça. Il y a Guillaume qui dit aussi, ce qui m'énerve moi, ce sont les gens qui font grincer leurs dents avec leur fourchette. Et Didine qui dit, mon ex avait du bide et il était à chier au lit. Oui, bah comme quoi finalement, hein, il faut de tout. Et ouais, qu'est-ce que tu fais quand tu l'aimes, on ne compte pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu sais comment Sandro, elle t'a écrit dans le standard, Xavier? Comment? Elle a écrit, elle a écrit énervé, H-E-N-E-R-V-E-Z. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Elle a écrit énervé. T'es vraiment un con. Ouais. Il est très énervé. C'est pas vrai. Énervez même. Énervez. Bon, bah très bien. Attends, il y a aussi Jean-Marie qui est avec nous des Yvelines. Salut Jean-Marie. Ah, oui, salut. Comment Nickel. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. Bon Jean-Marie, qu'est-ce qui t'énerve toi? Bon, moi ce qui m'énerve plus, c'est lorsque je suis dans les transports, les gens qui se mouchent. Ah oui. Les oui, gens oui, qui oui. se mouchent, ça te dérange. Ah les bah gars, oui, restez oui. chez vous quoi en fait. Non mais non, mais c'est vrai, c'est relou. T'as mec qui oui, arrive... par exemple ce matin, je me rendais à Paris-Saint-Lazare, il y a une femme qui était derrière moi, elle était enrhumée, elle n'arrêtait même pas à se moucher. Et c'est comme si quelqu'un qui était en train de péter. Tu fais les bruitages. Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. Là, Polo est malade par exemple, il vient de se moucher. Pardon? C'est désagréable, tu vois, tu imagines tout ce qui sort là. C'est oui, vrai. Voilà, oui. Tout ce qui sort là et si tu es en train de manger quelque chose, quelqu'un qui se mouche, tu vois ce que ça fait. Ah bah ça fait dégueulasse. C'est on pas un restaurant, le train. Non mais c'est pas un restaurant, mais bon, mouche-toi ah oui. avant de monter. Non, j'exagère là, d'accord, ok, quand t'es malade, tu peux pas choisir. Ça va, je suis pas relou, c'était de l'exagération non, là. Non, pas du tout, non. C'est un exemple. C'était un exemple. De l'exagération pure et. Sandro, je suis pas relou. Non, pas du non. tout. Non, je suis pas relou. Mais non. Camille qui est passée nous voir, je suis pas relou. Non, pas du tout. Polo, je suis pas relou. J'ai l'impression de parler à un mec à chaque fois qu'elle répond. Oh, ça va qu'est-ce qu'il y a? Il me fait pas chier. T'es pas relou, mais t'es juste notre boss quoi. Donc... Voilà. Polo, je suis pas relou. Pardon? Je suis pas relou. Je comprends pas la question. J'ai l'impression de parler à une meuf là pour le coup. C'est marrant. Non, mais non, t'es pas relou. T'as juste un problème d'oreille. Mais non, j'ai pas de problème d'oreille. J'ai une hypersensibilité de l'oreille. Je suis pas hypersensible. Bon, il y a Madoré aussi qui dit ce qui m'énerve sont les gens qui chantent une chanson alors qu'ils ne connaissent pas les paroles. Ah ouais. Ah ben ça, alors là, par contre, effectivement, il y en a. Ah, je suis la best moi. Ah bah, à ce niveau-là. Ah bah oui. Ah bah non, ça c'est. J'avoue que c'est insupportable pour les autres. De quoi? Parce qu'en soi, faut pas chanter. Mais non, mais après, t'as envie, c'est tu que t'as l'air et tout, t'as envie de chanter, c'est normal. Ouais. Bah oui. T'as l'air un peu aigri, toi. Hein. Non. Ah si, un peu quand même. Tu hein. sens la joie de vivre. Bah oui. Attends, regarde, Sandro, elle va essayer de chanter. Tiens. Voilà, ça va. Attends, quand il va commencer à chanter. Dance. Ouais bon évidemment j'ai peut-être fait une mauvaise cadence. Mauvais moment. Cadence. Attends. Voilà. Ah merde. Putain je chante pas. J'adore cette chanson. Ça m'étonne pas. Attends, il va bien finir par chanter. Attends, voilà ça. Ah non. On aurait demandé à JB de venir, lui il connaissait bien. Il aurait bien connu je pense. Alors vas-y. Voilà. Voilà, tu vois, c'est. Ça, c'est énervant, c'est vrai. Ouais. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Ouais, les gens ont envie de me baffer. C'est ma soeur, le soir, elle était en train de chanter au taf. Son boss, il lui dit ouais, arrête de chanter, tu chantes faux. Mm. Et elle va pour fermer la porte, du coup, pour pas qu'il entende. Et il lui dit c'est pas la porte qu'il faut fermer. C'est ta gueule pour ceux qui n'avaient pas compris, bien entendu. Mystique aussi, je ne supporte pas non plus les gens qui respirent fort la nuit et qui ronflent. Ça m'empêche encore plus de dormir. C'est vrai. Et donc pour mon expérience, le problème c'est qu'une fois que t'es réveillé à cause de ça, tu te dis bon, l'autre arrête de ronfler ou voilà. Et puis t'es en train de speeder pour essayer de t'endormir parce que tu sais qu'il va de nouveau ronfler à côté. Et bah plus t'y penses et puis après au moment où tu commences à t'endormir. Et c'est foutu. Et ça, c'est rien. Moi, je connaissais une meuf qui grinçait des dents. C'est assez ah, c'est une horreur. Oh là tu là sais, là. Quand t'entends ça, t'as l'impression qu'en fait, elle est en train. Oh, oh là et là. Et t'es là, bah t'entends. Dans la nuit, t'entends. Ça fait un peu ça? Non, ça c'est. Non, c'est les dents. En fait, elles se tapent, elles se frottent ensemble. Et ça fait comme du silex. Ah, c'est une horreur. Ça? C'est une horreur. Non, ça c'est la. C'est, oui, c'est agréable, la fraise. Ça. Ah, c'est agréable ça? Ah, j'adore. histoire, je vais me rincer la bouche. Je sais pas comment est-ce que tu trouves ça agréable, mais bon. Moi, j'aime bien. Et Johan aussi, depuis l'application Mickaël No Limites sur iPhone, iPod et iPad, moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu poses une question que la personne met trois plombes à te répondre. Mais c'est parce qu'elle hésite. À mon avis, en règle générale, ça, c'est quand il y a un mytho et qu'on est en train de réfléchir au mytho qu'on va balancer. Non, voilà. Moi, je connais personne qui est comme ça ici. Non, bah non. Non ? Hein ? Dit-il en montrant Tof du doigt. Je vois pas de quoi vous parlez. Bah nous non plus, chien. Étonnant, étonnant. J'avais peur qu'il y ait une attaque personnelle. Bah non, pas du tout. On est pas comme ça. Bon, Jean-Marie, Xavier, merci à vous deux d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, en tout cas. D'accord. Salut à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Et puis bah David qu'on va récupérer dans quelques minutes, qui a piqué le téléphone portable d'une amie. Du coup elle est tombée, sa fille a pleuré, il veut qu'on l'appelle pour lui dire qu'il a retrouvé le chargeur avec la télécommande et qu'il veut s'excuser. C'est ça grosso modo, hein. Hein David, c'est ça grosso modo? Oui. Grosso modo, alors très bien. Bon, alors allô. Ah merde, c'est pas fini. Oui. Je lui disais que je lui veux pas de mal. Non, mais bien sûr, bah alors on va l'appeler dans quelques minutes, pourquoi David. Pourquoi t'as pas volé un Becherel? Oui, ça aurait été bien, ça. Bon, David, bouge pas, oui. On va l'appeler dans quelques minutes, là, Alexandra, là, reste avec nous. Les autres, appelez-moi également, hein, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on va parler avec vous dans quelques minutes. J'ai aussi une grande question existentielle que je vais vous poser dans quelques minutes. Non, mais c'est vrai, grande question existentielle, je vais vous la mettre sur le Facebook également pour voir si vous allez trouver la bonne réponse. On fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio, le temps d'écouter. Et bah comme promis, le son d'Eminem et Rihanna de Monster, c'est maintenant sur Fun Radio, il est minuit 43, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limites jusqu'à 2h. Eminem et Rihanna sur Fun Radio, c'était de Monster. On va faire d'autres appels avec Tof dans quelques minutes. Et puis j'avais dit que j'allais vous poser une question existentielle. Je l'ai déjà mise en exclu sur le Facebook et le Twitter, hein. Tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Est-ce que vous savez ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? Petit tour de table. La tête à Tof. Sandro, qu'est-ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? 18 fois plus sale que les chiottes? 18 fois plus sale que les chiottes à ton avis? J'ai bien une idée parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ah non, c'était la réponse. Si tu ne l'avais pas volontairement, évidemment, ça sert à rien. Bah Tof, il l'a aussi du coup. Moi, j'aurais dit ma bite. Ta bite. Ça m'étonne pas. Ouais. Polo, la bouche de Tof. La bouche de Tof. Non, les mains. C'est pas mal. C'est pas mal. Que les mains, c'est ça? Que 18 fois plus sale que les chiottes. Bah les mains. Il y a le métro à Paris aussi. Il doit être. Il y a le métro. Pas mal aussi. Bon, à Paris ou ailleurs, hein, le métro en règle générale. La bite. Camille qui est passée nous voir. Qu'est-ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? Un clavier d'ordinateur, non? Ah, pas mal, mais c'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, alors je vous le dis, il n'y a rien à gagner, hein, c'est pour le fun, hein, parce que disait, hey, mais je veux gagner un truc. Non, il n'y a rien, c'est juste pour le fun. Donc envoyez vos messages maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel, sur le Twitter également, et puis également par SMS si vous voulez, hein, tapez Mickaël et la réponse, enfin la réponse, et votre réponse au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. Il y a Luciana qui dit le caddie du supermarché, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Christophe qui proposait une éponge est 18 fois plus sale que des chiottes, ce n'est pas ça. Scrimi aussi qui dit une barre de métro, c'est pas la bonne réponse. Soum Soum qui dit un clavier d'ordinateur, eh bien on l'a déjà dit, ce n'était pas ça. Antoine qui proposait le cul de Polo. Il est propre. Si vous saviez l'hygiène que Polo a de son corps. Merci. C'est vrai. Je me mets de la crème. Si vous pensez avoir la bonne réponse, en tout cas, n'hésitez pas. Avant de prendre David, on a, mesdames et messieurs. Ah bon. Allô, Jean-Pierre Sauzère. Non, c'est pas le vrai, c'est une copie. C'est vrai qu'on n'entend plus le sifflement. C'est une copie. Mais on n'entend plus le sifflement, Jean-Pierre, je suis déçu là quand même. Bah oui, mais bon. Mais en fait, t'as changé de téléphone? Non, j'ai pas changé de téléphone, c'est que j'ai changé les piles, comme je t'ai dit. Ah, t'as changé les piles. Voilà. Ouais, mais on sait que c'est toi quand il y a un sifflement. Mais c'est... il y avait un problème avec mon téléphone parce qu'il avait tombé à terre. Ah, il est tombé à terre? Ouais. Ah, je croyais qu'il était tombé en l'air. Bah non, mais il est pas tombé de la lune. Ah en d'accord, cause, il est tombé. Il y a un projet là. Tu pourrais pas. Dis-moi, attends, j'ai une question d'abord à te poser. Est-ce que tu sais ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? Ouais, la merde. Non, la parce merde, que ça, elles sont dans les chiottes, donc c'est pas 18 fois plus. Ouais. J'sais bon. Pas. Bon, bah du coup tu sais pas alors. Ouais, le cul d'un cochon. Le cul d'un cochon, c'est pas mal. Oui, ça. C'est pas mal, effectivement. Voilà. Bon, Jean-Pierre, oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors moi, il faudrait que t'appelles Vincent par Vincent. Alors Dieu, enfin bon, merde. Excuse-moi, c'est bon. Oui, qu'on appelle Vincent pour quoi faire? Il a quelque chose à te dire important, parce que bon, je vais faire un court-métrage vendredi. Oui. Je croyais que t'étais débordé cette semaine. Mais oui, t'as dit que t'étais full débordé. Tu peux l'appeler ? Non mais t'as dit que t'étais full débordé. Oui. Et eh ben alors quoi ? Ben, je t'ai dit que je tourne un court métrage où on te dit le titre ouais. C'est rencontre. Ouais, rencontre du quoi ? Rencontre. Ah c'est tout ? Le titre c'est rencontre. Je veux rencontrer quelqu'un, un acteur très connu. On me dit pas qui, c'est la surprise. C'est rencontre du quatrième type. Mais est-ce que ça va raconter quoi ? Je sais pas, mais c'est pour ça que je te demande d'appeler Vincent par Zébut. Par Zébut. Par Zébut ou par Zégut. Non mais Zégut, il travaille pas là. Ouais, non, il est parti là. Vincent. Oui, Vincent de, Zégut. De sa radio là. RTL2. Tu peux l'appeler, vas-y, il va te parler tout ça. Oui, mais justement, mais c'est au niveau du film, il faut d'abord que je sache parce que sinon après mon boss il va gueuler. Bah non, il faut que je sache. Il va t'expliquer. Parce non mais je sais bien, mais mets-toi à ma place. Moi, il y a mon boss. J'ai un boss au-dessus de moi. Tu vois, je suis pas le patron de la radio. Non, mais c'est moi le patron. C'est moi. Bah non, t'es pas le patron. Bah non. Mais donc du coup. Mais du coup, alors justement, par exemple. Mais non. Mais non. On fera une culée gros pédé. Mais c'est pas ça, Jean-Pierre. Une fois que ton contrat fini, c'est moi qui vais te remplacer avec Vincent. Ah bon ? Mais oui, je dois miser ce que là. Tu seras avec nous, ça va 3. D'accord, ok. Mais alors, du coup, en attendant, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur le film ? Et maintenant, va te faire enculer. Je t'explique depuis tout à l'heure. Il faut que t'appelles Vincent, qui t'explique, qui sait plus par que Zébut. Moi sur le film. Pourquoi il m'a demandé ? Il m'a dit, appelle Michael. Ouais. Hein, Maï. Tu peux pas que je te pénètre ta gueule, Maï, bon, toi, non. Non, on déconne un peu. Non, mais. Non, on déconne, on rigole. Ouais, ouais. On rigole un petit peu, évidemment. Mais voilà, c'est ça, on rigole tous, tout le monde est là, et puis on rigole, quoi. Hein ? Ouais, tu peux appeler Vincent ? Ben, j'ai pas le numéro, là. Mais tu le files ? À l'antenne ? Non, pas quand même, hors antenne. Oh, t'as pas de couilles, Jean-Pierre. Ah bah la honte. Vas-y. Attends, vas-y, t'as des couilles, t'as pas de couilles. Je peux pas parce que son numéro, imagine-toi, tout le monde va l'appeler. Ah oui, mais enfin bon, t'as des couilles, t'as pas de couilles. C'est son numéro de privé, hein. Bah ouais, mais t'as des couilles. Non, ouais, comme toi, ouais. Allez, vas-y. Impossible. Allez. Allez, tout le monde t'applaudit là, tout le monde est là, non, tout le monde attend. J. Allez. Ah ben non, mais bon alors comment on fait ? Bah tant pis, on t'entend pas plus, moi je te dis que je fais un court métrage ou un truc. Mais non, mais là tu me mets l'eau à la bouche là, moi je veux savoir. Tout le monde veut savoir, la France, la Belgique, la terre entière sur internet nous écoute et tout le monde veut savoir. Je tourne avec les réalisateurs, Pascal est très joli, il t'écoute en ce Pascal il est très joli ? Ouais. Et alors ? Et d'ailleurs, j'ai passé le bonjour. Eh ben, on l'embrasse. De toute façon, moi, j'ai un sacré talent, voilà. Mais bien, bah, ça, on n'en doute pas. C'est bien pour ça qu'on te prend tous les soirs. Hein. Voilà, mais je tournerai peut-être un film avec Depardieu plus tard, puis Alain Delon. Avec Depardieu ou ? Bah oui. Mais où ça, en Russie ? Et c'est bien de commencer par un cours avant un Delon. Ouais. Court-métrage, non, c'était une vanne de Polo, un jour avant un Delon. Je suis désolé. C'était une vanne, vanne cinématographique. Bon, soit, c'est pas grave. Bon, alors écoute, alors on va essayer d'appeler Vincent, alors, mais j'ai pas le numéro, moi. Passe-moi son drôle, je vais lui donner aux antennes. Mais elle n'ose plus te parler, apparemment, tu l'insultes. Bah non, j'insulte pas. Tu l'aimes bien ? Elle est gentille, mais au départ, c'est vrai, il y avait un peu de ricane, voilà. Tu la kiffes ou pas ? Hein ? Comment ? Tu la kiffes ou pas, Sandro ? Bah, elle est bien comme toutes femmes qui sont bien, hein. Il y en a des biens partout. Tu as dit qu'il baisse des biens. Qu'est-ce que t'as dit ? Mais non, mais parce qu'il veut maintenant il veut kidnapper le stagiaire, donc ça m'inquiète. Oh là là, quoi ? Il a dit qu'il allait venir lui péter la gueule et le kidnapper. Eh ben il a bien raison, c'est un stagiaire. Ah oui, bah c'est toi, tu m'as dit, Michael, vas-y, toi. Comment ? Je rappelle juste que Jean-Pierre Sauzard n'a pas de voiture, hein, donc oui, déjà pour vrai. Dire kidnapper quelqu'un, ça va être à pied. Hein. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a une vidéo de Jean-Pierre Sauzard depuis hier soir sur le Facebook de l'émission, qui est sur le Facebook, qui vous invite à venir le 7 février à El Patio. C'est où El Patio ? Encore Jean-Pierre ? À Compiègne. Où ça ? À Compiègne. Et c'est dans quelle région ça ? C'est dans le bois de Compiègne, donc on a signé l'armistice, le wagon de l'armistice. C'est ça, donc en Picardie quoi. L'armistice. En Picardie ? Ouais, voilà. Ouais. À Compiègne, d'accord, ok. Tout le monde vient, Tof, tu viens ? Bien sûr. Bah, très il bien. Va chanter, Polo. Il vient habillé en. Exactement, Polo, tu viens. Ouais. Bien Camille, sûr, tu viens, t'es invité. Moi, oui, je viens. Pour voir Jean-Pierre. Bah oui. Ouais, t'as vu, on a déjà la première fan, Jean-Pierre. Camille est avec nous. Bah oui, c'est bien, ouais. Je suis trop fan de toi, Jean-Pierre. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup de fans, ouais. Bah ouais. En toute simplicité, c'est normal. Évidemment. Bon, alors Jean-Pierre, on va appeler Vincent, mais j'ai toujours pas le numéro. Hein. Bah oui, bah, en rentaine, je vais te le donner. Ouais. Bon, bah non, on est. Il l'a, le stagiaire, le numéro, je pense. Oh, qu'il est con, lui, alors. Mais mets le numéro, là. Mets le numéro. Bon, attends, Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, je te repasse le stagiaire. Ouais, Ok. Je te repasse le stagiaire au téléphone. Attends, bouge pas. Allô, Jean-Pierre ? Oui. Ouais. Alors, je vais te passer le numéro de Vincent. Ouais, mais Jean-Pierre, t'as pas été cool avec moi, hein. Oh, t'inquiète, mais tu sais pas blaguer, toi. Bah, ouais, mais Jean-Pierre, t'es pas très sympa, quoi. C'est comme ça que tu vas être connu, là. Ouais, enfin bon, moi j'aimerais bien que tu me parles un peu mieux, Jean-Pierre. Vas-y, on n'a pas le temps. Bah, ouais, mais Jean-Pierre, moi, j'aimerais bien que tu t'excuses, quoi. Eh, non, mais écoute. Bah, ouais, je t'écoute, Jean-Pierre. Allô ? Oui, mais attends, je vais pas donner le numéro à l'antenne, hein. D'accord, Coco. Hein ? Mais je m'appelle pas Coco, arrête, Jean-Pierre. T'arrêtes ton cirque, toi. Tu m'as mis sur l'antenne. Vous êtes vraiment des clowns, ou quoi ? Oh Jean-Pierre, on peut rire, hein. Oui, mais bon, mais on peut rire un peu. Oui, s'en sortir, hein. Mais on peut rire un peu, ouais, là, quand même. Bah, hein, pour lancer le numéro. Hein, on rigole un peu, quand même, ouais, ou pas ? Ouais, bah, faut bien rire. Bon, bah, un petit peu, quand même, non ? Faut bien rire, bien sûr. Eh bah oui, ah, évidemment. Ouais, bon, je te repasse le stagiaire au standard. Ok, ouais. Bon, allez, salut, Jean-Pierre. Ouais. Allez, à demain. Bah, je vais te passer le numéro, puis je vais attendre. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et tu n'oublies pas, tu peux insulter le stagiaire. Ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais si tu veux, moi je te dis, franchement, je vais donner le numéro de Vincent et vous l'appelez, on discute tous les trois, il va te raconter le court-métrage. Ouais, mais justement, mais alors ça raconte quoi le film ? Bah, ça raconte que je rencontre quelqu'un, voilà, connu, puis qui va me le propulser dans les médias, dans tout ça, alors, tu vois ? Sur la Lune ? Je sais pas, j'ai pas le scénario. Ah, t'as accepté le film et t'as pas accepté le scénario ? Bah, le scénario que j'ai pas encore devant moi, donc... Écoute, parce qu'on a une auditrice qui est venue ici, en fait, elle fait études de cinéma, elle voulait savoir s'il pouvait avoir un rôle, un des rôles principaux. Moi, je sais pas, c'est pas moi qui décide, moi je sais que Pascal est très joli, il pense à moi... Ouais, mais toi, tu pèses quand même dans le film, tu peux quand même dire, moi, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Ouais, comme quand tu parles au stagiaire. Ouais. C'est un peu mon rêve, hein. Voilà, et donc elle voudrait jouer avec toi, elle prend 10 000. Bah oui, non, mais moi, je prends rien du tout, je suis un bénévole, tu vois. Ouais, mais tu peux pas gérer pour elle 10 000. Non, non, non. Mec, Jean-Pierre, t'es Jean-Pierre Sauzère ou pas ? Oui, non, mais enfin, si t'appelles pas Vincent, tant pis, hein. Bah non, mais on va l'appeler, mais j'ai toujours pas le numéro. Bah ouais, mais il qu'a t'appeler, lui, Vincent, il qu'a appelé le stagiaire et... Ouais, enfin bon, bon, bah du coup, on va mettre du son, on va mettre Tony Junior, t'aimes bien ? Bah, et tu peux pas passer une chanson à moi, là ? Bah, Tony Junior ! Oh. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme chanson ? Bah, tu mets Code Rock ou t'as quoi comme chanson ? Ah non, et Code Rock, on l'a mis de la dernière fois, là. Je cherche un producteur, je l'ai pas sous la main, là. Ah. J'ai Vonderland. Bah, mais là, voilà. Mais comment on s'arrange pour la répartition, pour que je touche l'argent de la SACEM ? On va s'arranger. Ouais, mais à chaque fois, tu dis ça, mais on touche jamais rien, nous. Bah, moi non plus, je touche rien. Ouais. Ah, comment ça se fait ? Bah, parce que faut faire les papiers, moi. Ah, bah oui, mais bon. Bah, écoute, je fais les papiers. Je sais combien que je touche pour pas ça, je touche 5 centimes ou 10 centimes. Bah, c'est très bien, mais on va déjà beaucoup. Bah, on divise alors, moi je prends 60%. Bah, tu peux rien prendre parce que je suis déjà auteur. Bah, justement, tu me cèdes les droits. Bah, je peux pas te céder les droits, c'est impossible. Si, tu peux. Bah, si, bien sûr, c'est possible. Bah, non. Mais si, c'est possible. C'est impossible. Ah, si, je te jure que c'est possible. Tu me cèdes les droits, tu sais combien ? 1 million, 2 millions d'euros. Tu me donnes. Je te laisse Wonderland complet à toi tout seul. 100% tout caché, tu me donnes 2000 euros. Ouais, mais au Monopoly, alors les billets Monopoly ? 2 millions d'euros. Ah bah au Monopoly, d'accord, ok. 2 millions de Monopoly euros. Hey, ils ont quoi, Fon ? Ils sont milliardaires, donc ils peuvent me donner 2 millions d'euros, hein, puis je te laisse la chanson. Bon, alors attendez, est-ce que vous pensez que ça vaut 2 millions d'euros ? Ceci, bah ouais. C'est la chanson de Jean-Pierre. En exclu total, aucune autre radio ne peut la diffuser, car c'est trop cher. Et pourtant, ils réclament. Hein. Ouais. Ah, j'en connais, ils réclament. Hein. Ouais. Je veux. On leur dit, bah non, bah, prenez votre merde, la Shakira, Rihanna, là, prenez cette merde. Et nous, on garde Jean-Pierre Sauzère. N'est-ce pas, Jean-Pierre ? Ouais, bah oui. Tu restes en exclu sur Fun Radio, hein ? Ouais. Allez, bonne chance. C'est Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre in Wonderland sur Fun Radio en exclu total. Champignon en forme de gros fuyon. Je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis... Et je me suis dit... Non, j'ai coupé, il peut plus entendre dans le standard. Non, bref. Et je me suis... Allez, tous ensemble. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand merde. Je me croque les orteils. Hey, hey. Je suis Jean-Pierre, hey, hey. Au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc. Je me croque ma merveille. Hey. Allez, c'est parti, on remet le couvert. Jean-Pierre Sauzère, toujours en direct, bien entendu, sur Fun Radio. Allez ! Didine qui proposait 1 centime. Je J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement, j'avais un chou-fleur. Quel malheur. C'est alors que j'ai remarqué qu'un gros steak haché pendait à mes abîmes. Et je me suis dit. Et je me suis dit. Et je me suis dit. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier est fou, de me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves, le grand lapin blanc, de me croquer ma merveille. Oh non, le stagiaire, putain! Oh là là! Oh, mais qui est mauvais! Oh, il a coupé le titre! Oh, Jean-Pierre! C'est scandaleux. Jean-Pierre! Oui. C'est du sabotage, hein! Parce que. Bah le morceau il a été coupé en plein milieu. Ah, moi j'ai pas rien moi. Bah non, c'est pas toi, c'est le stagiaire. Il est arrivé, il a poussé sur un bouton, ça s'est arrêté. Bah oui, mais bon. Putain, tu le démontes après, hein. Moi je peux pas le faire, ouais, j'ai une vitre. T'inquiète pas. C'est con alors lui, il démonte là. Saboteur. C'est ça, c'est un saboteur. Je suis désolé, c'est un saboteur. Il y a Abed aussi qui dit je te donne 1 euro pour la musique de Jean-Pierre Sauzère. Tu sais pas, je t'enverrai une chanson, le titre c'est La Guerre. Super bien. Ah bah ça a l'air hein. Florian qui dit aussi ça vaut pas un centime, mon dieu arrêtez je vais mourir. Jean-Pierre Sauzère qui dit tu nous casses les couilles, c'est Xavier qui a envoyé son message. Oui bah c'est bien, il en faut des pour et des comptes. Bah bien sûr, des comptes. Ouais. Et il y a Johan aussi qui dit il a pas de prix son tube, 2 euros c'est déjà trop. C'est pas grave. C'est pas grave, bon bah d'accord. Bah oui bien sûr. Bon alors Jean-Pierre. Arnold et Willy. Jean-Pierre, ouais. Ne bouge pas, on va revenir. Hein. Ok. Bon, reste avec nous, Jean-Pierre. On va également prendre Léa qui nous parlait de l'énervement là, de Montauban. Salut Léa. Salut, salut tout le monde. Comment ça salut. Va tu donnerais combien pour la chanson de Jean-Pierre Sauzère? Oh, je sais pas, j'ai écouté, mais bon, c'est pas trop en style quoi. Mais c'est pas grave, après tu peux quand même savoir si ça vaut de l'argent ou pas. Bon, j'ai pas de style, donc je sais pas du tout combien je lui donnerai, donc voilà. Très bien, bon bah écoute, au moins une qui ne se mouille pas. Hein. Bon, est-ce que tu sais, avant qu'on parle d'énervement, est-ce que tu sais ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? Alors là, j'allais dire une connerie, des poubelles j'allais dire, mais bon. Des poubelles, mais non, c'est une mauvaise réponse. Il y a Savas qui dit aussi le nombril qui est le plus sale que les chiottes, c'est pas ça. Il y a Eva qui dit les cheveux pour la question, ce n'est pas ça non plus. La tétine de bébé qui est un nid à microbe, c'est Noémie qui embrasse toute l'équipe. Merci Noémie, mais c'est pas ça non plus. Joévin aussi qui dit le pavé numérique des distributeurs de billets, la carte de menu des restaurants, les balançoires dans les parcs ou les billets, les pièces de monnaie. Non, c'est pas ça non plus. Delphine qui dit ah oui ça c'est par rapport aux énervements, qui a envoyé son message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes, disponible gratuitement d'ailleurs hein, si vous avez un iPhone, un iPod ou un iPad. Bonsoir, je ne supporte pas les gens qui balayent. Qui baille, ou éternue sans mettre la main devant la bouche. Ouais, j'avoue aussi, bah, comme Polo, enfin, exactement, à l'instant, pile poil, c'est la gueule ouverte. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'énerve, Léa, dis-moi? Moi, c'est quand les gens, mes parents, ils font ça, c'est quand les gens, ils boivent, et ils font le bruit avec la gorge. J'ai presque envie de les étriper. Ça s'appelle un rot. Non, quand ils sont en train de boire, quand ils avalent l'eau et tout, c'est... Alors là, j'ai envie de les tuer, c'est horrible. C'est vrai que ça peut être énervant, effectivement, je veux bien l'admettre. Attends, il y a aussi David... Après, autre chose, hein, mais bon. Il y a quoi, vas-y, c'est quoi d'autre? Après, j'ai un autre truc, c'est quand ils toussent pas, ils toussent comme une grosse vieille, là, alors qu'ils pourraient tousser bien fort. Des fois, ma petite sœur a fait ça, j'ai envie de les triper aussi. Ouais, elle tousse comme une grosse vieille, là, elle a pas toussé... Ouais, il y a ça aussi dans les chiottes. Alors, il y en a qui sont un peu discrets, mais bon, c'est dans les toilettes. Et puis, t'as qui fait... Alors là, je déteste. Ah, tu Audrey, c'est ça, je la déteste, c'est un truc de malade. Eh bon, moi, elle se sera reconnue maintenant, c'est bien. Bon, attends, il y a David aussi qui est avec nous, là, du Loiret. Salut, David. Salut. Comment ça va? Ça va, tranquille, et toi? Bah, tranquille aussi, bienvenue à toi, David. Bon, merci, alors, qu'est-ce qui t'énerve? De quoi? Pas de soucis. Ah bah, très bien, bah, tant mieux. Qu'est-ce qui t'énerve, David? Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les... Quand il y a une personne qui siffle pour te réveiller. Oh putain. Mais il faut être con aussi pour siffler pour réveiller, non? Bah quand quand tu dors et quand après quand la personne a besoin de voir, elle est obligée de te siffler à l'oreille pour te réveiller, mais c'est agaçant quoi, non? C'est horrible. Mais ça m'est jamais arrivé, je peux pas te dire, mais oui, enfin en même temps, Mais moi, pour te dire que moi quand on me le fait, mais je pète un câble. C'est pas pour te réveiller, c'est pour que t'arrêtes de ronfler. En général, c'est arrêter de ronfler, ouais. Mais en plus, au moment où tu fais un rêve bien, et là t'as quelqu'un qui t'est. Ah bah oui, mais ça après, elle peut pas le savoir aussi, la personne, hein. Ouais, voilà. Bah ouais, moi ça m'est jamais arrivé qu'on siffle. Bon, en même temps, c'est pas la peine, hein, c'est-à-dire que je me réveille avec rien. Même avec le radio réveil. Quand le radio réveil commence à sonner, avant même qu'il se mette en route, ça, en général, ça fait. Et puis après, t'as la radio qui démarre. Bah, juste avec le. Hop, je suis réveillé, je le coupe, c'est bon. C'est la vibration. Et la vibration aussi, ouais, c'est vrai. Tu disais, dis-moi, David. Même avec le réveil, même moi, ça me saoule, genre quand le téléphone il sonne ou quelqu'un quand il t'appelle, c'est affreux. Ah oui, bah après, coupe son téléphone. Oui, c'est en fait, pas ce qui t'énerve, c'est quand t'es réveillé, quoi. C'est ça, c'est ça qui t'énerve. Ça c'est quand on te réveille. Dors alors. Ouais, qu'on me réveille, mais même quand je suis à peine réveillé, ouais, qu'on m'aide pas à m'agacer. Oui, mais voilà, après, c'est parce que t'es peut-être de mauvaise humeur le matin, mais évidemment. Ouais. Mais merci Léa, merci David. Chou les gars. Salut. C'est une dédicace ou pas? Allez, bah vas-y, David, à une seule personne, on t'écoute. Je fais une petite dédicace à mon petit pote au Belgique. Très bien. Qui lui-même qui m'écoute. D'accord, bah le message est passé, y'a pas de problème. Tu veux gratter un petit pacton ou pas? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse maintenant, y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Et un petit message de bienvenue, je te l'offre. Va t'en faire enculer, je te dis. Voilà, tout simplement. Merci, mec. Alors, avec plaisir. Salut à toi, David, à bientôt. Ciao. On va faire les appels avec Tof dans quelques minutes encore, évidemment. On va lire plein de messages qui sont arrivés. Il y a le bœuf ferré qui dit c'est le sac à main d'une bonne femme qui est aussi sale que... Qui est 18 fois plus sale. 18 fois plus sale que des chiottes. Non, c'est pas ça. Laetitia qui dit la dernière fois que j'ai regardé sur Google, Jean-Pierre Sauzère, il y avait marqué horreurmusical.com ou un truc comme ça. Non, c'est Billy Music à mon avis, je pense. Léa qui dit 10 centimes la chanson de Jean-Pierre Sauzère. Ariel qui dit Polo, fais attention si tu bailles sans mettre la main devant la bouche à chaque fois que tu fais ça, un fantôme met sa bite dedans. Oh, c'est dégueulasse. Et alors Pauline qui dit une poignée de porte c'est plus sale qu'une chiotte. Non, en tout cas pas 18 fois. Johan qui dit les tapes du McDo. Ouais, ça peut être bien crade aussi ça. Johan aussi qui dit plus sale que les chiottes c'est l'interrupteur. Pourquoi pas. Nathaniel, un écran tactile, pas mal mais c'est pas ça. Une brosse à dents pour Alexandrine, c'est pas ça non plus. Cindy qui proposait du papier toilette après usage. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu, effectivement, mais c'est pas ça qu'on cherche. Joss971 qui dit une brosse à dents, non. Brian qui dit un banc d'école. Qu'est-ce qu'il y a? Morgan aussi, le sac à main d'une fille, non, c'est pas ça non plus. Et Romain qui dit ce qui m'énerve, c'est quand ta meuf te fout ses pieds froids sur toi. Quand tu commences à t'endormir, ça te réveille direct. Ah oui, mais j'avais froid. Bah oui, mais du coup, maintenant, comment ça se passe? Bon, et Julie aussi sur l'application iPhone qui dit moi, ce qui me casse les couilles, ce sont les gens qui pètent plus haut que leur cul. Perso, j'ai pas de bide et les filles sont satisfaites de moi. Eh ben, tant mieux, Julie. J'ai envie de dire. Bon, on s'écoute le son de Tony Junior maintenant sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub. Profitez bien. Si vous débarquez pour la première fois sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Tous les soirs du lundi au jeudi, c'est Mickaël No Limite. On est en direct donc de 23h à 2h pendant que Polo se mouche encore là. Il va mourir, il se vide de lui par le nez. Mais oui, c'est dingue. Et tous les dimanches, on est là également 20h minuit. Faites passer le message. On écoute Tony Junior maintenant. Twerk Anthem sur Fun Radio. Tony Junior sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous arrivez 1h11. Il y a Soivida. Ah non, c'est Christina, pardon. Qui dit c'est saoulant les gens qui finissent tes phrases sans arrêt. Ah oui, ça peut arriver souvent. Ouais. Il y a Mandy, il y a ceux qui sont énervants aussi, ceux qui ne terminent pas comme Polo, tu vois, il enchaîne et il a trop d'idées qui passent en même temps. Comme le tuyau est plus petit, bah, il s'est fait des embouteillages. Comme je parle beaucoup, je suis tenté de faire toujours attention à ce que je dis parce que ça peut rendre vexé. En parlant ça, il y a un truc qui est énervant quand tu vas aux États-Unis. Quand tu vas dans un pays anglophone et t'es avec des gens anglophone, ouais. Et tu parles anglais et ouais. T'as toujours des gens qui veulent absolument te tout traduire. Et ouais. Tu sais, ils prennent la commande à ta place, alors que tu sais parler quoi. Oui, c'est ça. Ou alors tu fais l'effort de parler anglais et puis après t'as le mec qui va te répondre en français. Ah bon, oui. Bah ok, merci. Asima qui dit perso, je pense que le nez de Tof est 18 fois plus sale que les chiottes. C'est sûr. Mandy aussi, moi ce qui m'énerve, ce sont les mecs qui viennent te brancher, que tu leur réponds que t'as un copain et qui te disent et alors je suis pas jaloux. Oh ça va, c'est la vanne ça à la limite, je pense. Hein. Bah, ils essayent pour voir, bah, oui. Qu'elle va répondre, le mien non plus. Va savoir. Et Gladiatrice qui dit ouais, venez dans notre jolie ville de Saint-Quentin. Mais pourquoi pas, c'est vrai qu'on cherche un endroit où débarquer le dimanche 9 février. On sera avec l'équipe et puis on va venir faire l'émission en direct de chez vous à la maison. Donc si vous avez une chambre à nous prêter, un salon, je sais pas moi... cuisine, salle à manger, même le garage. Hein. Si vous avez une cave également pour Toff avec une croix, oui. N'hésitez pas, une croix en forme de X, hein, pas une croix catholique. Et surtout si vous avez du barbelé autour de la croix pour qu'il puisse se faire attacher dessus et se faire sodomiser par un god barbelé offert par... passagedudésir.fr, mais je crois pas qu'ils font ça. Parce qu'il a... je suis pas sûr qu'ils fassent ce genre d'accessoires. Dis-le, Toff. Oh, mais c'est pas grave, on peut tuner, tu sais. Parce que t'as des gens comme ça qui ont des voitures, après ils les tuent, mais nous on a un god, on va le tuner. Avec une barbelée par-dessus. Je vais réfléchir à cette idée. Très bien. Tu vois, il dit pas non. Hein. Non, mais non, mais bien sûr. Il y a les cacahuètes sur le comptoir d'un bar aussi, qui sont dégueulasses. Orgaga Music qui dit. C'est quoi ? Moi, ça me stresse de voir quelqu'un manger ou manger avec quelqu'un. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans c'est bizarre hein, par contre hein, pour le coup là. Bon allez, qu'est-ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? Continuez à envoyer vos réponses. Il n'y a rien à gagner, je vous le dis directement. C'est juste qu'on. C'est pour le fun, pour voir si vous allez trouver. Soit via le Facebook ou le Twitter, tapez Mickaël officiel pour m'ajouter. Et puis bah sinon par SMS, hein, vous envoyez simplement Mickaël et votre réponse au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. Avant de récupérer notre ami Jean-Pierre, nous allons d'abord prendre David. Oh, j'ai peur avec David. David, t'es là ? Oui. Bon, très bien. Alors, David, tu nous avais appelé parce que, en gros, tu as fait une connerie avec une copine et tu veux te faire pardonner. Oui. En gros, c'est ça. Oui. On l'appelle, perdons pas de temps, c'est pas la peine de tout répéter à la limite. Hein. D'accord, par contre, faites gaffe parce qu'elle répond pas en inconnu. Ah bah alors génial, bah comme ça on l'appelle pas alors. Non parce que nous on papa n'a pas le choix, c'est le standard, il appelle, c'est un numéro inconnu. Donc en fait, donc là tu es en train d'essayer de nous dire qu'on va téléphoner, ça va être le répondeur, on va dire ah bah on peut pas la joindre, je vais dire comme d'habitude bah écoute on a réussi à demain. Demain ce sera de nouveau le répondeur parce que ce sera en inconnu et puis bah c'est fini quoi. Elle est pas sourde ? Non. D'accord, ok. C'est déjà ça. Bon, on essaye quand même pour le sport ? Oui. Bon allez, on va se marrer, hein ? On va se marrer. Mais on oui. va se marrer. Ça va être un bel appel, moi mais je oui, le sens, on veut star, là. Mais oui, on va se marrer. Voilà, tout le monde est là, le public est déjà au taquet. Allez, c'est parti David. Tu parles, hein, j'imagine. Hein oui. Oui, c'est mieux, parce que moi, je n'ai pas trop quoi lui dire, donc... Bon, allez. Par contre, j'ai besoin dans le standard. Il a volé... T'as volé le portable, David ? Oui. Ah oui, le téléphone. Mais pourquoi t'as volé la télécommande de la télé ? Parce que j'étais pas bien dans ma tête. Ah, d'accord. Ah. Attends, ça va décrocher, là. Ou alors il avait la même marque, il a perdu le sien, c'est le petit clapet, il était tombé, et du coup les piles tombaient, alors forcément il a piqué la télécommande, il l'a bien fait. Ah oui. J'aurais fait pareil. N'est pas du tout. Oh merde. Je regrette de ne pouvoir. Ah bah moi aussi, je suis désolé là. Bon bah David. Oui. On réessaye demain si tu veux. Bah oui. Bah du coup on n'a pas le choix là, c'est le répondeur donc. Ne vole plus rien. Non. D'accord. Bon, on fait comme ça ? Oui. Bon allez, salut David, à demain. À demain, salut. Allez, ciao à toi, David. Bon, alors Jean-Pierre Sauzère également, qui est toujours avec nous, là. Jean-Pierre ? Ah bon, on l'a plus, là. Jean-Pierre ? Monsieur Sauzère ? Il est plus là, hein. Oh, qu'il est con ! Le stagiaire, il t'a mis en jaune, Jean-Pierre. Oh là là. Et quand t'es en jaune, on peut pas te prendre. Ok. Qu'est-ce qu'il est con, alors celui-là. Oh, déjà, il a saboté la musique tout à l'heure. Express, sciemment, il a dit je l'emmerde. Exactement. Donc, est-ce que je peux lui mettre une claque de ta part, Jean-Pierre ? Ouais, bien sûr. Ah, tiens. Sans déconner, quoi. Et Toff, il va me lever la jambe, là. Voilà. Stagiaire. Bon, Jean-Pierre. Oui. Bon, on a pas le numéro de Vincent, là, encore, hein. Bah moi je sais pas, moi je l'ai donné à qui ? Au stagiaire. Hein. Ah bah oui, mais comment tu veux qu'on s'en sorte avec ça ? Il attend, hein. Comment tu veux qu'on s'en sorte ? Ah ça y est, il vient de le mettre, ah bah mieux vaut tard que jamais. Bon allez, on l'appelle maintenant. Mais ça va raconter quoi le film alors Jean-Pierre ? Oui. Ça va raconter quoi le film ? Bah ça va raconter je ne sais pas quoi parce que je rencontre, le film c'est rencontre. D'accord. Bah au moins comme ça on est bien là. C'est pas rencontre du troisième type. Bien sûr, non mais évidemment, évidemment. Troisième beat, c'est un film porno. Ça, ouais. Et ça va être un peu horreur ou pas ? Est-ce qu'il y aura un hibou ? Ah ils font quoi ? Ils foutent tes mecs à côté là, toi là. Non, qui ça ? C'est un hibou, on a un hibou. On a un hibou dans le studio. On a un hibou, il est là. Mais ils sont à la masse quand même, hein. Mais bah, non, on a un hibou, ce qu'on te dit. On a même un couteau. Hey, tu prends les habillons, petit lapin, puis qui se balade. Bah bien sûr, Paris, t'inquiète pas. Bien sûr. Non mais ça c'est prévu, hein. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Bon, on l'appelle. Ouais. Allez, c'est parti. Ça va raconter quoi le film alors ? Rencontre. Je rencontrais une personnalité, une star connue. Une D'accord. star connue. Dans les bois ? Parce qu'une star inconnue, c'est con, hein. Oui. Mais bon. Allô Vincent ? Ah, je connais cette voix. Ça va, bah oui. Ça va bien et toi. Ça va raconter quoi le film? Ah bah écoute, ça va être du très lourd, effectivement. Bon, moi j'avais reçu sur mon autre média Pascal Astrajoli dimanche soir et justement je lui avais présenté à Jean-Pierre Sauzère. Et du coup il m'a rappelé hier et il me dit mais j'ai une idée, il me dit vendredi je suis en tournage en banlieue parisienne pour un court-métrage. Et justement il cherchait un figurant et puis pour son court-métrage justement sur Rencontre. Et donc il m'a proposé la venue de Jean-Pierre Sauzère. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Ah, une vraie guest star quoi. Ah bah bien sûr. Ah, oui, non mais là ça devient du lourd, hein, ça devient du très très lourd. Là on monte petit à petit. Donc on va essayer de le mettre en haut de la célébrité, j'espère. Ah bah en haut de la célébrité, hein. Évidemment, moi je veux qu'au début du film il y ait ça. Hein. Ouais. Mesdames, messieurs. Ouais, il faut qu'il y ait ça au début du film, je suis désolé. Hein. S'il n'y a pas ça, ça va pas le faire, effectivement. Ah bah non, c'est même ridicule, il faut virer ça directement s'il n'y a pas ça. Hein, 21st Century Fox. Un film. Eh bah oui. Un film de Jean-Pierre Sauzère. Avec Jean-Pierre Sauzère. Exactement. Sur Jean-Pierre Sauzère. Totalement. Pour Jean-Pierre Sauzère. Libou. Chez Jean. Non mais ça peut être pas mal. Non mais moi je pense que ça va être sympa, donc j'ai hâte de découvrir le résultat en attendant. Ah bah bien sûr. Jean-Pierre, est-ce que tu te sens là? Oui, moi je suis partant. Tu attends, sais, on va essayer. On va faire un petit avant-goût du bordel. Ouais, d'accord. On va tester. On va faire un, comment on appelle ça, Tof? Une comment ça s'appelle? Un test. Non, ça porte un nom. C'est pas une arlésienne, mais c'est. Attends, là, il y a l'auditrice. Une italienne. Voilà. Italienne. Ah, bah, on va se faire une italienne. Voilà. Voilà. Bah, elle est plaisir. Où elle est où, la salope? Elle est pas, c'est pas vrai. Il y a pas de meuf. Voilà, c'est ça. Bon, alors Jean-Pierre. Oui. Toi, t'auras le rôle de l'aspirateur. Oui. Non, mais en fait, t'es con, vous êtes à la main. Mais non, c'est un aspirateur, on a un hibou, tu vas faire. C'est chacun son rôle. Non, Jean-Pierre. Mais, vas-y. Con, non, ouais. Mais laisse Mickaël distribuer les rôles. Voilà. Oui, c'est le metteur en scène. Exactement. Si je te demande de dire, mettons Bourville. Bah ouais, vas-y, fais Bourville. Bah oui, oh là là. Oh, bah elle roulera beaucoup moins bien. Ah oh, bah oui, alors. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Alors. Alors, t'es à la masse, toi. Eh ben complètement. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme rôle à Polo? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, ça va être une cloche d'église. Avec plaisir. Voilà. Je maîtrise bien. Tout est là. Est-ce que t'es là aussi, Jean-Pierre? Ouais. Ouais, il est là. C'est parfait. Très bien, impeccable. Et alors, Vincent. Alors, toi, t'es quoi, toi? Comme t'es l'attaché de presse. Moi, je suis le premier spectateur. Le spectateur. Voilà. Moi, je donne mon avis si c'est bien ou pas. Bah, attends, il est là. Parfait. Le spectateur est là, mais plutôt celui-là. Alors, très bien. Bon, alors, on y va. Ok. Ouais, je suis bon. Moi, je suis prêt. Je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Là. Jean-Pierre. Oui. On y va. Ouais. Je suis dans mon rôle. Je suis bon. Il était. Ah, je m'échauffe un peu la gorge. Très bien, parfait. Ah, je suis un acteur, moi, messieurs. Il était une fois. Merde, musique. Alors, excusez-moi, c'est moi qui fais le cinéma pour avoir le son et après, je le mets pas comme un con. Alors, on recommence. C'est parti, attention. Action! C'est le moment où je dois applaudir. Oui, bah, une seconde, on peut pas tout faire. Il était une fois. Once upon a time, Jean-Pierre Sauzère dans un nouveau film. In Wonderland. In Wonderland, le hibou. Jean-Pierre? Oui. Un jour, il passe à l'aspirateur. Ça, c'est ton tour, là. Vas-y, Jean-Pierre. Qu'est-ce que je veux que je dise? L'aspirateur. Ouais, voilà, alors je passe l'aspirateur, hein. Vous nettoyez tous, je vous aspire, comme ça vous ferez plus les cons, hein. Ça, c'est moi, ça. Vous êtes inspiré, vous êtes mort, là. Je suis une cloche, je frappe de la tête contre la paroi de la cloche. Non, mais calme, t'es au paradis. Je suis une cloche d'église. Tiens, un aspirateur ridicule, au fond. Et à ce moment-là, Toff arrive. Seigneur, écoute. Voilà. C'était ça, non? Exactement. Sa mère suce des cœurs en enfer. Seigneur, écoute. Voilà, exactement. Bon, et donc Toff qui arrive, hein. Tadam. Et c'est la fin du film. Oh, excellent. Ah oui, merde. Oh. Ah bravo, un vrai chef-d'œuvre. Oh, ah bah, alors là, un chef-d'œuvre. Moi je pense que là on est quand même au top du top là. Ah les gars, vous allez à Cannes là. Ah bah là, on va avec une canne à mon avis hein, mais peut-être pas y aller directement tout de suite là, mais eh, mais le rôle dans l'aspirateur. Le rôle... Waouh. Eh, magnifique. Ah, phénoménal. Non, je pense phénoménal. Que là on est quand même pas mal du tout hein. Donc Jean-Pierre Sauzère in Hibou 1. Moi je fais la voix off. Bon, moi, tant qu'à faire. Bah c'est vrai. Jean-Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal l'aspirateur, j'ai oublié d'aspirer Sandro là. Ah, il y a un truc. Oui, d'ailleurs, là, je suis en. Merde, qu'est-ce que ce bordel là? Il s'est passé quoi là? Donc bon bah très bien. Écoute, moi ça me paraît un bon film hein. Je pense qu'on peut faire quelque chose hein. Bah oui. Bon bah très bien. Il y a en tout cas ça a bien fait rire Orgagasmique là. Je meurs de rire là. Bon bah c'était pas une comédie mais c'est pas grave. Ouais. Voilà, Florian qui avait une idée de nom. Tiens, si vous avez une idée de nom pour le nouveau film, il y a Florian qui dit Jean-Pierre et les 40 branleurs, un film où JP est une Bruxelles pour produit par Marc Dorcel. Ah. Sinon, t'aurais pris la foufoune à... À qui, à Sandro? Non, non, tu m'as tranquille. Tu dois respirer, l'oreille des grosses lèvres. Sinon, il y a Télérama qui vient d'appeler au standard, ils veulent une interview, Jean-Pierre, c'est possible? Ah, c'est possible une interview ou pas, Jean-Pierre, pour Télérama? Une interview? Ouais, une interview. Je peux faire une interview à OneC4, ouais. Très bien, et il y a Canal+, aussi, qui voulait ça. Moi, je peux faire des interviews. Et ouais, parfait. Il voudrait venir tourner le making-of Canal+, non, c'est possible? N'oublie pas Jean-Pierre, hein, tu sais très bien que je prends des commissions sur tes interviews. Tes bah, c'est normal, ouais, c'est normal. C'est normal. Et Ariel qui dit aussi. Bah oui, c'est vrai. Et à deux jours près, vous auriez pu recevoir un Golden Globe pour le film. Ah putain, ouais, en plus. Eh bah, d'ailleurs, Jared Leto qui en a pris un aussi. Je pourrais voir si tu veux Jean-Pierre Sauzère pour qu'il y ait Jared Leto dans le film. Tu connais Jared Leto? Non. Enfin, merde, Jean-Pierre, par pitié. Il a joué avec Brad Pitt. Je connais pas, non. Tu connais pas Brad Pitt? Fist Club. Ouais. Ah, tu sais, j'arrête pas beaucoup la télé, moi. Bah, non, mais d'accord, mais enfin bon. Tu peux aller au ciné quand même. Ça, tant qu'il chante, tu vois. Bon, bah tant pis, alors il y a. La variété et tout, y a bah, je sais, il y a Orgagasmique ici, vous méritez l'Oscar là. Oui, ah, je suis d'accord. C'est vrai que à ce niveau-là, on est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est dommage, il va falloir attendre un an. Mais bon. Bah là, il va falloir attendre un petit peu, mais c'est pas grave. Bon, alors du coup, Jean-Pierre. Ouais, alors je vais faire un court-métrage, ça s'appelle Rencontre et après. Non, ça s'appelle Hibou, on vient de le dire. C'est pas Hibou? Après, je ferai un film après. Ouais. Ah bah très bien, bah Hibou 1. Ouais, ça aurait pu s'appeler Le Disque Rayé aussi. Hein. C'est vrai aussi. Donc tu fais un court-métrage? Ouais, après. C'est mieux hein, d'ailleurs. Non, parce que les longs-métrages, c'est chiant. Hein. Ouais, c'est chiant, après on se lasse vite. Un long-métrage aussi, mais je ferai un film, deux films, trois films, tu vois. Voilà. Donc t'arrêtes la. L'emploi du temps de Jean-Pierre Sauzère se complète de bah oui, jour, hein. Je vois ouais, ça, ouais. Donc du coup, t'arrêtes la chanson? Ah, je continue la chanson aussi. Hein. Bah c'est bien, il faut pas abandonner ses premiers amours. Jean-Pierre, je suis déçu parce que moi dimanche t'as chanté chez moi et tu chantes plus chez Michael. Non, mais c'est bien. Ah ouais, là, non mais là ça va pas Jean-Pierre. Moi j'aurais perdu. Je cherche un producteur. Ouais, mais de toute façon, Michael il l'a pas. Je cherche un producteur. Non, mais c'est juste la capella. Ouais, mais Vincent, écoute, tu vois que là t'es un mauvais gestionnaire parce que moi je le sens fatigué, le Jean-Pierre. Non, mais de toute façon, la gorge. Tu vois, Michael il fait ce qu'il veut. Ben voilà. Et après il va falloir du miel, du citron pour la gorge. Il va être irrité, ça va être un problème. Chanter à son radio. Ben très bien. Après un concert. Voilà. Compositeur. Ils vont d'Orlande. Voilà. Et voilà. Et ça sera le vrai. Et ben on fera ça. On fera ça. Ils vont d'Orlande. Voilà. Très bien. Bon, ben, Jean-Pierre, on va pas te déranger plus longtemps. Bah on sait que t'es quelqu'un de très occupé. On a bien déconné un peu. On a bien déconné. Ouais. Et puis, tout le monde dans les salles, hein, évidemment. Hein. Ce sera Hibou 1. Voilà. Et puis, peut-être une suite hein, qui est déjà en préparation. Hibou 2. Voilà. Est-ce que la cloche peut mourir dans le deuxième? On balance pas toutes les informations. Ah, pardon. Voilà. Merde. Et puis, il y aura Hibou 3 de toute façon. Ouais, c'est la cloche va revenir se venger. Il y aura une trilogie. Voilà. Il y aura une trilogie, peut-être même qu'on va faire la trilogie, mais avec 4 films. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que ce sera mieux, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Ouais. Et sur le DVD, on fera plusieurs fins. Ouais, exactement. On pourra choisir. Noël Patio le 7 février. Ouais, tu pourrais me ramener quand même une paire de psychiatres qui. Une paire de psychiatres? Bah, t'as un verre de poids, j'en mets 4. Avec une camisole de force, on sait pas comment. Bah, évidemment. Sans problème, on fera ça, il n'y a pas de problème lapins, Jean-Pierre. Des lapins, s'ils se battent. Oui, on va prendre des petits lapinous, t'inquiète pas. Tout le monde sera là. C'est pas des lions, mais bon. Tout le monde sera là. Il n'y a pas de problème. Bah, il y a même Cécile qui est passée nous voir ce soir, mais Camille a dit qu'elle venait déjà. Cécile, elle vient aussi là, le 7, voir Jean-Pierre Sauzère. Ah, mais j'ai déjà mes places. Voilà. Elle viendra avec son lapin, Franfreluche. Ah oui, voilà. Comme elle reste cachée, comme ça on crochera mes amis. Eh ben, on bouffera le lapin. Voilà. Ah Parfait, très bien. Pas grand chose à bouffer sur son lapin. Non, c'est vrai. Allez, bah bonne soirée. J'ai dîné avec le boss du patio ce soir. Il a très peur, Jean-Pierre, hein, pour le 7. Donc vraiment, il va falloir vraiment que tu sois opérationnel. Mais il sera opérationnel. Il sera il sera opérationnel. Bon, allez, Jean-Pierre. Enfin, aucun respect. C'est un truc incroyable pour des grandes stars comme ça. Je comprends pas. Jean-Pierre et Vincent, bonne soirée à vous deux. Bonne nuit. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao. Suite un grand moment et une grande star surtout. Hein. Bon, on va prendre Florian dans un instant. Puis on va se faire le son de Shakira et Rihanna maintenant avec Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'est Fun Radio avec le son de Shakira et Rihanna à l'instant. C'était Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Il est 1h32, il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques minutes également. On va prendre Florian, on aura aussi Valentin dans quelques instants. Et puis il y a Abed aussi qui dit Jean-Pierre l'aspirateur excellent, PS magnifique le film. Ah ouais, je sais que vous avez tous impatients. Vous êtes tous impatients de voir Hibou 1. Ouais, bientôt en DVD. Ah bah bien sûr, en Blu-ray. Non, en VHS. En VHS. En super. Il y a le prince Nadia aussi qui dit grand moment semi-cinématographique, semi-radiophonique en ce moment dans Mickaël de Limite. Il y avait quoi aussi, Florian qui dit Jean-Pierre, j'achète ta musique contre une tranche de saucisson et je suis bon prince. Un film de cul hibou hot hot. C'est le bœuf ferré qui avait envoyé le message. Et puis Yoann aussi. Une barre de métro qui est le plus sale par rapport à 18 fois plus sale que des chiottes. On cherche toujours facebook.com/mickaël officiel si vous pensez avoir la bonne réponse. Je rappelle qu'il n'y a rien à gagner, hein, c'est que pour le fun. Donc vous allez maintenant sur le facebook.com/mickaël officiel ou alors vous appelez directement le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, on fait encore un petit appel puisque je rappelle que depuis tout à l'heure nous sommes tombés sur une information très importante qui disait qu'apparemment les mecs avec un peu de bide étaient meilleurs au lit que les mecs sans bide. Oui, il paraît-il. Donc on y va, on appelle maintenant un des numéros que vous nous avez laissé. Vous en avez laissé beaucoup, hein, mais on peut pas tous les appeler évidemment, mais on les garde en stock, hein, vous inquiétez pas. Sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, les numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci qu'on peut bien entendu appeler, qui sont plutôt un peu nerveux, quoi. Hein. C'est parti, on y va ? Allons-y. Allez, c'est parti. Puis on aura le son de Fatboy Slim aussi, juste après, sur Fun Radio, avec Hit, Sleep, Rave, Repeat sur Fun. Oui. Ça ne décroche pas. Ouais. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez du bide, monsieur. Pardon ? Est-ce que vous avez du bide ? C'est une plaisanterie ? Ah non, pas du tout, monsieur, c'est une question. Oui, bah écoutez, ça ne m'intéresse pas, votre question, bonsoir. Bah oui, mais vous n'y avez pas répondu, là, monsieur. Bah, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Il faut respecter ça. D'ailleurs, on va tellement respecter qu'on va le rappeler. Allez, c'est parti, 1h34, on l'appelle. Oui, excusez-moi monsieur, mais on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Écoute, t'as décidé de me casser les couilles là ce soir ? Mais non, pas du tout monsieur, je veux juste savoir si vous avez du bide. Écoute, je t'emmerde, tu raccroches, tu me casses plus les couilles, d'accord ? Ah non monsieur, ça se fait pas en fait de dire ça. Allô ? Ça se fait pas, mais il l'a fait quand même a priori, hein, quand même. Hein. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, Fatboy Slim à suivre dans quelques minutes. Et puis, bah on avait évidemment hier, souvenez-vous, ce grand moment qu'est le chéri, je peux te faire cocu, hein. Grand moment avec notre ami Enrico que nous avions accueilli hier soir. Le principe est très très simple, donc c'était en l'occurrence Enrico avait décidé d'appeler sa meuf pour lui faire croire que il avait rencontré une autre meuf et que cette meuf lui avait proposé de coucher avec lui juste un soir. Comme ça, tranquille, pépère. Et puis forcément sa meuf était un petit peu nerveuse. Pas pourquoi. Donc c'est parti, Enrico et la meuf, on appelle maintenant. Allez hop là. Ah, oui, ouais, ça va bien. Ouais, je suis sur la route, j'arrive. Ouais, écoute, prends ton temps, parce que moi, en fait, ici, samedi, tu vois, je suis sorti. Ouais. Et voilà, j'ai bu un verre et tout, et je rencontrais une fille, tu vois, ici, je t'achète du pain pour demain pour aller travailler, et voilà, elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit, comme je l'habite pas loin, elle m'a dit de passer, que de me parler, et voilà, quoi. Et en fait, c'est une fille, bah voilà, quoi, c'est bien, on boit un verre, on a passé un bon moment, j'ai rien fait avec. Enfin, voilà quoi. Je suis tout de ma gueule. Non, du tout. Non, voilà, ma gueule. Ah, le écoute, ta gueule écoute, ressemble à celui que t'as fait. Tu me fais chier tous les soirs à me dire, ouais, sors là, sois à la maison. Maintenant que j'arrive à la maison, que je suis fini un peu plus tôt, là, tu me dis tout ça. Et c'est quoi ça? Ouais, mais écoute ici, bah, moi je te téléphone. Non, il n'y a pas de quoi, c'est quoi? Tu préfères quoi? Ma gueule. Moi je te le dis directement, écoute, je dis, ça va, et quoi? Tu veux que moi j'aille chez elle? Écoute, ici je suis chez elle. Voilà, en fait, elle me propose de coucher avec elle. Voilà. Moi je dis non. Je veux dire, je dois demander d'abord à ma copine, parce que ben voilà, j'ai une copine, donc voilà. Voilà. Tu te fous de ma gueule. Quoi, c'est une putain, c'est ça. Pourquoi une putain? Toi, arrête un petit peu toi aussi, hein. C'est quoi? Pourquoi une putain? Pourquoi une putain? Bah pourquoi une putain? C'est une fille, elle est gentille, c'est une gentille fille, elle est jolie en plus, franchement, si tu veux, je t'apprends. Ouais, quand tu vas venir aussi, moi je vais être gentille, tu vas voir. Bon, vas-y, ça, comment je ça, crois que c'est open bar. Là. Oui. Alors ça donne quoi? Mais je lui ai dit voilà quoi, je suis en train d'essayer de négocier avec elle, mais. Ah voilà. D'accord. Bon, c'est plutôt positif ou négatif? J'espère que t'as pris tes valises parce que la porte elle sera fermée quand tu rentres, hein. Je pense que c'est un peu positif. Enfin, il n'y a pas que du négatif. Cool. Ouais, y a pas que du négatif. Très cool même, tu vas l'avoir pour toi à la maison, je laisse tout, je m'en vais, moi, t'inquiète pas. Je vais me rattraper l'argent du notaire, ça va aller, vous inquiétez pas, amusez-vous bien à deux, faites ce que vous voulez, moi, je suis peinard. Qu'est-ce qu'il dit, chérie? Mais ça va, non, elle s'énerve un petit peu. Oh bah non, énervée. Faut pas, bah attends, passe-la-moi. Il faut pas t'énerver. Passe-la-moi. Allô? C'est quoi cette histoire? Mais non, mais il faut pas s'énerver surtout, hein, à partir du moment où t'es... Faut pas s'énerver, je voudrais bien te voir à ma place, quoi, t'es pour qui, t'es de qui, t'es une grosse putain. Ah non, je suis pas... Non, ah si, je suis si, de si, France. Quoi, on dit que t'es une grosse putain. En sachant que le mec, il est avec quelqu'un, toi tu l'invites chez toi, t'es quoi? Bah, je lui ai proposé de venir boire un verre à la maison, qu'est-ce qu'il y a de mal? Et alors, qu'est-ce que tu proposes des gens? Qu'est-ce que tu proposes à un mec qui a une fille dans sa vie, que ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, qu'on a acheté une maison, et toi qu'est-ce que tu vas proposer d'être ainsi? Excuse-moi, c'est que t'as pas d'estime pour toi, ma fille, hein. Bah moi je lui ai juste fait la proposition, c'est tout, hein. Ben je m'en fous que t'aies fait la proposition ou pas, c'est le respect, quoi, on est des filles, non? Quoi, il faut se mettre des trucs, des bâtons dans les roues? Non, il hein, y a je sais pas combien de mecs sur terre, je sais pas pourquoi tu dois... Ah ben moi, Enrico, il me plaît bien, quoi. Mais il m'a dit qu'il n'y aurait pas de soucis, hein. Mais c'est juste pour un soir, hein. C'est pas... Je vais pas le garder. Moi, si je te vois, tu vas voir que moi aussi, ce sera pour un soir, et t'inquiète pas qu'on ne te trouvera plus. Ah non, je suis pas lesbienne. Hein. Ah mais non, t'inquiète pas, moi c'est pas dans ce sens-là que je te le dis, hein. Ah bon, on te trouvera pas dans le mauvais sens. Non mais de toute façon, si tu veux pas, tu le dis, et puis voilà, mais bon, ça serait dommage quand même de passer à côté d'une ouverture. Eh hey Manon, sinon moi je peux la récupérer pendant la soirée, hein. Bah sinon j'ai un pote à te présenter, ça t'intéresse pas? Non merci, moi je suis fidèle. Mais sinon passe-la moi. Bah attends, je te le passe quand même. Ah bah attends. Tiens, elle est un peu chiante, hein. Ah, allô? Eh toi t'es quoi alors? Allô? Oui. C'est Michel. Oui, c'est bien. Comment tu t'appelles? Aurélie. Ah bah enchantée Aurélie. Comment ça va? Je suis pas enchantée. Je reviens du travail, je suis déjà énervée. Bah tu fais quoi comme métier? Je suis infirmière. Ah. Et t'as la blouse blanche et tout? Ouais. Et t'as quoi en dessous de la blouse blanche? Ça te regarde pas. Ah si, bah vas-y, pose la question. Je pose la question, tu peux répondre. Michel, c'est quoi son métier? Non. Elle est infirmière. Ah, tu peux lui demander qu'elle me prête sa blouse pour Enrico. Ah, tu peux prêter ta blouse à ma copine? Elle va te faire une piqûre de quelque chose, t'inquiète pas ma fille. Qu'est-ce que tu... Elle va te faire une piqûre de quelque chose, t'inquiète pas ma fille. Ah, c'est les boosters de libido. Ah voilà, bon... Non, c'est je plutôt connais. Au contraire. Dis donc... C'est plutôt pour endormir les gens. Dis donc Aurélie. Oui. Pendant qu'Enrico, il est avec mon ami là, il y a peut-être moyen qu'on se voit si tu veux. Comme ça tu passes pas la soirée toute seule. Parce que t'as l'air charmante et puis je sens que le feeling il passe bien là. Mais propose-lui de venir, Michel. Bah ou alors tu viens à la maison. On habite à, on habite pas loin de chez toi. Non, j'ai pas besoin, merci. Non mais vas-y, fais pas ta relou. On propose plein de trucs. T'es genre non. Ah bah non. Bah ouais. Ah bah non. On va la déstresser. Ah bah non. J'ai pas besoin d'être déstressée, ma vieille. Si, t'as besoin d'être déstressée. Là, je sens dans ta voix que t'es un peu stressée. Si. Attends, écoute, je vais en parler avec Manon. Je te repasse ton mec, Enrico. Eh, reviens, je te repasse ta copine. Tiens. Allô? Ouais, c'est quoi? Va te faire foutre avec tes deux copains, là, je sais pas quoi. Mais quel copain? Je t'ai dit, écoute, Non, y'a pas d'écoute. La porte, elle sera fermée, tu dormiras dans ta voiture, tu dormiras où tu veux, moi, tu m'oublies. Bah non, je dormirai chez Manon, je dormirai chez Manon, c'est pas ça le problème. Mais dors chez Manon, y'a pas de souci. Hey dors chez Manon, y'a pas de souci. Allez, ciao. Hé, hey, Manon, Aurélie. Aurélie. Et quoi, allô, il est sourd, mais qui gueule comme un fou. Aurélie, est-ce que je vais aller faire 2-3 courses, tu veux boire quoi? Rien du tout, je suis sobre, je travaille demain. Non mais on s'en fout, tu veux pas boire un petit coca ou du Fanta ou je sais pas, quelque chose? Prends des chips. Non. Bah je prendrai des chips, tu veux pas des chips? Non, moi, j'ai un régime équilibré par rapport à certaines pauvres. Ouais mais bon, c'est pas très grave, c'est pas pour une fois. Ah la salope. Ah non. La salope c'est toi ma fille. Oh c'est dis donc. C'est pas moi qui vais chercher les mecs des autres. Hé hey, Aurélie. Aurélie. Et quoi, vous êtes sourd que vous gueulez? Mais non mais j'avais le téléphone loin de moi là. Ouais ouais. Bon du coup des chips alors oui ou merde? Merde. Ah bah t'as vu comment t'es sympathique alors que moi je te propose, ah bah voilà, t'es doux. Je te dis, tu vois le feeling qui passe pas, tu vois. Mais non mais si le feeling il passe, c'est toi qui te mets des barrières. Non, y a pas de barrière, moi je suis. Si tu mets des barrières. Moi j'ai pas besoin, j'ai pas si besoin. Si tu mets des barrières. Si non, tu mets non. Des barrières. Tu vas arrêter un petit peu, on dirait que t'as mis un disque. C'est drôle ça, tu mets des barrières, tu mets des barrières. Bon, ben, écoute. Non, excuse-moi. Bon, moi, je sais ce que je veux dans ma vie, j'ai des principes, je vais pas me. Ok, elle est relou. C'est... Bon, Manon, je te la repasse, elle est casse-couille. Relou, c'est toi, ça elle va, est relou, elle est relou, je te la repasse, c'est une relou. Oh, ah. Qu'elle est con. Allô. Propose un truc, elle veut pas. Oh, bon, qu'elle est con. Tu veux pas de chips, tu veux quoi des haricots verts? On peut te prendre des haricots verts si tu veux. Oh, qu'elle est bête. J'ai tout fait avec ma fille. Mais non, il faut bien mâcher, tu t'étoufferas pas. Un repas, ça doit durer 20 minutes. Oh, qu'elle est bête. Et alors, ouais, t'as pas de problème de poids, toi? Oh, qu'elle est bête! Non. Comment tu fais? Oh, qu'elle est bête! Michel, j'entends rien, ta gueule! Oh, qu'elle est bête! Oui, Aurélie. C'est lui qui ferme sa gueule, qui me commence à me casser les couilles. Non, il faudrait te détendre un petit peu, quand même. Oh, qu'elle est bête! Pourquoi tu viens pas venir? C'est vrai que c'est temps. Je reviens de mon boulot. Attends, mais c'est je te propose. Mais viens directement. Viens directement à la maison. Je te présente non, Michel, tu vas voir, c'est un beau gosse. Oh je rentre chez moi, il n'y a pas de souci. Je te ramène des chips si tu veux pas. Oh bon, tu veux des chips ou pas, Aurélie? Non. Non, mais prends des vegetables. Oh, ouais, bah d'accord, ok. Ouais. Bon, moi, je lui propose de lui ramener... Et des knacky-balls pour moi. Ta gueule. Je lui propose de lui ramener des chips, elle veut pas. Des knacky-balls. Tais-toi, regarde ton cul, toi. Des onion rings. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, à mon avis, t'es pas très bien formé, hein, s'il dit regarde ton cul. Oui, il est assez balèze, je le confirme. Ah. Mais apparemment, Enrico aime bien, il m'a dit qu'il aimait bien, justement. Enrico ouais, je ne sais pas, parce que je n'ai pas un si gros cul que ça. Hein. Enrico. Bah oui, mais tu sais, ça va, hein, ça plaît. Enrico. Bah non, j'avoue, mon cœur, ton cul, il est inimitable. Ah, c'est mignon, merci. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Bon, dis donc, Enrico. Oui. Elle ressemble à quoi, ta meuf? Elle est jolie, elle est blonde, aux yeux bleus. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ouais, c'est une pute, quoi. Oh, je t'emmerde. La pute, elle t'emmerde, ça va? Oh, ça va, allô, si on peut plus rire 5 minutes. Je sens que le feeling passe bien, Aurélie. Ouais, Aurélie, t'es pas drôle, hein. Aurélie! Surtout pas les blagues sur les blondes, je suis très susceptible. Oh là là, bah tu ferais mieux de juste sucer à la place des susceptibles. Hein. Ouais, ce sera beaucoup plus pratique, au moins tu parlerais moins. Ah là là, ça c'est vrai, ça t'as vu, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, on est d'accord avec Enrico là, on est d'accord. Bon, Aurélie! Aurélie! Oui? T'as une petite blonde infirmière là? Attends, je te passe un ami. Aurélie? Oui? Combien mesures-tu? 1m64. Combien pèses-tu? Ça vous regarde pas. Mais si, c'est pour ça que je t'appelle. 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 75D. 75D? D comme Denise? Non, B comme Baba. Ah ouais, B, ouais. Mais... Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah ouais, non, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal, hein. On est bien. Je suis bien proportionné, oui. Non, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis bien fière de moi de comment je suis. Ouais, pour une petite infirmière, c'est bien. Je travaille pour garder ça. Bah hein? Ouais. Tof, tu vas quand à Mons? Ah bah, moi, j'y vais direct. Ah bah, très bien, bon, on arrive. Moi, j'ai besoin d'être soigné, là. Bah, c'est ça, on arrive. On est un peu malade. Regarde ma voix, là. Et moi, je fais quoi avec Manon, moi? Écoute, attends, moi, je fais quoi avec Manon, là? Oh bah toi tu te démerdes, hein. T'auras perdu au change, hein, je te le dis. L'enculé. Ouais, bon. Il y aura gagné au poids. Oui, oui. Aurélie? Oui? Bon, tu vas te calmer un petit peu à la place au lieu d'insulter tout le monde, là? Bah écoute, quand je reviens du travail et qu'on t'annonce des trucs ainsi, excuse-moi, mais t'as pas vraiment envie d'être calme, hein. Oh là là, quel cinéma! Bon. Quand t'es amoureuse de quelqu'un, que tu sais d'être gentille, t'as vraiment pas envie. Oh, choupine. Bilou, bilou, bilou, bilou, alors, elle est amoureuse. Oh, Seigneur, elle est amoureuse. Mais elle est amoureuse. Eh, ce soir, tu vas pouvoir mettre une petite cartouche, Enrico, là, je pense, là. Bon. Non, j'espère. Bon, Enrico, dis-lui, la pauvre. Je vais dire. Bah oui. Non, je dirai à Manon, non? Ça dépend ce que tu veux dire, parce que je pense qu'on pense pas la même chose. Ah oui. Bon, alors d'accord, tu veux que je lui dise? Ah oui, Manon. Bon, Aurélie, Aurélie, en fait, on a déjà couché ensemble. Non, mais c'est bien, j'espère que vous aurez bientôt un enfant. J'espère que c'est facile. C'est pour ça que j'ai pris un peu de poids, je suis enceinte. Ah, tu es vraiment très rapide, hein, ma fille. Ouais, je me trouve des excuses surtout. C'est ça. Ouais. Non, Aurélie, c'est t'es en direct à la radio, t'es sur Fun Radio là, t'es chérie, je peux te faire cocu. Oh là là. Bon, mais par contre, c'était pas une blague, hein. Toff, il veut bien venir à Mons pour pour faire soigner, hein. Ouais, parce qu'il a une maladie là, incurable. Il est complètement con et il aimerait bien être soigné. Non, mais sinon, je peux venir te désenvoûter. Ah oui? Ouais, c'est ça. Hein, je viens te désenvoûter avec mon sexe anti-fantôme. Ah bah oui, ça t'intéresse ou pas? Non? Non, merci. Hein, je te désenvoûte. Ça change pas, même si je passe à la radio. Ah, mais attention, y a rien de sexuel là-dedans. Hein. C'est un désenvoûtement. Je vais juste bon, t'insérer mon sexe anti-fantôme. Et puis, c'est médical, c'est de la médecine spirituelle. Exactement, voilà. C'est médical, oui. La bon, médecine médicale, oui. Je vais te purifier. Bon, Enrico, on va comme te filer la Wii U. Tu vas pouvoir la voir. Tu vas gérer ça au standard avec le jeu Mario. Et puis, bah, on prend toutes tes coordonnées maintenant. Je fais des gros bisous à tous les deux. Merci. Bisous. Et si vous voulez, faire aussi un chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas. Et ben vous pouvez vous inscrire 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va dans quelques instants, bon, on rejouera dès lundi évidemment. On va dans quelques instants prendre Valentin comme premier. Et puis le son de Fatboy Slim maintenant sur Fun Radio. Hit, sleep, rave, repeat sur Fun. There's this DJ who's like... Le nouveau Fatboy Slim à l'instant, Hit, Sleep, Rave, Repeat. Il est 1h50, on est toujours en direct sur Fun Radio évidemment. Orgagasmic qui dit tu ferais mieux de juste sucer au lieu d'être susceptible. Cette phrase je la ressortirai. Écoute avec plaisir Orgagasmic, c'est cadeau. John ici, oh le kiff de la soirée. Lilin qui dit mort de rire, harcèlement. Il y a Jean-Philippe sur l'application iPhone qui est disponible depuis quelques semaines maintenant sur Michael No Limit sur iTunes. Tapez ça pour la télécharger gratuitement. Venez chez moi en Alsace, je vous prête ma cave. J'ai une croix pour Toff et je vous prends une gogo danseuse pour l'équipe. Ah, ça c'est cool parce qu'on doit avoir une gogo danseuse, une auditrice qui passait ce soir. On a été loué une barre de pool dance, ouais. Et ben elle est pas venue. Quelle grande gueule alors. Voilà, alors, c'est assez déçu. Hein. Déborah, tu nous as déçu quand même. La honte. Mais oui. Grave. Oh là là, qu'est-ce que tu veux. Il y a Johan qui dit j'ai trouvé un nom de film pour le Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre et le Hibou Fister. Ouais, c'est pas mal. Jean-Pierre et le Hibou Fister. Ah, ça se laisse. Faut réfléchir. Bon, et est-ce que vous savez ce qui est 18 fois plus sale que des chiottes? Vous avez été nombreux à tenter de répondre sur le Facebook. Il y a eu quelques bonnes réponses, effectivement. Bon, comme il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de problème. Et donc, la réponse 18 fois plus sale que des chiottes, eh bien, il y a quand même eu 1600 personnes à cette heure-ci qui ont été balancées leurs réponses. Eh bien, votre téléphone portable. Ah oui, quand même. Ouais, votre smartphone est 18 fois plus dégueulasse que des chiottes. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Puisque, en fait, comme vous le mettez sur dans la poche de votre téléphone, quand en plus il chauffe, etc., du coup, il y a plein de bactéries qui peuvent se mettre dedans. Et bah, ça favorise le développement des bactéries, justement. Donc, et ben bah, voilà. 18 fois plus sale que des chiottes. Je vais regarder mon téléphone différemment. Ou alors le tien, il doit être dégueulasse de chez dégueulasse. Ouais, genre, t'as jamais essayé de l'insérer pour le faire vibrer? Ah non, pas ce téléphone-là. Mais avant, ouais, quand c'était des plus petits, genre les Nokia, ouais, je l'ai déjà fait, ouais. À ne pas faire à la maison, évidemment. Mais hein, les 3310, ouais, ça rentrait crème. Hein. Est-ce qu'il est con, celui-là? Je t'ai mis dans le cul? Non, pas dans le cul. Non, dans le cul, par contre, c'est quand même un peu large. Mais pour une chatte, ça passe tout seul. Non, merci, mais ne pas faire ça à la maison. Merci, Toff. Bah, faut encore avoir un 3310. Hein. Voilà. Je vais t'odomiser ce que t'éclates. Voilà. Bon, Valentin est avec nous maintenant de Levallois, dans la région parisienne. Salut, Valentin. Salut. Comment vas-tu? Salut. Bah, ça va très bien, toi? Bah, écoute, plutôt sympa, tranquille aussi, pépère, là. Bon, dis-moi, Valentin, que se passe-t-il? Bah, alors, en fait, c'est l'anniversaire de mon ex ce week-end. Ouais. Et j'ose pas vraiment y aller en fait parce qu'elle veut vraiment que j'y aille et j'ai pas du tout envie en fait. L'anniversaire de ton ex, ouais. Mais elle a quelqu'un en ce moment? Ouais. Non mais elle pêche un mec depuis 2-3 soirs en fait. Ah ouais d'accord, parce que sinon j'allais dire elle cherche une bougie pour sa soirée quoi. Non, non, mais elle y va avec tous ses potes de sa fac et moi, je n'y connais pas forcément, j'ai pas envie d'y aller. Bah sinon, tu trouves-toi une bombe de meuf pour y aller, toi, juste pour lui casser les couilles. Oh non, la pauvre, c'est son anniversaire. Bah, justement, elle insiste pour qu'il y aille, trouve-toi une bombe de meuf pour y aller. Oh, bah, si tu veux, si tu veux, vas-y avec Toff. Bah, mais ouais, je suis pas une bombe de meuf, moi. Mais tu vas te déguiser en drag queen, tout ça, non? Ah, bah ouais. Tu as une tête de salope. Ah, voilà la bombe de meuf. Ah, bah oui, une belle bombe de meuf, tu vas voir. Oh là là. Bah, là, ça va être parfait. Non, mais sinon, j'ai avec Sandro. Bah, ouais. Oui, c'est vrai, ça marche aussi, oui. Mais on a dit bombe de meuf. Oui, bah, ça marche parfaitement. On a dit bombe de meuf. Ça marche très bien. Bombe! Ça marche très bien. Bimbo! Je mettrai des talons. Non, bombe de meuf. Mais non, ils vont casser. Non, enculé. Bombe de meuf avec Sandro, ça marche bien, sauf qu'elle a déjà explosé de l'intérieur. Quoi. Ça se fait pas, toi. Ah ouais, ça se fait pas. C'est d'ailleurs, vraiment un connard. Un coup de cloche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est, enfin, on est encore hyper proches. On a déjà couché ensemble 4-5 fois depuis qu'on a rompu. Ah oui, en fait, donc vous êtes encore ensemble, quoi. Non, vous êtes fuck friend. Bon, on va dire ça, ouais. D'accord, ouais, ok. C'est ça. Elle veut juste que tu viennes pour que tu la fourres à la fin, quoi. Non, au cas où elle a serré personne d'autre. Peut-être. Ouais, mais non, mais je prends pas de risque. On dirait une gonzesse. Ouais, mais non. Alors, oui ou non? Non. Bon, bah, tu vois quand tu veux. Non, mais sérieusement, il y a un moment, n'y va pas, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Si t'as pas envie d'y aller, y a personne qui te force. Ouais, puis... mais après, je sais qu'elle va se vexer. C'est pas grave. T'as qu'à lui inventer. Tu sais, tu fais comme Toff. Tu dis, j'arrive. Voilà, tu dis, ok, c'est bon, je viens. Tu n'y vas jamais. Quand elle va t'appeler, tu dis, ouais, mais je suis dans un embouteillage. J'arrive, je suis à côté. Voilà, ah, bon, ça se trouve, elle sera occupée par tous les convives et elle va même pas y penser. Les convives. Les invités, pardon. Et puis, si elle est vraiment vexée, tu te branleras sur ses photos et puis c'est tout. Non, tu fais comme Toff, tu mens, et puis à la fin, tu dis, ah, bah, mais j'étais là. Voilà, j'étais là. Tu ne m'as pas vu. Tu prends une photo qui aura dispo sur Facebook. Voilà. Tu essayes de faire pareil avec un fond blanc. Voilà. Tu t'insères dans le truc. Tu dis mais putain, j'étais là. Tellement bourrasque, tu m'as pas vu. Voilà. Hop, à faire plier. Ouais, bah ouais, pas qu'on reproche. Ah oui, écoute, tu sais bien. Si tu demandes, si t'as besoin de qu'on file des coups de main, nous aucun souci. Hein. Bah, ouais, et si t'as besoin d'excuses pour pas y aller, tu me rappelles et je te dis un truc. Hein. Et sinon, toi, filera lui à ta place. Hein. Bien sûr, moi je la sers. Bah écoute, non. Non, t'emballe pas, ne fais pas ça parce que tu ne connais pas la meuf. L'autre, tu vas arriver, il va rien se passer. Elle est comment ton ex, est plutôt bien ou pas? Bah ouais, quand même pas mal. Bon, ouais. Tu vois, t'as aucune chance, Toff. Non, mais c'est parce qu'il se lance comme ça, il se lance. Moi, c'était pour rendre service. Il se lance des défis. Après, en bon minable qu'il est, il se lance des défis comme ça. Il se dit, je vais réussir, mais il réussit jamais. C'est ça. Non, ouais, mais tu peux toujours essayer, mais je pense que tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Bah, elle aime pas les moches. Ça, c'est la vengeance de tout à l'heure, tu vois. T'as été méchant avec moi, voilà. Voilà, la méchanceté revient dans ta gueule. Le retour, c'est le boomerang, ça s'appelle. Exactement, oui. Hop là, regarde le boomerang, il était là, tiens. Bon, du coup, il faut juste pas y aller. Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas, à point barre. Ouais, c'est ce que je vais faire, mais bon, on verra les répercussions. Bah, rappelle-nous pour les répercussions. Ok, d'accord, merci. C'était quand la soirée, à la base? C'est samedi soir, bah après, c'est partiel, ouais. Ah, samedi soir. Bon, on te rappelle dimanche pour voir comment ça s'est passé, ou pas? Ok, bah ouais, parfait. Bon, bah on fait comme ça alors, parfait, impeccable. Okay. Eh bah écoute, avec plaisir, Valentin, tu refais quand tu veux. Hein. Bah merci, est-ce que je peux avoir un petit pack ou... Oui, bien sûr, on va t'envoyer ça, je vais te renvoyer chez Sandro, elle va t'envoyer ça rapidos, d'accord? Ok, d'accord, merci beaucoup. Salut, à bientôt. Salut, allez, ciao à toi, Valentin. On fait encore un petit appel avec Toff? Allons-y. Allez, c'est parti, derniers appels de la journée, puisque bah, nous sommes tombés sur une information relativement importante. Cette grande information disait que les mecs avec un petit peu de bide étaient des meilleurs coups que les mecs sans bide. Et j'aime à croire cette information. Mais n'est-il pas? Donc je suis même heureux de l'avoir appris aujourd'hui. Je n'en doute pas. Donc on y va, on appelle? Allons-y. Allez, c'est parti. On se renseigne depuis tout à l'heure, bien sûr, pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que les gens ont des bides ou pas? Enfin bref, on appelle un petit peu partout. Du coup, grâce à vous, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff. T.O.P. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari avait du bide. Comment vous dites? Non, est-ce que votre mari a du bide? Pourquoi? Ben, parce que, en fait, je voulais savoir si c'était un bon coup au lit. Ben alors, ça vous intéresse? Ben oui, c'est pour ça que je vous appelle. Ben, ça vous intéresse en quoi? Ben, c'est juste pour savoir, madame. Ben, je vous répondrai pas. Ben, pourquoi vous voulez pas me répondre, madame? C'est pas gentil. Ben dites-moi pourquoi, vous devez savoir ça. Ben parce qu'en fait, il y a une étude qui dit que les hommes qui ont du bide sont les... Bon, écoutez, des conversations pareilles, ça m'intéresse pas beaucoup, hein. Ben oui, mais enfin, c'est vous qui m'avez demandé pourquoi je vous appelais. Ben, pourquoi vous m'avez appelé? Ben, pour savoir comment ça se passait chez vous. Mais alors, ça ne vous regarde pas. Ben non, j'ai pas dit que ça me regardait, c'est ben juste... Alors, pour... Ben alors, c'est juste pour savoir, madame. Mais Mais vous n'avez pas besoin de savoir? Ben si, parce qu'en fait, c'est pour pouvoir après faire une statistique. Ben, des statistiques de quoi? Ben, savoir si les hommes qui ont du bide sont vraiment des bons coups. Et vous imaginez comment je vais répondre à des bêtises pareilles? Ben, c'est pas une bêtise, madame, c'est une question. Bon, enfin, des questions bêtes. Vous savez, des gens idiots de maintenant, il y en a beaucoup, hein? Ben oui, mais enfin, madame, moi, je suis pas un idiot. Je veux juste savoir si votre mari a du bide et si c'est un bon coup. Mais si vous posez des questions pareilles, c'est que vous êtes idiot. Ah non, madame, vous devez quand même bien savoir que je ne vous répondrai pas. Ah bah si, moi j'espère que vous allez me répondre. Ben bien sûr que non. Pourquoi je vous répondrai? Bah parce que je vous ai appelé. Et vous m'appelez, allô? Bah c'est de la politesse, madame. Et vous m'appelez, vous me dérangez, et je dois vous répondre à vos questions. Bah oui, c'est le principe, madame, c'est pour ça qu'on décroche le téléphone. Enfin, vous prenez pour quoi, vous, là? Bah moi je m'appelle Toff, madame. Vous appelez comment? Toff. Et c'est quoi ça? Bah c'est mon nom. Bah que voulez-vous que j'y fasse? Ah moi rien, je voulais juste que vous répondiez à ma question. Mais je n'ai pas répondu, je suis une ancienne téléphoniste, alors des questions, j'en ai beaucoup dans ma vie. Ah ben voilà, donc vous pouvez répondre à la mienne. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Ben pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Mais pourquoi vous voulez que je réponde? Ben parce que je voulais poser. Mais si vous me posez des questions pareilles, c'est qu'une raison. Ah ben oui, c'est pour savoir si... Mais si... bon, oui, le restant, il n'y a pas autre chose à savoir? Ah non, c'est tout. Ben alors... Bah alors répondre à la question, on raccroche et vous passez une bonne soirée, moi aussi. Vous pouvez raccrocher, moi je ne dis rien du tout. Ah non. Attendez, madame, vous avez bien un mari, vous savez si c'est un bon coup ou pas, surtout depuis le temps que vous le pratiquez. Ben, comment savez-vous que j'ai un mari d'abord? Comment voulez-vous savoir? Bah moi je sais pas, moi je vous pose la question. Ben je ne vous répondrai pas, ça ne vous regarde pas. Bah oui, la vie privée des gens, vous connaissez? Bah oui, je connais la vie privée, mais moi je vous demande pas votre vie privée, je vous demande pas si vous prend en levrette mais ou... Mais vous me dérangez, c'est mon téléphone privé, vous n'avez pas à me déranger. Bah oui, parce que vous avez pas de téléphone public en même temps. Bah encore une chance. Ah bon, bah vous voyez. Bah enfin, dites écoutez. Bah oui, je ne fais que ça. Vous avez raison, si vous m'appelez comme ça, expliquez-moi clairement la situation, je comprendrai mieux. Eh ben je vous explique. Donc en fait, il paraît que les hommes qui ont du bide sont des meilleurs coups au lit. Ah oui, mais ils vont raccrocher aussi. Ah bah oui, mais bon, à la bonne heure quand même. Hein, fou. On la rappelle? Ah bah oui. Allez, j'espère que ça n'a pas duré deux heures. Hein. C'est un risque, hein, on verra. Allez, c'est parti, on la rappelle, la petite dame là. Oh, elle est cool. Bah oui. Oui, excusez-moi madame, mais vous me demandez pourquoi je vous appelle et vous raccrochez. Comment oui, vous voulez qu'on s'en sorte? Je me demande quand même, c'est quand même bizarre votre téléphone, hein? Bah, votre coup de fil. Mais pourquoi moi et pas d'autres? Bah si, parce que je peux pas appeler plusieurs personnes en même temps, madame. Parce que sinon après on se comprendrait plus, on saurait pas qui j'appelle. Enfin c'est logique. Vous comprenez bien que j'appelle une personne par et une vous personne. Vous avez mon numéro comment? Bah par l'annuaire, madame, comme tout le monde. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ah bah oui. Ouais, ouais. Ah, c'est logique. Allez, écoutez, de toute façon, parlons sérieusement, moi je réponds pas des questions pareilles. Hein. D'accord. Ça mais, va mais donc votre mari, c'est un bon coup ou pas? Mais je ne vous répondrai pas. Non, je sais bien. Mais écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire autrement. En fait, pour me dire que votre mari est un bon coup, vous me dites le ciel est bleu. Et si c'est un mauvais coup, vous me dites il va pleuvoir. Qu'est-ce que ça changera? Ben, j'aurai une réponse et comme ça, on saura pas mais que vous avez n'avez répondu. Pas besoin de réponse, je ne vous donnerai pas de réponse, ça ne vous regarde pas. Ben, si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Mais ça, tant pis. Ah bon c'est votre choix, mais moi j'ai choisi de ne pas répondre, je ne réponds pas, c'est tout, hein. Bah oui, c'est mais bon, c'est pas très gentil tout ça, madame. Bah et alors, il y a d'autres personnes à qui poser ces questions-là, hein, qui seront peut-être heureuses de vous répondre, hein. Ah oui, parce que vous, ça vous rend pas heureuse. Bon, vous savez... Ah oui, donc c'est que votre mari est vraiment un mauvais coup, je alors. Je pourrais vous dire que je m'en moquais perdument de ces questions-là, ça ne fait pas partie de ma vie, c'est tout. Oui, donc votre mari est un mauvais coup, c'est ça que vous essayez de me dire. Je ne vous dis rien du tout, vous ne le connaissez pas. Non, mais j'ai bien compris ce que vous essayez de me dire. D'accord. Bah écoutez, donc je note que votre mari est un mauvais coup. Je vous remercie, madame. Allez, bonne soirée, au revoir. Ah, il était gentil, hein. Ah oui, il était gentil, oui. Ah, il était gentil, mais on sentait qu'il avait pas grand-chose à faire dans la live, hein. Ah oui, non, elle était contente que tu l'appelles. Bah, tu la rappelles demain, j'imagine. Avec plaisir. Ah bah, très bien, parfait. Bon, bah, 2h02 sur Fun Radio, on a... Oh, bah, Florian. Ouais. Hey, ça va, Flo? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau encore à ce soir-ci, mec? Bah, je vous écoute. Bah oui, ça, bien sûr, mais ça, j'ai... Ouais, mais... Ouh. Je suis dans mon lit, là, je suis... Et tes parents, ils sont au courant? Non. Ah, tu traces pas encore, toi? Ah non. Dis-moi, le poil n'est pas encore là? Si. Ah bon? Ouais, mais où ça? Bah... J'en ai un sur la couille gauche. Peut-être. Bon, Flo, t'avais une question à poser à Toff, apparemment. Bah, pas qu'une. En fait, je lui fais un petit questionnaire pour voir son niveau intellectuel. Ah, bah d'accord. Il est bien bas. Alors, attends. Ouais. Tu veux questionner Toff? Donc, ça prend quoi? Ça prend longtemps ou pas? Bah... Ça peut prendre un peu de temps quand même. Ouais, mais genre combien de temps? Bah, plus de 10 minutes. Ah non, mec, on peut pas faire en deux fois, tu fais le début aujourd'hui et la suite demain. Bah sinon on peut faire tout demain comme. Moi je préfère faire un petit peu maintenant et la suite demain. Voilà, on fait 5 questions maintenant et 5 questions demain. Voilà. D'accord. Allez, vas-y. Bienvenue dans cette émission littéraire. Ouais, tout à fait. Déjà, faut que tu choisisses un niveau. Un niveau, le 1. Non mais ta classe, en quoi quelle tu veux? Ah, la classe, je sais pas, CP, allez, CP, c'est bien. CP, d'accord. Alors, là, c'est vraiment... Alors, historique. Trouve l'intrus, octobre, ouais. Hiver ou juin? Octobre, hiver ou juin? Juin, parce que c'est l'été. Non, hiver, parce que c'est une saison. Ouais, c'est ah, une merde saison. Non, mais je l'ai fait. Ok. Merde. Putain. Ça commence bien. Ouais, je savais que c'était l'autre. Bon, vas-y. Ensuite, sur les animaux. Ouais. Mon premier est le contraire de sûr. Ouais. Mon deuxième est une céréale que mangent les Chinois. Mon tout est un rongeur. Du jambon. Non, mais non, un rongeur castor. Non, une souris. Mmh. Ah bah oui, putain, mais oui, souris. C'est bah pas oui. Comme si on les tire dans la colle, tiens. Oh là là. Ensuite, loisirs. Oh bah ça tu trouveras jamais parce que c'est pour les CP alors. Ouais. Non, donc mais voilà. Dans l'émission télévisée Debout les Zouzous, quel animal est Mimi? Quel animal est qui? Mimi. Mini. Mimi. Winnie. Mimi. Mini. Ouais. M-I-2-L-I-E. M-I-M-I. Mimi. Ah, Mimi. D'accord, ok. Un ange? Je sais pas moi. Un animal. Du jambon. La bite. Non. Un enfant de putain. Non. Je crois juste. Je sais pas moi. Une cloche. Ouais. Ah, ça c'est moi, attends. Ah oui. Flipper le dauphin. Non, c'était une souris. Ah merde. Putain, ah, ouais. Mais on vient de donner la réponse en plus là. Sur trois questions, il y en a quand même trois fausses. Hein. Oui, là encore non, deux. Mais je vais m'attraper. Encore deux. En classe, que faut-il faire pour demander la parole? Je sais pas, danser sur son banc. Non, allez. Chanter. Essaye. Bon, lever le doigt. Ouais. Bon, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est un CP. Bon, alors la suite. Ça y est, je peux retourner en CP. Bah non. Par quelle lettre? Quoi? Non, vas-y, pardon. Vas-y. Ah. Par quelle lettre muette commence le mot hôpital? Un O avec un accent circonflexe. C'était un H. Non. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. C'est oh, putain. Bon, la suite de... Ouais, j'ai une bonne. Ouais, j'ai une bonne réponse. Flo, ça fait 1 sur 5. Ouais. 1 sur 5. Bah, il est pas très bon, hein. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Bien vu. Ah ouais, fidèle de l'émission, hein, pitoyable. Ah ouais. Hein. Je vous écoute depuis la première émission. Non. J'écoute Fun depuis plus de 4 ans. Non. Donc, et t'écoutes depuis le 22 juillet l'émission et t'en as toujours pas marre? Bah non, attends. Mais je veux dire de Toff par exemple. Toff un peu quand même. Parce ah, un peu quand même, hein, c'est ça, d'accord. Je comprends. Non mais t'as raison. Bon, et bah très bien. Bah alors on te reprend demain du coup, d'accord? D'accord. Bon, ça roule. Bah merci Flo. D'accord, je peux faire une petite dédicace? Oui, allez, vas-y. Bah, je fais une dédicace à tout le collège de la Dombe et en particulier à la classe de 4ème 5. Il va dormir. Et un petit message de bienvenue? Non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà, bah oui, c'est pas celui que je voulais mettre. Va t'en faire une culée, je te dis. Voilà. Demain, on peut prendre un niveau plus bas que CP ou pas? Non, demain, on va monter à level. Comme il a fait 1 sur 5, là, on peut se permettre de monter à level. Ah ouais, cool. Ah bah oui, attention, on va mettre la barre haute demain. C'est bon. Salut Flo! Allez, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Et avant de faire le générique de fin, on va faire un petit tour du côté du Top Twittos. Quel a été le meilleur auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël numéro 5? Et c'est le numéro 1 qui gagne, sauf si le numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là ce sera le deuxième, troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui n'est pas encore gagné. Numéro 5. Numéro 5, 3, 4, 5, Fred S. 34. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. DJ Roms. Numéro 2. Magda. Et enfin numéro 1. Félicia. Ah bah très bien. Alors qui a déjà gagné? Non, Sandra, je propose que tu mettes mon micro plus loin. Ouais. Parce qu'en fait elle va se mettre sur les genoux de Tof pour voir l'écran. Et elle lui balance son micro. Et du coup elle vire le micro. Hein, parce que de toute façon, un micro en radio ne sert à rien. C'est vrai. D'ailleurs la preuve. Hein. Ça ne sert absolument rien. Complètement. Bon, du coup alors numéro, qui c'est qui gagne alors? Alors je crois que c'est Orgasmic. Non, Orgasmic. Ouais, Orgasmic, voilà. Mais oui, parce que c'est écrit CP, hein. Non, mais c'est écrit... c'est du Orgasmic. Non, mais c'est écrit bizarre, donc voilà. Oui, Orgasmic. Voilà. Non, t'as raison, CP, hein, peut-être pas faire ses. Restons à CP, c'est bien. On va peut-être pas monter le level alors. Bon, bah bravo, Orgasmic, le sextoy offert par passagedudésir.fr. Et on va se quitter maintenant, bien entendu, avec cette magnifique chanson, ce beau générique de fin. Tout le monde veut ce générique de fin, mais il ne restera que chez nous. Et non, même JB ne l'aura pas. Hors de question. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Tu comme toi, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ton oncle, t'es un enculé. Dormir, on vient manger toute la journée. Va te faire foutre, pauvre connard. Mais ta race. Tu veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con? Va t'en faire enculer, Denis. Je vais te domiser ce que l'autre s'éclate. Va te faire foutre, pauvre connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ta race. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Comme ta gueule de l'air, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et puis ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés. C'est vrai. Eh ben voilà. Merci Lilou, bien entendu. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir, nombreux et nombreuses. Merci à Jean-Pierre Sauzère pour l'exclu total sur Hibou 1, le nouveau film qui va sortir, ça va être une tuerie. Merci. Merci à Ariel d'avoir été là, il y en a plein. Gink également, il y avait Paul, il y avait Sayaruka, il y avait Réo Hugo, il y avait Asima, Angelina, Grégoire, Sébastien, il y avait aussi Julien, que j'ai appelé Julie tout à l'heure parce que je suis un idiot, parce que j'ai mal lu en fait. Et donc du coup, bah forcément, bah désolé Julien, il y avait Lucas aussi qui avait participé par. Message directement envoyé depuis l'application Mickaël No Limit. Il y avait Jean-Philippe, il y avait Joss 971, Thomas, il y avait également Johan, Clément, Delphine, Julien, Maël, etc., etc. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir. On se retrouve demain, bien sûr, à partir de 23h pour une nouvelle édition avec encore des iPad mini. Demain, ce sera le je t'emmerde si vous voulez jouer. Eh bien, n'hésitez pas à faire un mail maintenant, mickaël@funradio.fr. Bonne nuit tout le monde. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Mickaël, sur Fun Radio. Et c'est notre ami JB. Un générique. Un générique, okay, bah non, d'accord. Il n'y a pas, non. Vous n'avez pas marre de me clasher quand même. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Avant vous me chantiez mon arrivée, maintenant vous me chantez plus mon arrivée. C'est le pull. En fait c'est cette espèce de pull ridicule, ouais. Et ce truc que t'as mis autour de ton cou là. Non, mais c'est polo. Ça. Non, j'ai mal à la gorge, ça c'est autre chose, j'ai une chatoulette dans la gorge. C'est ça. Alors du coup, à l'intérieur d'un studio qui est fermé de l'air extérieur, il met cette espèce d'écharpe. C'est cher, pardon, qui n'est même pas serré jusqu'au bout, donc ça ne sert à rien. T'as mis ça pour le design, sauf que tu as une faute de goût. Polo, normalement on s'aime tous les deux. On s'aime. Ouais, mais bon, maintenant tu me caches de plus en plus. Non, c'est le juste. Non, d'habitude j'aime beaucoup, mais là c'est une espèce de truc de tricoté main. Tu me déçois, Polo. Mais non, mais je non, les choses ont changé. Non, on s'aime. Tu n'es plus le même. Ah si. La France pleure notre relation. C'est vrai. Mais la France écoute Bruno Guillon. Et les gars, première radio musicale à 5h du matin. Ouais. Et ça c'est beau. Et de ça France, c'est beau. Hein, de France. De France. De France. Excellent. Et ça c'est beau, JB. Et ça c'est beau. Et ça c'est magnifique. Tout ça grâce à tes vannes. Exactement. Ouais. Plus 132%. On a baissé un petit peu par rapport à la dernière fois. Et t'as plus 166. Ah mais ça c'est On est à plus 132. C'est la neige ça. C'est la neige. Non, c'est l'effet neige. Ouais. C'est l'effet neige. C'est l'effet neige. Ah qu'est-ce que vous voulez. Bon ben c'est JB dans la radio. Hein. Voilà, qui ça hein. Non, bon, parce que lui, ce sera JB dehors de la radio et tout. Hein. Non, demain, je fais une vanne, je vous l'annonce. Ouais, ah, bah, je l'écris en ce moment. La dernière fois que t'as dit ça, t'as oublié de la faire. En fait, j'en ai plusieurs. Et JB, tu veux pas utiliser la barre là de pole dance? Ah ouais, une barre de pole dance, ça n'est pas venu. Non, mais alors, bon, je veux pas dire, mais on m'a proposé d'en faire. Bah vas-y. Bah vas-y, vas-y, fais-toi un kiff. Je vais essayer. Attends. Alors attendez, il va essayer en live là. Et là, attends, JB là. Ah, quelle horreur. J'arrive même pas à monter, je crois. Bah si, t'as réussi là. Il vient de se lever, il met les jambes sur le côté et tout, c'est scandaleux. Mais et, t'aimes pas, t'es pas là pour baiser la barre. Sauf ouais. Tu veux pas en faire, c'est une barre toute dure. Ouais, je sais, mais tu sais, il y a que toi qui m'excite quand tu es dur. Bah imagine que c'est ma bite, viens voir. Elle est longue. Elle est très très longue. Vous avez pas peur que ça tombe? C'est quand même mal à couper. C'est marrant ça, c'est quoi l'obsession avec ça au monde là? Attends, on va mettre la musique et tout. Remarquer, hein. Voilà, c'est pas un striptease, mais on fera. Il faut un slow, il danse un slow. Collé serré. Ah, mais vous voulez un slow? Ah, ils sont en train de se monter sur la barre à striptease, dis donc. Non! Oh, ils allaient se rouler un patin, c'est mignon! Et t'as vu, c'est lui qui m'a chauffé! Oh, hein. C'est pas moi! Alors là, la France doit le savoir, je t'ai jamais chauffé, arrête! Oh, arrête! Ouais. Si, je suis désolé! Et Toff qui monte, il arrive même pas à monter! Ah, oh, c'est bon ça! Toff? Il est par terre! Ah non, il est pas fait pour le pole dance, non, ça c'est sûr! Bah, elle a essayé de monter, mais malheureusement, ses bras ont dit non! Hein. C'est... Et puis nous aussi d'ailleurs, on a dit non, la barre a dit non! Tout a dit non quand t'as essayé de monter, c'est bien malheureux. Merci, c'est vrai. Je crois que t'avais lui mettre la main à la bite. J'ai eu peur. Non mais il se passe un truc avec JB, je le vois. Ouais, je pense, ouais, je pense. Je vais rester un peu avec toi ce soir, JB. Voilà, c'est ça. Oui, mais moi je m'en vais là. Il sera sous la console. Non, je vais t'aider à faire des vannes. Ouais, voilà, c'est ça. Je te les soufflerai dans le creux de l'oreille. Totalement. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. On se quitte avec quoi du coup? Ce que tu veux. On peut mettre, si tu veux, nouveau Dimitri Vegas, Dubs, ouais. Et Sinon, j'avais ça. Like Mike. Ouais. On peut mettre de la musique. Un peu de respect pour les frères Gallagher. Un peu de respect. C'est pas une marque de viande, ça. Ah, oh, j'ai envie de faire l'amour là. Ah ouais. Là, je sais pas toi, JB. Bah vas-y avec JB. JB va regarder. Non mais non. Je vais tout vous dire quand même ce qui se passe. Vas-y. C'est que dans une semaine j'ai rendez-vous avec le directeur d'antenne. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse. Le sous-chef ou le sous-chef? Non là c'est le chef. Donc ce qu'il faudrait. Bah, Jérôme. Non, c'est le sous-chef. Ah, ouais, c'est donc sous-chef. On va faire des passages d'antenne. On va pas parler de rock sur les passages d'antenne parce que je crois que il va pas aimer. Pourquoi? Et je vais devoir vous dire, faut qu'on arrête les gars de parler de rock sur les passages d'antenne. Avec plaisir. Attends, c'est peut-être la dernière fois, il est quand même devenu vert. Hein. C'est vrai? Ah bah là. Bah pourquoi? Je comprends pas. Non mais bon, c'est pas grave, c'est pas ma tranche. Mais... Non, c'est pas. Si, là on est. Ah si, là on est bien dedans en plus. Hein. C'est ma tranche. On est dans JB dans la radio. Bon d'accord, ok, j'arrête dorénavant. Bon. Pas de problème. Voilà. C'est pas rock ça. Non, c'est ça, dance c'est floor. Dance. Attends, t'es sérieux là? Là on est au top du dance floor. C'est la section ça. Exactement. Mais ils sont partis. C'est dance floor. Voilà. Je tiens à dire au sous-chef que c'est JB qui me menace d'un revolver pour que je mette le son là. Je m'y suis pour rien, je suis totalement innocent. Tellement. Bah c'est vrai. Quand on me connaît, on sait ce que j'aime. Hein. Bah justement, c'est bien ça. Et t'as bien caché ton jeu pendant toutes ces années. Hein. Exactement, ouais. Tout ça pour rentrer à fun, t'as vu, c'est beau quand même. Laisse tomber tes problèmes. C'est pas vrai. Bon allez, on va se quitter avec quoi là? Bah, du coup, je te disais, cherche Stampede. C'est Dimitri Vegas, Dubs et Like Mike. Stampede, nouveau téléphone radio les gars. Bah il est où? Alors tape STAM. Mais si je dois le taper, c'est qu'il n'est pas dans la prog. Si. Mais non. Alors moi qu'est-ce que je vois à 2h? Kesha Timber. Bon ok, il est 2h17. Nouveauté téléphone radio. À 2h03. Non. Jason Derulo 2h07. Ah bah on est toujours trop tard. New à la flûte à 2h11. Tu m'écoutes un peu, on va 2h14. 2h14, il y a Ellie Goulding. Et à 2h18, je fais ce que je veux. Et à 2h18, il y a Martin Garrix. Mais je fais ce que je veux. Moi je serais tenté de dire Martin Garrix. L'heure c'est l'heure. Moi je respecte la programmation. Je suis désolé. Moi je suis comme ça. Moi je suis dans les clous, tu vois. Quand il y a, je traverse la rue, je vais sur les passages cloutés, tu vois. Toi, tu fais ce que tu veux, tu mets du rock sur Fun Radio, le son dance floor, ok, tu es ton business. Tu veux passer un son qui est pas dans la prog, qui est pas prévu à ce temps-là, c'est ton business. Non, moi, je suis dans les clous. C'est alors, une nouveauté. Si tu décides de mettre un titre qui n'est pas dans la programmation, ouais. Eh ben, libre à toi. Bon, libre à toi. On met Dimitri Vegas, Like Mike et Dubs, nouveauté Fun Radio. la France veut le découvrir. Oui, mais c'est pas dans la prog. Non, je suis désolé. Et c'est moi, à 2h18 et 8 secondes, il y a Martin Garrix. Des sons qu'on a jamais joué. Si, si, on les a joués, mais t'étais pas né. Mais ouais. Bon, bref. Ah, regarde, 2h18 et 8 secondes. Et c'est. Hop. Ah, je suis pile dans la prog là. Regarde, 2h18. 2h18 et 8 secondes. La France a entendu, mais pas Mickaël. Martin Garrix, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ah, il a une vanne de merde. Tu as dit, ouais, t'étais pas né, il a dit si, j'étais poisson. Hashtag on aime les blagues de JB Fun Radio. Bonne nuit. Hashtag on est focus surtout avec JB Fun Radio.